Sam Lake aime Stephen King, le vidéoclub de Castle Rock aime Stephen King, le vidéoclub de Castle Rock en est au 100e épisode sur Stephen King et va parler d'un jeu créé par Sam Lake. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock pour cette 100e émission. Je suis, comme depuis toujours, avec Chris, bonjour. Hello, hello, et oui, toujours pas lassé. Ouais, et il y a de l'honneur à ne pas l'être. Et pour la première fois, nous avons un invité exceptionnel dans le Vidéoclub. Salut Punky. Salut. Comment ça va? Comment vas-tu? Oui, effectivement, on peut applaudir. Comment vas-tu? Bah, ça va super. Je suis très content d'être là, surtout pour parler d'Alain Réveil. Ça va faire plaisir. Alain le woke. Alain le woke, ouais. C'est pour le prochain remaster. Bah, on est très content, nous aussi, de te recevoir. Oui. Ça fait longtemps que nous, on écoute tes podcasts et que toi, tu nous écoutes, apparemment. Donc, c'est cool de pouvoir faire un truc ensemble. Ouais, puis je finis toujours par atterrir dans les podcasts que j'écoute. Ça commence à devenir une... C'est une malédiction aussi, tu vois. Genre, j'écoute des podcasts et au final, je finis par me faire inviter. Il y en a encore que t'as pas fait, je crois. La DC, t'y as pas été, je crois, alors que tu les écoutes de temps en temps. Ouais, la DC, je les écoute depuis 10 ans, ouais. C'est vrai que, par contre, ça a failli plusieurs fois se faire, mais ça ne s'est pas encore fait. Ah, mais qui a réellement envie d'aller dans cette cave glauque? Ah, moi, c'est ça la question. Oh, bah, moi, j'aimerais bien avoir un épisode avec Punky dans la cave. Hein. je serais très curieux. Mais alors, en plus, j'ai déjà vu la cave, parce que il y a 10 ans de ça, j'avais postulé dans un cyber du Capitaine. Et donc, j'avais fait l'entretien d'embauche et il m'avait montré la cave. Donc, je l'ai déjà vu, en plus, je sais où c'est. Mais voilà, il y a bien l'entretien d'embauche. Bon, je vais vous montrer la cave. C'est vrai que c'est très bizarre. Bah non, mais c'est moi qui avais demandé, évidemment. Alors là, il y a un clodo dans le coin qui travaille, c'est Maddox, bonjour. C'était un peu ça. Bah, du coup, je vais te laisser te présenter un peu, Punky, déjà pour les gens qui ne te connaîtraient pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire de ton activité? Bah, je fais des vidéos sur les jeux vidéo depuis 2008. Voilà. Je suis passé par plein de trucs et aujourd'hui, bah, je suis carrément devenu un personnage de cartoon sur YouTube qui parle de jeux vidéo et voilà, qui parle de jeux vidéo curieux, pas très connus. Les jeux qu'on a tous eu sans vouloir vraiment se l'avouer, voilà, des sous-versions, des spin-offs un peu bizarres, voilà, parce qu'on n'avait pas le vrai jeu. Donc ça, c'est un peu mon activité principale. Puis à côté, je suis podcasteur, je participe au podcast de la case rétro et j'ai mon podcast qui est dédié au cinéma de la fête et des excès, donc les stoner movies, les films drôles où les personnages fument des joints, voilà. C'est bien résumé. C'est un peu ma petite spécialité avec Ace Modet et Ash. On fait ça. On a une petite série en cours sur les American Pie là. On se fait tous les American Pie, y compris les pas terribles. Voilà, bah, avec le recul de post 2020 quoi. C'est-à-dire regarder American Pie avec des yeux d'aujourd'hui et c'est moins surprenant qu'on pourrait le penser, voilà. Moi, il y en a, aujourd'hui, on peut plus les regarder correctement parce que vraiment, c'est trop. Mais on va dire que les American Pie de la saga principale restent encore aujourd'hui assez bien en termes de morale, les films ne sont pas encore trop sexistes. Ils le sont, mais il y a pire à cette époque-là. Et surtout, ils délivrent des bonnes valeurs. Donc, qui sont encore valables aujourd'hui, et même qui avaient un petit peu d'avance sur leur temps à l'époque. Voilà, on fait ça, et voilà. Et sinon, bah, fan de jeux vidéo et fan d'Alan Wake, avant tout, bien sûr. C'est toujours intéressant de revoir des films, surtout comédies de cette époque, et d'essayer un peu de ranger, de relativiser les valeurs selon ce qu'on peut garder ou pas. Je trouve que c'est une question assez passionnante. Bah c'est toujours un peu délicat d'en parler, mais on essaie de faire ça proprement. Et surtout, on se fait plaisir avec la nostalgie des années 2000 et de tous ces films-là, quoi. Je vous encourage à aller voir pour la chaîne et écouter pour les podcasts tout ça, parce que c'est en effet super intéressant. Oui, clairement, clairement. Et c'est vrai que depuis quelques temps, tu fais aussi des vidéos un peu plus de fond, plus que sur des petits jeux par-ci par-là, qui sont également très intéressantes, et pour ça, vraiment, félicitations. Ah bah merci, Les Punky va vous parler, tu vas dire Ouais, voilà. Ouais. Ah, c'est cool, merci. À la base, c'était un format pour attendre entre les grosses vidéos, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus le format que les gens apprécient le plus. Donc, et qui sait, dans un an, ça se trouve, il n'y aura plus que ça sur la chaîne. Après, je trouve ça intéressant aussi, justement, tes vidéos, notamment sur les portages improbables, où on se dit toujours au début, ça va être forcément nul sur cette console, et où tu arrives, pareil, à bien relativiser les qualités que peut garder le jeu des consoles qui, a priori, ne sont pas faites pour ça. Ouais, et puis c'est important parce que c'est la culture jeu vidéo de plein d'enfants de prolo qui pouvaient pas s'acheter les grosses consoles next-gen et qui se retrouvaient avec les versions DS de Call of Duty et les trucs comme ça. Donc c'est important, ça fait aussi partie de l'histoire du jeu vidéo, voilà. Faut le rappeler. ouais, je suis tout à fait d'accord. Clairement. Puisque tu évoquais Ace, on peut faire de la pub par miroir et dire d'aller suivre sa chaîne aussi. Exactement. D'autant que sa dernière vidéo est vachement bien. Ah ouais, défonce sa dernière vidéo. Si vous voyez les vidéos à gros budget, genre Bolshevik Geek, ce genre de truc, il fait ça maintenant, des grosses vidéos fleuves de 40-45 minutes, mais tu les sens pas passer, quoi. T'as l'impression d'avoir passé 15 minutes devant la vidéo et en fait. Ouais, c'est totalement fluide. Ouais, c'est ça, il t'emmène au fond du terrier et tout, j'adore. Il développe un propos politique intéressant dedans, alors que ça part de manière très légère. Enfin, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a été construite. Oh, il a mis de la politique sur YouTube, il est fou. Quel scandale. Pas de politique dans les geekeries, voyons. Non mais c'est le fréquenté Bolshevik qui a fait ça, il n'était pas comme ça avant. Ah bah ouais, c'est clair, il a pris sa carte il a pris sa carte du parti communiste là, ça va plus du tout. Pour en revenir à King, on va te poser quelques questions, parce que nous, on a souvent eu l'occasion de parler de nos découvertes de King, de comment on en était venu à l'aimer. Toi, est-ce que tu te rappelles, Punky, de quel est le premier King que tu as lu, et comment tu l'as abordé aussi au cinéma? Quels ont été tes premiers rapports avec King dans des films ou des séries? Les deux sont un petit peu liés, parce que le premier truc que j'ai lu qui s'apparente à du Stephen King, c'est le script de Peur Bleue, qui avait été sorti en bouquin, en livre, de poche. Et moi, j'aimais bien les loups-garous, les trucs comme ça. J'étais déjà très chair de poule et compagnie. Et puis, je lisais beaucoup. Je sortais du Seigneur des Anneaux, donc c'était dans les années... je pense ça devait être 99-2000, je pense. Et il y avait ce truc Peur Bleue. L'arrière m'avait plu, la photo à l'avant, c'était une photo du film, je crois. Et j'étais là en mode, ça a l'air sympa. Et puis, je crois qu'au collège, on était en plein dans les pièces de théâtre, dans les trucs comme ça. Donc le fait que ça soit un script, donc avec des dialogues et tout, ça m'avait pas mal attiré. Et puis après ça, mon beau-père a vu que je lisais un truc de Stephen King, il m'a dit, mais t'aimes bien Stephen King, toi ? Tiens, prends ceci. Et Cimetière, Minuit, les recueils de nouvelles, Shining, et tous ces trucs-là. Et surtout, les adaptations, parce que quand t'es jeune, lire, c'est bien, mais tu préfères quand même regarder les films. et donc, les adaptations de Stephen King, et je crois que la première que j'ai vue, ça a dû être Carrie au bal du diable, il me semble. Et non, avant ça, il y a eu l'adaptation de Shining, mais en téléfilm. Voilà. Je crois que ça, c'est. Et pareil, les Langoliers aussi, peut-être. Les trucs qui passaient sur la 6 tard le soir. En général, c'est les adaptations qui reviennent souvent, les Langoliers, ouais, ça. Surtout que selon ton. Je sais pas exactement quel âge t'as, mais il y a moyen que ce soit grosso modo l'époque de diffusion dans ta jeunesse. Ouais, bah alors en plus les Langoliers et tout, ça a été rediffusé plein de fois, mais ouais. Ah oui. Tommy Knockers, Langoliers et adaptation télé de Shining, c'était vraiment les trois que je voyais passer régulièrement. Et puis après, j'ai dû voir passer Cimetière aussi, des trucs comme ça. Et quand j'ai commencé à avoir l'âge d'aller au cinéma, j'allais beaucoup voir les adaptations de King. Notamment, j'ai un très très gros souvenir bien ancré de 1408 au cinéma, qui m'avait que j'étais retourné voir une deuxième fois tellement j'avais aimé quoi. Donc j'aimais bien les ambiances comme ça à la base. Je commençais à l'époque à me passionner un peu aussi pour Twin Peaks. J'aimais bien voilà les thrillers un peu psychologiques. À l'époque, c'était quoi qui sortait? C'était Identity de James Mangold, des choses comme avec ça. Avec John Cusack aussi, ça d'ailleurs. Non, avec John Cusack aussi, tout à fait. Donc, oui. Très très bon Identity. Ouais. C'était totalement dans mon ambiance. Et puis je lisais du Edgar Allan Poe aussi à côté. Donc j'étais vraiment sur le mystifiant, quoi. Une période qu'on a eue tous les trois, je pense. Enfin, et d'ailleurs qu'on a encore un peu. Oui, Bah, je sais pas si vous écoutiez Evanescence comme moi à l'époque, mais moi ça, coup, non, tiens. Ça allait de pair avec les groupes un peu gothiques, les jeux vidéo un peu de Resident Evil, de Silent Hill et tout. Il y avait vraiment toute cette imagerie qui revenait à la mode en fait dans les années 2000. Hein. C'était revenu tout ça. Et est-ce que tu saurais déterminer quel est ton, pareil, roman et film préféré de King? Alors ouais, roman, je pense que c'est Cimetière, ou alors un recueil de nouvelles, sinon Cimetière. Et en film, bah, je pense que c'est 1408, et après The Mist, voilà. J'ai pas trop aimé le Shining de Kubrick, que tout le monde adore, mais parce que je pense que, ayant vu l'adaptation télé en premier, qui est beaucoup plus fidèle au bouquin sur certains trucs, et qui est plus longue, et qui a une fin plus proche. Je pense que je suis passé un peu à côté de Shining. Par contre, j'avais bien aimé Carrie à l'époque et tout. Mais ouais, non, 1408 et The Mist, les Darabons, quoi, ça marche tout le temps. Shawshank Redemption, tout ça. Oui. Je suis d'accord, on a un petit différent sur The Mist, Issam et moi. Oui, mais c'est un de nos. C'est un des deux où on n'est pas d'accord globalement avec le corps. Ah, la version noir et blanc, voilà. La version noir et blanc de The Mist qui est quand même. Qui cache un peu les effets spéciaux datés, quoi. Ouais. Puis oui, c'est vrai que clairement, ça fait partie de ceux que j'aimerais bien revoir faire un Kling à l'occasion ou revoir faire quelque chose parce qu'il fait pas grand chose depuis qu'il a fait les pilotes de Walking Dead. Ouais. Et puis, Chambre 1408 chez nous est très très bien classé. Hein. Oui. Oui, il est troisième, je crois. Non, il est même toujours deuxième. Deuxième. On avait eu la discussion avec No Smoking, mais finalement 1408 avait conservé sa deuxième place. Ah, c'est cool. Il la mérite. Je suis d'accord. Ouais. Ça nous a permis de te présenter un peu et je pense qu'on va pouvoir se lancer dans Alan Wake. Ah, yes. Qui est donc un jeu vidéo pour une fois, c'est la première fois que nous faisons ça, un jeu vidéo qui est très inspiré entre autres de King, de l'univers de King, et d'autres choses dont on reparlera. Nous n'allons parler que du premier épisode et de ses différents spin-offs, chapitres spéciaux, etc. Mais donc ça, nous allons le spoiler. Mais nous n'aborderons pas Alan Wake 2 dans cette émission, déjà parce que ça risque d'être assez chargé comme ça, et puis parce qu'aucun de nous ne l'a fait. Donc bon. Oui, c'est quand même un bon argument. Autant on voit pas je suis dans The Corn Genesis, autant Alan Wake 2, bon, ça se verrait. Ouais, et puis il faut un PC de la NASA en plus pour le faire tourner, donc ça coûte cher le jeu pour l'instant. On peut devenir des critiques de jeux vidéo sans tester les jeux, je suis sûr qu'il y en a. C'est bon. Ah, ça se fait, c'est même recommandé. Discussion. Ouais. On ira travailler à JVC comme ça. Exactement. La balle perdue. Ça me dérange pas. Ah oui, non. Oui, je me doutais qu'elle dérangerait personne, celle-là. Oui, bah surtout vu ce qu'ils sont devenus. Ouais. Voilà, c'est ça. Très bien, nous allons nous lancer dans Alan Wake. It's coming for me. Whatever you do, Don't go out in the dark. Stay in the light. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. Alice? Alice? My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wick. Last night, I woke up to a nightmare. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice. Carl Stuckey. Pleased to meet you. My name is Alan Wake. I'm a writer. Donc Alan Wake, pour faire un bref résumé, nous raconte l'histoire d'un auteur de thriller principalement qui s'appelle Alan Wake, qui, étant victime du syndrome de la page blanche, se rend avec son épouse dans une ville un peu isolée dans l'espoir de pouvoir retrouver l'inspiration. Sauf que dès leur arrivée dans une petite maison sur un lac, sa femme disparaît, elle est emportée dans le lac, et Alan se réveille plus tard en ne se souvenant pas de ce qui lui est arrivé. Il est dans une voiture accidentée, et il se rend compte que ça fait 2 semaines qu'il a disparu aux yeux du reste du monde, et qu'il y a des entités obscures, des hommes qui semblent possédés par des ombres, qui le poursuivent, et il commence à retrouver des pages d'un mystérieux manuscrit qu'il aurait écrit lui-même et qui annonce des événements à venir ou décrivent des choses qui lui sont arrivées. On entrera évidemment plus dans les détails au fur et à mesure. Est-ce que ce résumé vous va ? Oui, clairement. Ah oui, on dirait que t'as mis plein de plots de Stephen King dans un chapeau, que t'as des morceaux de scénario de Stephen King dans un chapeau, que t'as tout mélangé puis que tu les as sortis au fur et à mesure, donc c'est que c'est ça. Ouais, ça colle alors. Donc le jeu Alan Wake, c'est un jeu qui est développé par Remedy Entertainment, qui est un studio finnois fondé en 1995. Au moment de sa fondation, tous les développeurs sont assez jeunes, ils sont grosso modo dans la vingtaine, et il faisait partie de base de la démo scène. Le nom le plus connu actuellement du studio, parce que c'est un peu celui qui est le plus mis en avant, parce que c'est le directeur artistique en fait, c'est Sam Lake, mais il n'en faisait pas partie au tout début. Il est arrivé en fait dans le studio alors très vite, parce qu'il est recruté dès leur premier jeu, et visiblement il est recruté un peu par hasard, un peu à la zob, parce que alors, le premier jeu du studio c'est Death Rally, un jeu de combat de véhicules, et en gros ils se sont rendus compte que niveau scénario, ça allait pas, qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui sache un peu écrire des dialogues pour mettre vaguement un scénario dessus, et la seule personne qu'ils connaissaient qui avait a priori cette capacité là, c'était Sam Lake, et donc il se fait appeler là dessus et il y entre par hasard. Mais ce sont les jeux suivants où déjà il va prendre plus d'importance dans le développement, et surtout qu'ils vont mettre le studio sur le devant de la scène, puisque leur jeu suivant, c'est Max Payne. Donc tout de même un gros nom du jeu vidéo. Mmh. Oh oui. Oh oui. Que je n'ai pas fait, moi j'ai juste vu le film. Ah bah, il n'a pas eu de chance. Ah dur. Oh la vache. Mais si vous voulez essayer de réhabiliter un peu l'univers de Max Payne, allez-y. Bah, déjà, il va y avoir un remake, là, ils ont annoncé un remake bientôt. Ah, j'étais pas au courant. Donc, ouais, alors ça fait quand même quelques années qu'il a été annoncé, mais apparemment, ça serait Remedy qui bosse dessus pour le compte de Rockstar, parce que c'est Rockstar qui a la licence Max Payne, ouais. Mais le premier Max Payne, surtout à l'époque où il est sorti, il n'y avait pas énormément de jeux qui mettaient autant l'emphase sur les aspects cinématographiques. Donc déjà, tu avais le Bullet Time qui venait de Matrix. Mais tu avais aussi toute une espèce de d'ambiance de film noir, de roman policier, vraiment très développé. Ouais, tu avais une narration vraiment, vraiment bien tenue, quoi, du début jusqu'à la fin. Hein. Ouais. Ouais, c'était vraiment très bien, avec l'utilisation de voix off du personnage. Tu avais des flashbacks dans lesquels tu jouais. Ce qui était, moi j'avais jamais vu ça, des flashbacks jouables à l'époque, c'était quand même assez nouveau. Ouais. Et puis en fait, Sam Lake, il sort d'une école de ciné en fait, il réalisait des films à la base. Et donc c'est pas étonnant qu'il ait voulu instiller ce côté cinématographique dans le jeu, quoi. Mmh. Et aussi t'avais aussi toutes ces cutscenes directement en comic book. Ouais. C'était visuellement très sympa et ça marque déjà cet amour du studio pour vraiment différents formats de pop culture, quoi. Qu'elle soit cinématographique ou bande dessinée. Ouais, et même musique, parce que les musiques de Max Payne étaient aussi très très élaborées pour l'époque, quoi. On est quand même un an ou deux après Half-Life 1, quand même, donc on est encore sur de la façon de raconter des histoires dans les jeux vidéo qui est en train d'évoluer, qui est encore balbutiante, mais qui évolue pas mal sur l'immersion et sur comment on te rentre dans le jeu et tu n'en sors plus parce que t'es captivé. Et je pense que Max Payne m'a beaucoup aidé à ça. Ça fait partie de ces jeux qui ont un peu marqué l'histoire, quoi, au même titre qu'un BioShock, des trucs comme ça. Ouais, j'ai des gros souvenirs de Max Payne à 3 frames par seconde parce que mon PC le faisait pas tourner. Et puis au-delà de ça, Max Payne, même en termes de gameplay pur, hein, c'est vraiment une grosse réussite, hein. Ouais, c'est un très bon jeu de tir. Alors dans mes souvenirs, le jeu était vraiment pas évident. Il y avait vraiment des passages où tu t'arrachais les cheveux en termes de difficulté. Ouais. Mais vraiment cool, ouais. Une très très bonne expérience, Max Payne 1 et 2. Hein. Ouais, le 2 était très bien aussi. Et puis le 3, bon, c'est Rockstar qui l'a fait, mais c'est différent. C'est différent, mais ça reste un très bon jeu aussi. Donc si vous avez jamais fait les Max Payne, faites-vous plaisir. Clairement, ouais. Il va falloir un jour, il va vraiment falloir, comme 50 autres jeux que j'ai de côté. Mais par contre, du coup, vous pouvez éviter le film. Oui, alors ça, par contre, ouais. S'il vous plaît, quoi. Regardez-le après pour rigoler un bon coup. Une fois que vous avez fini Max Payne 1, vous pouvez regarder Max Payne le film juste pour vous taper une gigabarre de... Waouh, c'est ça la drogue à Hollywood. Les mecs n'ont rien compris, quoi. Ah ouais. Le truc du film, c'est que vu que le jeu vidéo est déjà très inspiré du film noir, en repassant dans l'autre sens et en n'y ajoutant rien et en le faisant mal en plus, ça devient un mauvais film noir, simplement. Oui. Oui, c'est... c'était à l'époque où on faisait des films de jeux vidéo pas terribles. Oui. Bon, ça arrive encore de temps en temps. Hein, il y a Minecraft qui vient de sortir, donc... Oui. Mais ouais, T'as tenté l'expérience, parce que moi, pas encore. Hein. Alors moi, j'ai vu la version, c'est évidemment Ace Modé qui me l'a filé. Il m'a filé la version bootleg, où les effets spéciaux sont pas finis, la version Warprint, où tu vois encore tous les fonds verts. Si j'ai bien compris, c'est un peu le vrai film, hein, aussi. Bah oui, voilà. Franchement, je veux... S'il faut, c'est tout aussi beau. C'est celui qui restera dans mon disque dur de film. C'est, voilà, clairement, c'est pas la version complète que je vais garder. Hein. C'était beaucoup trop drôle de voir Jason Momoa et Jack Black faire un 69 devant un fond vert mal détouré. J'ai un peu envie de le voir. Là, tu vois, franchement, il y a toujours de l'intérêt. Même dans les pires trucs, tu trouves toujours un petit intérêt. Quand t'es curieux. Et c'est pour ça qu'on a fait le vidéo club de Castle Rock. Hein. Ouais, on en sait quelque chose. Ouais. On cherche toujours le petit intérêt des enfants du maïs, mais. Oui. Il y en a eu des biens. On rappelle que celui de 2020 est plutôt bien classé. Ah oui, 2022. C'est vrai qu'il y avait la petite surprise de en fait, c'est pas si mal. Ouais, je continue à le défendre, celui-là, vraiment. Mais donc, oui, Max Payne, jeu qui a largement marqué. En partie parce qu'il n'y a pas Mark Wahlberg aussi, ça rend beaucoup de choses plus sympathiques. Quand même. C'est vrai. Après les deux premiers Max Payne, et donc en effet la licence est récupérée par Rockstar par la suite, Remedy cherche une nouvelle direction, un moyen de faire quelque chose d'un peu nouveau. Un des trucs qu'ils voulaient à l'origine, on verra que c'est pas totalement respecté pour différentes raisons, c'était de faire un jeu qui s'éloigne de la linéarité des Max Payne, et donc l'idée première sur ce qui deviendra Alan Wake, c'était de développer un jeu en open world. Ouais. L'autre idée, comme Max Payne était déjà très inspiré finalement de plein de trucs plutôt américains, c'est très pop culture et pop culture américaine, les comics, les films noirs, etc., même s'il y a aussi d'autres choses qui viennent simuler, hein, bien sûr. Là, cette fois-ci, c'est aussi des œuvres américaines qui vont servir de source d'inspiration principale, donc les romans de Stephen King, des séries comme Twin Peaks, qui avait marqué énormément de monde 10 ans auparavant, à peu près, au moment où le jeu commençait à être développé un peu plus. En fait, toute cette ambiance de petite ville des États-Unis, petite ville un peu paumée, refermée sur elle-même et où il peut se passer plein de choses sans que personne le sache. Ce qui est effectivement un environnement idéal en tant que scénariste parce que ça permet de développer une histoire qui soit pas totalement un huis clos, qui n'ait pas les contraintes assez tenaces du huis clos, mais qui en même temps reste resserré de manière assez facile et assez crédible. Il y a d'autres références qui seront évoquées par la suite qui serviront du jeu, donc il y a notamment les romans de Bret Easton Ellis, les œuvres de Neil Gaiman. Ouais, Lovecraft aussi. Ouais, Lovecraft aussi. Bah après, de toute façon, si on met King, on met quasiment automatiquement Lovecraft, oui. Hein, il est fourni avec. Oui, il est dans le package. Ouais. Bon, Neil Gaiman, à l'époque, on pouvait pas savoir, hein, donc oui, je voilà. Suppose qu'on pouvait admettre des trucs. Ou une autre inspiration qui, en réalité, est logique, mais je l'avais pas du tout supposé, parce que je pensais que c'était beaucoup plus récent comme roman, c'est La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, qu'il va vraiment falloir que je lise un jour, et qui date en réalité de 2000 environ comme roman. Ouais. Ah, je pensais que c'était plus récent que ça, La Maison des Feuilles. Ben moi aussi, mais je crois que c'est parce qu'il a été traduit en français tard, c'est ouais. Toussaint l'ouverture qu'il a sorti, et la trad française, elle, est plutôt tardive, donc c'est peut-être devenu un phénomène en France, beaucoup plus tardivement par rapport à sa sortie. D'accord. Il y a Shutter Island aussi dans les romans qui ont inspiré, et ce qui est rigolo, c'est que bah, t'as l'adaptation au cinéma de Shutter Island qui est sortie la même année qu'Alan Wake au final, donc comme quoi ça s'est retrouvé. Oui. Ouais. Oui, ce sont des inspirations assez logiques, une fois qu'on les connaît, elles se ressentent pas mal dans le jeu fini. Donc comme les autres jeux du studio, il est scénarisé par Sam Lake, qui est aussi à l'origine du concept pour le coup, mais là il a deux co-scénaristes avec lui, donc je suis désolé pour les prononciations, ça va probablement être un peu catastrophique, mais il y a Petri Giavilletto qui est en dehors parmi les premiers membres de la compagnie, c'est lui en fait qui avait recruté Sam Lake à l'origine. Et lui, pour dire ce qu'il est devenu depuis, il a été parmi les fondateurs des studios Rovio et Seriously. Il est donc impliqué sur Angry Birds et Best Friends. C'est totalement la même ambiance, bien entendu. Oui, j'ai entendu. Bien sûr, bah, écoutez, je savais pas qu'il était parti bosser sur... Mais après, c'est un producteur là-bas, j'imagine. Donc, ouais, il est surtout producteur, ouais. Ouais. Ouais, c'est le cursus habituel des gens qui ouvrent des studios de jeux vidéo, hein. Ils finissent par laisser les rênes et produire pour des plus gros ouais. éditeurs derrière. Après, Angry Birds, c'est des oiseaux, et il y a des oiseaux dans certains romans de King, genre dans La Part des Ténèbres. Je pense que ça passe. Il y a aussi des oiseaux dans Alan Wake, ouais, surtout énervé même. Oui, il y a les oiseaux voilà. d'Hitchcock dans Alan Wake, carrément. Ouais. Et l'autre co-scénariste, c'est Mikko Rotalahti, qui est donc co-scénariste et qui sera aussi sur American Nightmare, donc le spin-off, on va dire, ou suite, et sur Quantum Break du même studio. Et dans Control, apparemment, c'est lui qui sert de modèle physique au chef de la sécurité, Lynn Salvador, mais comme je n'ai pas fait yes. Control, je me disais que toi, Punky, tu verrais quelle tête il a. Ouais, ouais. Et Control, c'est très bien, c'est canon avec Alan Wake, puisqu'il y a un DLC dédié à Alan Wake dans Control. Alors sans trop spoiler Control, ça part un peu sur un principe des SCP, vous voyez, les phénomènes étranges qui sont classés oui. par un organisme gouvernemental secret, voilà, machin. Et dans Control, les événements de Bright Falls sont liés en fait à un SCP. Donc tout ça va ensemble, et apparemment Alan Wake 2 est presque aussi une suite à Control, parce que il y a beaucoup d'éléments qui reviennent de Control, donc... Bah, tout ce qu'ils appellent le Remediverse, et même Quantum Break d'ailleurs, sont tous liés entre eux. Donc ça, c'est pour le petit côté MCU de jeux vidéo, tu vois. Il faut que tout soit toujours relié, que tout communique. Donc voilà. J'aimerais bien les faire, mais du coup Max Payne pour le coup n'appartient pas à cet univers vu qu'il n'est plus... Alors il y a quand même des références à Max Payne, mais vu qu'ils n'ont pas les droits, ils peuvent que référencer vaguement pour dire oui Max Payne aussi, mais en fait vous le verrez pas parce que voilà, mais bah, par exemple dans Alan Wake, les romans les thrillers policiers qu'il écrit, c'est Alex Kazay. Et donc on peut trouver des pages dans Alan Wake de ce roman, Alex Kazay, je crois que c'est... The Sudden Stop, le nom du roman. C'est ça, le dernier, ce qui est censé être le dernier. Et en fait, quand on trouve les pages ne sont pas lues par Alan Wake comme toutes les autres pages de manuscrits écrites par Alan Wake qu'on trouve. Elles sont lues par la voix originale de Max Payne, de Max Payne 1 et 2. Donc Alex Kazay, c'est Max Payne dans l'univers de Remedy. D'accord. Et donc ce serait des livres écrits par Alan Wake. Du coup, oui, ça crée une idée de réalité alternative, enfin de choses qui, dans une réalité, sont de la fiction, dans d'autres réalités, sont réelles. C'est ça. Ce qui, là aussi, peut se connecter à King, du coup, parce que c'est quelque chose de très important dans La Tour Sombre. Ouais. Où, selon l'univers dans lequel on est, la Tour Sombre, est, en tant que roman, existe dans le roman La Tour Sombre, et c'est réellement Stephen King, il s'auto-met en scène en train d'écrire le roman... Enfin, il y a toute cette idée très méta dans les derniers tomes de La Tour Sombre. Ça spoil pas grand-chose. La littérale mise en abîme de Stephen King, c'est toujours les petites queues de poisson qu'on aime bien aussi dans ses bouquins, quoi. C'est... Oui, clairement. Oui. C'est quelque chose qu'il fait beaucoup à travers tous ses personnages d'auteur, ouais. Même si c'est rare, il n'y a que dans La Tour Sombre que c'est littéralement lui. Il le fait quand même beaucoup, oui. Et donc, ce scénariste dont on parlait, Mikko Rautalahti, lui, il est entré à Rollverse, une compagnie qui promeut l'utilisation de l'IA générative dans le jeu vidéo. Super. Meurs. voilà, c'est voilà, ça. Meurs. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire là, hein. Tant pis, ce sera pas sur Alan Wake 3. Hein. voilà, j'espère pas. Ce qu'on raconte sur les chutes et leur fin quand tout s'arrête est vrai. Je gisais dans la neige. Les scènes horribles qui m'avaient amené jusqu'ici défilant dans mon esprit comme une sorte de snuff movie personnel. Un souvenir de mon cadavre. Seul pour mon enterrement, encore des métaphores. La femme fatale était partie. Seul demeurait le goût amer de son baiser meurtrier. Donc pendant environ 3 ans, Remedy va travailler sur cette idée de l'open world, qui a été un peu inspirée par le succès de plusieurs jeux en open world à l'époque, notamment les GTA, donc ça avait l'air d'être une technique à développer. Il y a un outil qui est développé afin d'aider à la création du monde, qui permet de générer un peu plus facilement les environnements, pour pas avoir tout à créer à la main. Il devait y avoir au départ, ce qui est venu très tôt a priori dans les idées de Sam Lake, c'est de donner beaucoup d'importance dans le gameplay à la lumière. Donc, ouais. Enfin, la lumière et l'obscurité. Et donc au départ, il devait y avoir un système de cycle jour-nuit. Il y aurait eu un aspect survival beaucoup plus développé. L'idée serait été que pendant les phases de jour, on recherche tous les équipements qui seraient nécessaires pour tenir dans les phases de nuit. Mmh. Donc recharger les batteries de nos lampes, recharger nos armes, etc. Et pendant la nuit, on en aurait été agressé de partout, et donc on n'aurait pas pu faire ça, et on aurait dépensé les munitions, ce qui aurait donc donné un aspect gestion survival beaucoup plus prononcé. Mais ce qui va poser problème, c'est que l'équipe ne parvient pas à mêler correctement l'open world et sa volonté de faire une intrigue de thriller, qui nécessitait quelque chose probablement d'un peu plus suivi. Parmi les problèmes rencontrés qu'évoque Sam Lake en interview, il y a notamment qu'est-ce qu'on fait de tous les habitants de la ville pendant les phases de jour qu'Alan aurait pu rencontrer. Alors une idée serait été de faire complètement évacuer la ville à cause de menaces d'éruptions volcaniques suscitées par les présences sombres. Donc il y a des choses qui sont creusées, mais finalement ça va pas plus se développer. A priori, dans l'idée du cycle jour-nuit, il y a la première idée de ce qui deviendra le rupteur dans le jeu terminé, qui est créé avec un outil qui permet, avec un interrupteur en fait, qui permettrait de contrôler le cycle jour-nuit. Et c'est aussi dans le cadre de la volonté de créer un open world qu'une partie de l'équipe va partir en repérage aux États-Unis, pardon, et va faire énormément de photos qui serviront de base au design de l'univers. Comme le jeu était attendu, comme on attendait ce qu'allait faire le studio, la première démo est présentée longtemps avant la sortie du jeu définitif, puisqu'elle date de 2005. Et justement, cette première démo, elle montre cet open world, ce qui va créer une attente qui ne sera pas satisfaite dans les années suivantes, parce qu'il y aura très très peu de nouvelles du jeu, puisqu'il est complètement dans la menace en ce qui concerne son développement. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Alan Wake, c'est avec le trailer de l'E3 avec les rondins là. C'est un trailer pareil. où Alan Wake descend le flanc d'une montagne, il y a des rondins qui le poursuivent. Enfin, c'était déjà une démo technique parce qu'à l'époque c'était vachement impressionnant d'avoir une physique comme ça sur des objets et tout. Et moi je l'avais vu sur Game One à l'époque et j'ai totalement craqué, j'étais là en mode ah enfin un jeu dans un univers à la Stephen King, c'est génial. Et dès le départ c'était assumé hein, l'inspiration Twin Peaks Stephen King. Oui. Et franchement je n'ai pas lâché le jeu depuis cette annonce et j'ai pendant les 5 années qu'on suivit j'ai fait que suivre les annonces d'Alan Wake. Ouais. Et il devait sortir sur la première Xbox à la base, en plus. Ouais, ouais, il a vraiment tardé à arriver. Mais bah, du coup, en fait, justement, la période de pré-production, sans avancée vraiment concrète, est tellement longue qu'il y a même des rumeurs sur l'annulation du jeu. Et au final, c'est le fait que le jeu soit distribué, enfin, soit édité par Microsoft qui va un peu devoir lancer la machine parce que, bah, y a un moment, il faut bien se lancer, il faut bien faire quelque chose. De toute façon, les finances du studio n'auraient pas tenu ad vitam aeternam sur le développement pendant des dizaines d'années d'un jeu. Ça a été un peu à double tranchant, parce que d'un côté, ils avaient Microsoft pour ajouter du cash sur le budget du développement, mais de l'autre côté, au bout d'un certain temps, Microsoft a commencé à être très chiant, et c'est Microsoft qui va plus ou moins les pousser à oublier l'open world, ouais, pour leur dire, bah en fait, finissez le jeu. C'est-à-dire, vous avez un très beau moteur pour faire des niveaux maintenant, donc finissez le jeu. Et ils vont jamais pouvoir vraiment trop aboutir sur cette histoire d'open world, sachant qu'ils étaient toujours bloqués sur la façon d'enchaîner les cycles jour et nuit et de comment ils allaient faire au niveau du scénario, quoi, rattraper avec le scénario tout ce concept. Donc ils vont continuer à développer leur très beau moteur pour la 360, et une fois que le moteur sera terminé, ouais, Microsoft va leur dire bon bah maintenant vous êtes gentils, vous sortez un jeu. Maintenant, ce serait peut-être plus faisable, parce qu'il y a eu des jeux qui sont passés et qui ont essuyé les plâtres sur comment on développe une intrigue bien serrée malgré un open world. Ouais, mais... Ce serait peut-être plus simple à faire aujourd'hui. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus logique pour eux, ils auraient un meilleur... une meilleure ligne de travail, cycle de développement pour développer ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, au début de la génération HD, même au début de la 360, GTA 4 n'est pas encore sorti quand ils finissent leur moteur. Et on est encore sur des balbutiements de te laisser la liberté dans un jeu. Tu peux très vite te perdre, tu peux très vite t'ennuyer. Et ils savent pas trop comment rendre le jeu en fait intéressant. Et pour moi, c'est je me suis toujours demandé ce qui serait passé si Microsoft leur avait laissé un ou deux ans de plus pour finir le côté open world. Je me dis est-ce qu'on n'aurait pas eu un truc qui serait peut-être plus resté dans les esprits avec les années, je sais pas. Oui, ça aurait été à double tranchant, parce que comme tu le dis, ils auraient essuyé beaucoup plus de plâtre en même temps, dans les mécaniques de jeu, la manière d'avancer. Donc ça aurait été une plus grosse prise de risque aussi, mais j'aurais été curieux de voir. Mais c'était assez audacieux, parce que c'est pas un énorme studio non plus, Remedy, pour développer un open world. Ah non, clairement pas. Ah ouais, c'est une petite... à l'époque, c'était encore une petite équipe. Quand Microsoft est arrivé, évidemment, elle s'est très vite agrandie, mais quand ils ont lancé le projet, ouais, ils étaient encore un petit studio. Hein. Mais donc, bah oui, l'idée de l'open world est abandonnée pour revenir à un jeu linéaire qui sera divisé en chapitres, ou plutôt en épisodes, puisque la structure rappelle énormément celle d'une série télévisée. Il ancre encore plus dans l'évocation de Twin Peaks. Et ce qui est assumé par le fait que chaque chapitre débute par un récapitulatif du précédent, ouais, des événements importants des précédents épisodes, donc une mécanique purement de série télé. Et à l'époque, il y avait qu'un seul jeu qui l'avait fait avant lui, c'était le Alone in the Dark, qui n'a pas de sous-titre d'ailleurs, qui s'appelle juste Alone in the Dark, l'espèce de reboot. Ouais, sur PS3 360. À l'époque. Ouais, qui est un jeu immonde, c'est vraiment une... Oui. C'est vraiment un jeu malade, c'est un jeu cassé, qui a plein de bonnes intentions aussi, mais qui est complètement cassé, parce que bah, c'est Atari l'éditeur, donc merci Bruno Bonnel. Quand tu y joues, tu vois vraiment les rustines, les pansements et les cicatrices partout. Ah ouais, t'as l'impression vraiment c'est Bruno Bonnel qui a fini le code, hein. c'est vraiment pas ouf, mais il avait tout cet habillage série, puis en fait on est quelques années après Lost, et c'est vraiment l'avènement des séries télé à fil narratif, à cliffhanger et tout. Donc je pense que dans les inspirations, on peut mettre aussi Lost pour Alan Wake, parce que ça se ressent sur tout l'habillage, on va dire, l'habillage série. Ouais. C'est aussi, a priori, pour rendre hommage à certaines séries, qu'il y a ce choix sur lequel on reviendra de mettre une chanson pop rock à la fin de chaque épisode. Ouais. Pendant un temps, Remedy aurait même voulu sortir tout le jeu sous un format épisodique, mais Microsoft met le holà sur cette idée, persuadé que ça ne marcherait pas d'un point de vue financier, Et donc les 6 premiers chapitres qui forment le jeu principal sortent d'un bloc. Et il y aura tout de même 2 chapitres supplémentaires assez conséquents qui sortiront plus tard dans l'année. Je reviendrai un tout petit peu après. Vraiment très mauvais call de Microsoft parce que genre un an après, t'as Walking Dead de Telltale qui sort en épisodique. Mmh. Et qui crée la mode des jeux épisodiques, quoi. Clairement, et après, pendant les années qu'on suivit, on va se taper plein de jeux épisodiques comme ça, donc vraiment, Microsoft, qui est le doigt... Ils ont pas eu le nez. Ah ouais, le doigt mouillé, il était pas assez mouillé, là. Après, on peut se demander si ça aurait marché déjà un an plus tôt, et sur ce qui était une nouvelle licence, tandis que Walking Dead, il y avait déjà le comics derrière, qui a... Oui, qui était un gros succès, oui. Ouais. Qui a probablement aidé à en faire parler... Et le fait d'avoir une structure épisodique, ça rappelle d'autant plus la structure comics, donc peut-être que sur une nouvelle licence, ça aurait pas pris. Puis il y avait la série télé aussi, il y avait la série télé de Walking Dead qui commençait, donc ouais. ça paraissait logique aussi d'avoir des épisodes pour le jeu. Mais bon, je sais pas, peut-être ça aurait pu, en fait, je pense que ça aurait été une prise de risque. Mais peut-être que l'aspect nouveau du format épisodique et l'économie, bah voilà, t'achètes le... En fait, c'était l'économie qui était intéressante parce qu'avec Walking Dead, le premier épisode était gratuit. Donc en fait, s'ils avaient filé le premier épisode d'Alan Wake gratuit, je suis sûr que la plupart des gens auraient acheté au moins le deuxième ou le troisième et que ça aurait peut-être fait partir le truc. Mais c'est vrai que Walking Dead avait beaucoup plus ses chances pour populariser ce format-là, quoi. Oui, clairement. Il y a tout de même des éléments de l'open world qui vont être réutilisés parce qu'en fait, la majorité des niveaux sont découpés dans la carte qui avait été faite pour l'open world, alors en corrigeant des choses pour aider à la progression, pour faire plus une progression de niveau. Mais l'équipe n'a pas besoin de repartir de zéro pour générer ces niveaux, encore heureux d'ailleurs, pour ce moment. D'un point de vue économique. D'ailleurs, le cycle jour-nuit, il le montre dans le making-of, il est fonctionnel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi dans le jeu, on en parlera, mais d'espèces d'altérations météorologiques avec le vent, le brouillard, la nuit qui devient plus noire et tout. C'est parce qu'ils ont un vrai cycle météorologique et de jour, de nuit et tout, et qui fonctionne très bien. Du coup, ils ont pu le contrôler et s'en servir un maximum pour faire des effets d'ambiance. Mais ça leur a pas servi à rien, en tout cas, toute cette histoire d'open world. Ils le disent beaucoup dans les making-of, ça leur a facilité la tâche en termes de mise en scène et de création des lieux, quoi. Bah, de toute façon, il y a quelques phases de jour dans le jeu qui restent. Oui, il y a des phases de jour qui souvent restent. Souvent pour faire progresser l'intrigue. Il y a le déplacement en véhicule aussi qu'ils ont gardé. Tu fais quelques balades en voiture. Il y a quand même pas mal de choses. Et aussi le fait de pouvoir sortir des sentiers battus sur quand même quelques centaines de mètres et de pouvoir aller chercher... là, maintenant, c'est pour récupérer des collectibles, les thermos, le manuscrit, les pages du manuscrit et tout. C'est un aspect ouvert qui aurait dû quand même un peu plus servir. C'est toujours le petit regret quand je me balade dans les niveaux d'Alan Wake, c'est de me dire « Ah, il y a des murs invisibles ici, il n'y aurait pas dû y en avoir. » Ouais, ou alors ils mettent un objet qui permette de bloquer un peu artificiellement la route. Barrière, c'est des ça. Des débris, voilà. Et au final, Sam Lake avance dans plusieurs interviews que du fait d'un développement aussi difficile que ça, Alan Wake est devenu sa propre métaphore, en fait. Enfin, la métaphore de son propre développement. Et effectivement, tel qu'il en parle, Alan Wake, c'est l'histoire d'un auteur de romans policiers hard-boiled qui a du mal à travailler sur son nouveau projet, ce qui peut évoquer le studio Remedy qui avait fait Max Payne et qui a du mal à développer Alan Wake. Ouais. Ce qui est une mise en abîme plutôt intéressante. Clairement. L'homme se tourna vers moi. Son visage était couvert d'ombre, et j'avais du mal à le distinguer dans les ténèbres de la forêt qui nous encerclait. Mais je distinguais bien la hache qu'il brandissait. Elle luisait du sang de sa victime. Il sourit comme un dingue. Les ombres étaient vivantes, tordant ses traits. C'était une scène de cauchemar, mais j'étais bien réveillé. Le possédé se tenait devant moi. Impossible de le regarder en face, comme si j'étais en partie aveuglé par une tumeur ou une maladie oculaire. Des ombres s'échappaient de lui comme de l'encre dans l'eau, un nuage de sang après une morsure de requin. J'étais terrifié. Je serrais la lampe torche de toutes mes forces, avec l'espoir fou qu'elle l'empêcherait d'approcher. Soudain, quelque chose céda, et la lumière se fit plus vive. Au global, l'équipe qui a travaillé sur le jeu, et là ça va devenir n'importe quoi au niveau des prononciations des noms, hein, mais c'est les membres réguliers de Remedy, donc je vais surtout les évoquer assez rapidement, parce que sinon on les passerait 3 heures, mais le réel du développement du jeu, c'est Marcus Mackey, qui fait partie de la direction du studio, c'est un des membres fondateurs. Le lead game designer, c'est Mikael Kasurinen, pardon. Le lead level design, c'est Jarno Valgren, qui lui aussi va passer chez Rovio ensuite, puis à Metacore Games. Là, j'ai vu des jeux, des images des jeux Metacore Games, ça a l'air vraiment très très moche. Et il vient de fonder en début d'année, hein, donc ils n'ont rien sorti pour le moment, son propre studio qui s'appelle 721 Games. Ça a une page Facebook, mais bon, pour l'instant, ça n'a rien fait. Je veux dire, ça a été fondé en janvier en même temps. Donc. Ok. Le lead programmeur, c'est Oli Tervo, qui depuis est passé dans la compagnie Supercell. Ah, je connais ça. La Chauve-Clan. Ah, tu connais pas, si tu veux en parler. Non, c'est bon, je suis pas payé là pour en parler, donc... Ok, bah voilà. Payez Punky et il dira du bien des jeux Supercell. Exactement. On va dire ça comme ça. Contactez mon agent si jamais. Le réal des cinématiques, c'est Stubb Arjou, qui est un réalisateur régulier de clips pour Nightwish. Oh. Et c'est le réalisateur du film Imaginarium, le film adapté de l'album du même nom, qui est probablement un de mes albums préférés de Nightwish. Je le trouve vraiment très cool. Il a aussi fait des clips pour le groupe Poets of the Fall, et c'est un groupe en fait qui est dans la BO d'Alan Wake, Poets of the Fall. C'est eux qui font les chansons originales du jeu. Toutes les chansons originales du jeu, elles sont d'eux. Mm-hmm. Donc celle des Old Gods of Asgard. Ils sont dans tous les jeux de Remedy. Hein. Ouais, ouais, ils sont très réguliers. J'imagine que bah, du coup, c'est via Stubb Arjou qu'ils ont été présentés. Ouais. C'est des copains du studio maintenant, j'ai l'impression qu'ils s'arrangent toujours pour leur filer un petit cachet et des royalties. Ouais. Parce qu'ils ont l'argent hein, pour prendre des... Vu les acteurs qu'ils ont maintenant dans leur jeu, là, dans Quantum Break, il y a quand même des acteurs hollywoodiens et tout, ils ont les budgets pour filer des cachets et je pense qu'à chaque fois, plutôt que de prendre un groupe random, ils vont chercher leurs copains qui vont leur faire des chansons spécialement pour l'univers de leur jeu. Et je pense que ça arrange tout le monde. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que dans Alan Wake, c'est bien utilisé, je trouve. Mmh, clairement. Oui, je trouve aussi. Et bah, Stubb Arjou, il doit être fidèle à ses amis, parce que c'est le compositeur d'Alan Wake qui fait les orchestrations des chansons de Nightwish sur le film Imaginarium. Donc je pense que c'est aussi via lui qu'il y a eu les présentations. Et l'art director, pour l'équipe technique entre guillemets, c'est Saku Lehtinen, et qui est encore dans la compagnie maintenant. Alors il change de poste d'un jeu à l'autre, mais lui pour le coup il est resté chez Remedy. Nous allons en venir un peu au casting vocal d'Alan Wake. Nous allons parler du casting VO et du casting VF. Punky, je compte sur ton aide notamment pour le casting VF, même si j'ai trouvé pas mal d'infos sur, sur le Wikipédia du doublage. Qui est quand même un site super complet. Oui. Donc, Alan est doublé en VO par Matthew Porretta, qui, Control, joue le docteur Casper Darling, apparemment un personnage qui apparaît dans des cinématiques. Et sinon, il a aussi joué Robin des Bois dans 2 saisons des Nouvelles Aventures de Robin des Bois avant d'être remplacé. Bon, bah, une série qui remplace son acteur principal, j'imagine que Robin des Bois est un seigneur du temps. Voilà, pour moi, c'est acté maintenant. C'est canon. Voilà, c'est canon. Et en VF, le doubleur d'Alan, c'est Eric O'Brien. J'ai noté ce qui semble être son crédit principal en tant que doubleur, c'est d'être la voix française la plus régulière de Dominique Purcell. Donc, l'acteur de Prison Break, notamment. Ouais, il double aussi un personnage très drôle dans la série animée Archer, régulièrement. Mais ça fait pas partie des doubleurs qu'on connaît le plus, mais vous avez déjà entendu sa voix, voilà. C'est... Ok. Ouais. Bah, ne serait-ce que parce que on est de la génération qui a probablement vu à un moment ou à un autre Prison Break en français à la télé. Hein. Voilà. Oui, il y a des chances. Son épouse Alice Wake est doublée en VO par Brett Madden, qui est hélas, alors qui n'a pas fait énormément d'autres choses, et qui est hélas décédé d'un cancer du cerveau en 2020. Alan Wake 2 lui est dédié. Oh, je savais pas. Voilà, c'est un peu triste. Alors, on va voir, le jeu porte pas chance à ses doubleurs VO, parce qu'on va voir, il y en a un paquet qui sont morts. Et en VF, elle est doublée par Dorothée Jenma, doubleuse de pas mal d'actrices, notamment Jennifer Aniston. Ouais, c'est Rachel dans Friends. Sur énormément de choses. Oui, Rachel dans Friends, et même dans plein des films et des autres séries d'Aniston, c'est elle qui double. C'est elle qui double. Et elle est aussi dans Archer. Voilà. Ah. D'accord. Elle double aussi. Tout le monde va se retrouver dans Archer. Après, Archer a une excellente VF. Vraiment, c'est une des rares séries animées comme ça qui est presque plus drôle en VF qu'en VO. À l'unanimité, okay. Généralement, les gens disent que la VF de Archer est assez incroyable. Mais ouais, et puis elle a l'habitude de faire des jeux vidéo, on l'entend souvent. Hein. Pour le coup, Dorothée Jenma... Sur les séries, ça revient souvent quand même, cette idée que... sur les séries animées, je veux dire, ça revient souvent l'idée que les VF sont aussi bonnes, voire meilleures que les VO. C'est un truc qui a l'air de mettre d'accord même des anti-VF, des fois. Ah bah oui, même quand on parle de South Park ou de trucs comme ça, effectivement... Même les Simpsons, hein. Ouais, les Simpsons, etc. Ouais, clairement. Ça se perd un peu parce que ces dernières années, on a un peu tendance à envoyer tout ce qui est série animée en Belgique. Et malheureusement, en Belgique, ils ont pas les mêmes méthodes de travail qu'en France. Ça se sent parce que c'est beaucoup moins soigné. Bah, et puis même en France, avec l'accélération des délais imposés, les conditions de travail de moins en moins bonnes, hélas. Ça nuit régulièrement quand même à des bonnes VF, j'ai l'impression. Hein. On a de la chance d'avoir en France peut-être les meilleurs doubleurs d'Europe qui ont su s'adapter à ce nouveau rythme. Et même au fait de devoir enregistrer tout seul dans une cabine là où ils enregistraient tous ensemble avant. Et en fait, on a des tellement bons comédiens. Enfin, nos meilleurs comédiens français, c'est des comédiens de doublage. Parce que, exemple, hein, t'as la série It's Always Sunny, où ils ont doublé 10 saisons d'affilée pour Disney+, parce que la VF s'était arrêtée à la saison 4 et il y avait 10 saisons qui étaient sorties entre temps. Et ils doublent ça, tu sens que c'est une prise maximum par scène, mais ils sont quand même au top, tu vois. C'est-à-dire qu'ils arrivent à être en lip sync et à jamais être à côté en termes d'acting. Voilà, même, et en fait, c'est peut-être même le problème, c'est que les plateformes ont bien vu qu'en France, même avec un temps très restreint et un budget très, très restreint, on arrivait à faire des très bonnes VF, donc ils en profitent. Voilà. Ouais, ça risque de pas tenir à tout jamais. Déjà, parce que j'imagine que ça marche parce que c'est des doubleurs qui ont 10 ans, 20 ans chevronnés, de doublage derrière, donc ils peuvent le faire. Mais au bout d'un an, ils vont prendre leur retraite, ils vont s'arrêter et... Ils forment des nouveaux doubleurs à ces nouvelles techniques de doublage vraiment à la volée. Mais quand on va arriver à une génération de comédiens de doublage qui n'ont fait que ça et qui n'ont jamais eu le temps de se poser sur une scène et de la refaire 10 fois jusqu'à ce que ce soit parfait, c'est clair qu'on va avoir un doublage français qui va baisser en qualité. Ça, c'est indéniable. Ça va forcément arriver. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop en abuser. Soyez gentils avec nos doubleurs si vous êtes distributeur. Oui, c'est faites-les travailler dans de bonnes conditions. Laissez-les répéter, laissez-les... Même au-delà de la qualité du doublage, de toute façon, il y a les conditions d'emploi pour les humains. C'est important aussi. Bah voilà, même au-delà de ça, les risques de burn-out, tout ça, quoi. Puis alors là, pour Alan Wake, j'avais interviewé Eric O'Brien et tout ce qu'ils avaient, c'était une image de leur personnage, le contexte, un petit paragraphe de contexte d'ambiance. Voilà, Eric O'Brien, il savait que c'était dans une ambiance à la Stephen King, c'était clairement dans la description de ce qu'il avait à doubler, mais il n'avait pas du tout l'image, il avait le texte et la wave audio de la VO. Il pouvait juste écouter ce qui se disait en VO et essayer d'imiter au mieux en adaptant, mais il avait aucune image de... Il a découvert ce que c'était après quand les fans d'Alan Wake sont venus lui en parler, quoi. Ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... C'est une norme dans le jeu vidéo où, de base, les doublages ont été faits dans des conditions moins bonnes qu'au cinéma, non ? Ouais, c'est clairement... Ça a tendance à s'améliorer. Il y a certains éditeurs comme Sony sur les Spider-Man, apparemment, qui font quand même pas mal d'efforts. Il y a, en fait, sur les gros jeux, Généralement, ils vont avoir un peu plus de matériel, mais on va dire le tout venant, le jeu VF de base qui n'est pas un triple A annoncé 3 ans à l'avance et attendu par tout le monde. Généralement, c'est compliqué. Zelda, je crois qu'ils avaient eu aussi pas mal de... Pour le Zelda, les deux derniers Zelda là, qui ont été faits en VF, ils avaient eu pas mal de matériel aussi. Ils avaient eu les cinématiques, donc ils pouvaient se caler sur les cinématiques. Mais c'est vraiment très très rare. Là, pour Alan Wake, tout a été fait à l'aveugle, et ça se voit pas du tout, mais ça se ressent pas en jeu. C'est ça qui est... Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais, c'est là où je dis qu'on a les meilleurs comédiens les meilleurs comédiens français sont des comédiens de doublage, c'est que pouvoir jouer comme ça des trucs à l'aveugle et quand tu le colles sur les images, ça colle aussi parfaitement que dans Alan Wake par exemple. C'est quand même assez c'est presque une prouesse pour moi. Enfin, il y a un truc qui est où comme je parlais de It's Always Sunny quand ils ont doublé 10 saisons d'affilée en faisant une scène une prise. Pour moi, c'est presque de la performance à ce niveau-là, tu vois. C'est là où moi je suis passionné de doublage, c'est que je vois aussi que la performance d'acteur qu'il y a derrière qui est toujours impressionnante, quoi. Oui, c'est toujours impressionnant, même je suis très impressionné par les longues pièces de théâtre où, même s'il y a eu des mois de répète, où t'arrives à le rentrer sans erreur, ouais. À chaque fois, moi je trouve ça bluffant à chaque fois. À ce que le texte soit vivant, ouais, c'est ça. Ils arrivent à faire vivre des textes, ouais. Et la plupart en plus sont... Bah, Eric O'Brien est un acteur de théâtre, il fait beaucoup de théâtre. Ce qui... se tient parce que c'est un gros travail de la voix dans les deux cas. Ouais, c'est ça. Plus que pour acteur live au ciné, je pense. Plus systématiquement, en tout cas. Souvent, c'est soit c'est des théâtreux, soit c'est même des musiciens. Carrément, des gens qui font de la musique à côté, des trucs comme ça. Donc, c'est des gens qui sont habitués, en fait, à rendre vivants les prestations. Mais voilà, bah, défendons le doublage VF. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, ici. Et si vous n'aimez pas, bah, n'en dégoûtez pas les autres. Voilà. Voilà. Oui, non, mais c'est ça, parce que moi-même, je regarde assez peu de VF au final, mais je trouve c'est ridicule d'être contre la VF, enfin, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a aucun sens. Ah, c'est surtout très, très égoïste, parce qu'en termes d'accessibilité, on a besoin des VF. Bah voilà, c'est ça. À la fois pour les enfants, à la fois pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des déficiences visuelles. Voilà, on a besoin de la VF, on peut pas s'en passer. Ou même, oui, ou même juste les personnes qui veulent, oui. Hein. Qu'est-ce que je m'en fous, c'est oui. Faire juste par goût la VF. Grand bien lui fasse, hein. Oui, bah, tu sais, t'as toujours l'argument de, ah, mais tu sais, en Hollande, ils ont pas de VF, ils parlent tous anglais. Hein. Ah bah ouais, bah super. Oui, mais ça marche qu'avec qu'une langue, de toute façon, ça, parce que si je regarde un film libanais, je vais pas apprendre le libanais. Oui, en plus. Enfin, tu vas pas apprendre toutes les langues du monde. Ça n'a pas de sens non plus comme excuse. Oui, voilà. Bah, il faut doubler tous les films en espéranto, et puis c'est tout. Non, mais la logique des anti-VF, des fois, est un peu limitée. Hein. Ça, dès que t'as les arguments, oui, c'est voilà. Ouais. Je pense qu'il n'y en a plus trop, ça y est, je crois que maintenant, on leur a assez dit que c'était bête. C'était bête et méchant d'être anti-VF. Donc j'ai l'impression que... Ou alors, ils le disent plus trop, quoi. Il dit juste... Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a encore qui font du bruit, hein, genre sur dans les commentaires de Mr. Fox ou de trucs comme ça. Ah oui, là, c'est sur GTA, ouais. Genre, ils voient toutes ces vidéos, mais le gars, il a une chaîne sur le doublage, ils vont quand même voir toutes les vidéos pour dire qu'ils sont anti-VF. Hein. Ah, c'est clair, bah, j'ai fait une vidéo avec lui sur... parce qu'il y avait eu tout ce truc de... Bah, c'est dans le sujet, hein, de dire, hey, il faudrait faire une VF à GTA 5, en fait, parce que... À GTA 6, pardon. Parce qu'en fait, GTA, c'est vraiment un jeu qui a besoin d'une VF, ne serait-ce que pour adapter certains tics, certains accents, certaines accentuations, et puis surtout pour pouvoir conduire des voitures en écoutant les dialogues, en fait. Oui. Juste. Ah oui, c'est tellement chiant les phases de conduite où tu dois lire les sous-titres et faire attention à la route. C'est sûr qu'à moins de bien bien parler anglais, oui. Ah ouais, non, c'est compliqué. Donc il y en a toujours, mais il y en a moins qu'à l'époque, tu sais, où dès qu'il y a un film qui sortait, les gens se plaignaient qu'on puisse pas le voir en VO dans leur cinéma, machin. Bah, ceci dit, ça, à la limite, tu vois, je comprends, et effectivement, quand on n'a pas le choix, qu'on a envie de voir le film en VO, mais qu'il n'y a que la VF, j'admets que c'est plutôt chiant. Ah, ça m'a moi-même fait chier quand j'ai voulu aller voir Sonic au cinéma, hein. Je pouvais pas aller le voir en VO, et si je le voyais, ça voulait dire passer 2 heures avec Malik Bentala, donc c'était, voilà, mais je suis assez d'accord, hein, que ce soit accessible, mais voilà, les gens ont compris que c'était pas la faute des doubleurs, c'était pas la faute des adaptateurs, c'est la faute des distributeurs qui font pas leur taf, c'est la faute des cinémas qui comprennent pas qu'on a besoin d'avoir le choix entre les deux. Et surtout que maintenant, on sait avoir des systèmes pour les malentendants, des trucs comme ça, avec des casques qui donc renvoient soit une autre version du film, soit une version avec les voix un peu augmentées, des choses comme ça. Enfin, on sait avoir ces techniques pour avoir un casque au sein même de la salle de cinéma et pour avoir l'audio que tu préfères. Donc je vois pas ce qui empêche de faire des salles VOVF où chacun a son casque et en fait chacun regarde ce qu'il veut, quoi. Oui, c'est peut-être une technique à développer, effectivement. Ouais, mais ils le feront pas parce que ils ont pas envie de gagner de l'argent. Après cette longue parenthèse au demeurant très intéressante, revenons à Dorothée Jenma, parce que j'avais noté d'autres petits trucs qu'elle avait fait, dont notamment, en amusant, c'est elle qui double l'actrice Cheryl Lee, alors dont on connaît pas forcément bien le nom, mais c'est Laura Palmer dans Twin Peaks. Ah ouais, c'est vrai que c'était elle qui faisait Laura Palmer. Oh mmh. J'ai vu Twin Peaks en VF, mais ouais. Du coup, j'avais jamais fait le lien, mais les liens avec ça se resserre, parce qu'il y en a d'autres des doubleurs qui ont bossé sur Twin Peaks dans le casting, donc ouais. Ok. Ouais, ouais. Et dans les autres crédits, où là, pour le coup, j'ai déjà vu le film, même beaucoup, en VF et en VO, c'est la doubleuse de Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Qui a une... Déjà la VO je la trouve folle, mais il a une excellente VF comme film, ils sont tous géniaux dedans. Et même les chansons, les adaptations de chansons sont géniales en VF. Ouais, les paroles sont super bien, enfin, c'est vraiment trop cool en français, L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un film où il n'y a rien à acheter, hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai. J'en profite, si vous aimez Monsieur Jack, pour recommander un autre film, c'est quoi? C'est Henry Selick, c'est ça, hein? Oui. Il s'appelle Monkey Bone. Avec Brendan Fraser, c'est un des films un peu oubliés de Brendan Fraser, mais maintenant qu'il redevient la mode et qu'on revient sur la momie, sur même des comédies comme Endiablé et tout, allez voir Monkey Bone, c'est très drôle, et c'est un peu dans un univers à la Monsieur Jack, même si c'est un peu différent, c'est un peu le Roger Rabbit de Monsieur Jack, quoi. C'est... Oui, c'est une bonne manière de le décrire. C'est un très beau film, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup et qui est très drôle. Henry Selick dans Ensemble, je trouve ça très cool, hein, ce qui fait James et la pêche géante, et bien aussi, et Coraline, je le trouve génial. Le personnage suivant important, c'est Barry Wheeler, meilleur ami et éditeur d'Alan, qui en VO est doublé par Fred Bernan, qui double dans les jeux Max Payne le personnage de Vinny Gogniti. Sinon, c'est beaucoup un lecteur de livres audio. Il fait d'autres doublages et il fait un peu de scène, par exemple, dans une des nombreuses versions qu'il y a eu de la comédie musicale Le Roi Lion, il a joué Timon. Voilà. Ce qui peut bien lui aller, c'est un peu le même type de personnage que Barry, dans certaines mesures. Oui. Et en VF, ça fait partie des voix où même moi qui écoute peu de VF, j'ai reconnu instantanément, c'est Christophe Lemoine. Ah, c'est Cartman. C'est ça, voilà, c'est ça, Christophe Lemoine, on pense tout de suite à Cartman. Effectivement, il double d'autres personnages dans South Park, c'est lui aussi qui fait Butters, Philippe. Tout à fait. Et puis c'est plein de voix mythiques, Christophe Lemoine, c'est Jack Black aussi, beaucoup. Ouais, alors pour le coup, Jack Black, je crois que c'est que dans les années 2000 qu'il l'a doublé. Oui, maintenant c'est Philippe Bozo qui le double, mais pour moi ça restera toujours Christophe Lemoine. je préfère. Mais Sam dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Ah, c'est là où je m'en souviens le plus. Et c'est aussi le premier doubleur apparemment de Chris Griffin, mais il a été remplacé dans ce rôle depuis. Qui regarde les Griffins en France? Oui, c'est vrai que... C'est... J'avoue que j'en ai regardé un peu, mais pas énormément. C'est McFarlane, hein, c'est ça? Oui. Dehors de la série Ted, je n'accroche pas à son humour, mais par contre la série Ted, il m'a eu, c'est 10 sur 10, tu vois, vraiment j'adore, c'est un des trucs que j'ai préféré ces derniers temps en série, mais alors tout le reste j'y arrive pas, hein. vraiment c'est pas du tout ma cam à la base, même les films Ted, qui pourtant sont des stoner movies, c'est pas trop ma cam non plus. À petite dose, il me fait un peu rire, mais c'est vrai que je m'en lasse assez vite de McFarlane. Pour le coup, j'ai plutôt un bon souvenir du premier Ted, quand même, moi. Mais ça remonte, hein. Ah, franchement, remettre-le aujourd'hui, il y a un vrai problème avec le personnage féminin. Il y a un gros, gros problème. C'est vraiment un film de petit mec. Celui-là, il passe pas les années, par exemple, tu vois, genre, et moins que des plus vieux que lui et des plus vulgaires que lui, hein. Bah, je vais le rajouter à ma liste de films à revoir pour gâcher un souvenir, dans laquelle il y a aussi Un Indien dans la ville. Ah, ouais. Que je revois pour voir à quel point c'est nul. Et puis alors, Ted le mate surtout pas en VF, parce qu'à l'époque, ils avaient eu la bonne idée de mettre Joey Starr sur Ted, donc autant te dire que... Ah non, bah si, bien sûr, du coup, en VF. Ah là, c'est compliqué. Quitte à saccager un souvenir, autant y aller à fond. Ah Dieu merci, la VF de la série, ils ont pas fait ça. Merci, ils ont pris un vrai doubleur qui est très bien. Voilà, le doubleur, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est le gars qui double Dave Bautista régulièrement. Donc ça marche très très bien. Mais moi j'ai des PTSD de Joey Starr, surtout dans Tête 2 où il a pas envie d'être là. C'est aïe aïe aïe. Bah j'enchaînerai sur Garfield en VF, tiens. Ah Garfield en VF, au secours. La soirée bon doubleur. Ah ouais, oui, bah tu peux enchaîner avec le premier Sonic, hein. Allez, alors là, la trilogie du malaise, hein. Dans les personnages, la suivante qu'on peut mentionner, c'est Sarah Brecker, la shérif de la ville, qui prend pas mal d'importance au fur et à mesure de l'intrigue. Alors en VO, elle est doublée par Jessica Alexandra. J'ai à peu près rien trouvé sur elle. Voilà. Ok, elle était là pour ça. Les seules mentions que je trouve d'elle, c'est qu'elle a doublé Sarah Brecker. Je ne sais même pas ce qu'elle fait en dehors. Ok. Voilà. Et en VF, elle est doublée par Laura Préjean, qui est une grosse doubleuse déjà, mais qui est aussi une grosse directrice artistique pour du doublage. Ouais. Mais c'est une doubleuse régulière de Rachel Weisz et Drew Barrymore, par exemple. Ouais, je crois qu'elle a fait Cameron Diaz aussi, pendant quelques années. Je sais plus sur quel film. Kristen Bell. Voilà. Et elle n'en est pas à son premier jeu vidéo. Elle était déjà dans Fable 2, quelques années plus tôt, genre en 2008 ou 2009. Donc voilà, elle avait l'habitude des jeux vidéo, ça se sent, parce que bah pareil, hein, elle a pas l'image, elle a juste les textes, et pourtant elle donne tout, quoi. Ouais, oui. Super badass en VF, Sarah Brecker. Ouais, mais pour le coup, le doublage français est très cool dans l'ensemble, hein. Oui, ouais. Bon, on l'a pas signalé, parce que voilà, mais le moine, il fait un très très bon Barry, hein. Ouais. Je t'avouerais que j'aurais pas vu d'autres doubleurs sur ce personnage-là s'il y avait une VF, enfin... L'expérience aurait pas été pareille si ça avait pas été Christophe Lewan sur Barry Wheeler. Ouais. Oui, il a bien ce côté semi-agaçant, mais en même temps très attachant de Barry. Et puis la petite cerise sur le gâteau, je crois que c'est le chapitre 4 ou 5, où il est avec sa guirlande lumineuse et où il fait des références, oui, au Seigneur des Anneaux, et tu te dis, ah bah oui, bah... L'œil de Sauron. L'œil de Sauron, mmh. Voilà, forcément, c'est génial. C'est de la coïncidence, je pense, mais... Ça, du coup, le clin d'œil est sympa, quoi. Oui. Oui, du coup, c'est drôle, ouais. Vous avez appelé pour les secours. Celui-là a dû voir la lumière, hein? Ça vous a pas plu? Vous êtes difficile. Tant pis, j'en ai encore plein. À quoi servent ces décos de Noël? C'est une protection, mon pote. Comme l'ail contre les vampires. Les vampires. L'hélicoptère est à l'autre bout du parking, en haut de la colline. Allez! L'épicerie générale de Bright Falls est devenue mon endroit préféré dans le monde entier. Vous voyez cette lampe? C'est comme un super pouvoir. Il suffit que je regarde un de ces trucs pour qu'il meure. C'est mon super œil de Sauron. J'aurais mieux fait de me taire. Ouais. Hé, je veux une lampe frontale. C'est la dernière. Ordure. Cynthia Weaver, qui est un personnage assez mystérieux au départ, mais qui au final va pas mal aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans cette ville, est doublée en VO par Linda Cook, décédée en 2012, mais qui elle était un peu pas mal âgée. C'était une actrice, alors surtout de soap opéra, et le seul truc que toi, Chris, t'as potentiellement vu, c'est qu'elle a doublé la femme sangsue dans Puppet Master, mais j'ai pas vu Puppet Master. Je n'ai pas vu Puppet Master non plus, ça fait partie des sagas bis que je suis passé totalement à côté. Je me les ferai peut-être après les Léprochaumes. T'en es où des Léprochaumes d'ailleurs? Le dernier que j'ai vu, c'est Léprochaumes in Space, et c'est vraiment pas bien. Ah oui, non, il est horrible. Oui, c'est catastrophique. Et le prochain, il visite une zone encore plus improbable, c'est celui où il est dans la banlieue. C'est oui, ça, je l'ai vu celui-là déjà. Moi, je crois que j'ai vu, ouais, les prochains In the Hood. In the Hood, ouais. Ouais. Il y en a deux, hein, des In the Hood. Je crois que j'ai dû en voir un des deux, je sais pas lequel, mais c'était pareil. Il y en a deux où il est en banlieue, oui. fin de soirée. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Ah, vache. Ouais, faut les regarder dans un état second, ces films-là, hein, pour en avoir des bons souvenirs. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ce sera pour le prochain Nouvel An. Et en VF, Cynthia est doublée par Evelyne Grandjean, très active dans le doublage, elle depuis une éternité, elle est active depuis les années 60. Ouais. Et elle en a fait des trucs. Hein. Je pense que pour le coup, tous les enfants de nos générations, parce qu'elle est sur les années 80 et 90, l'ont entendu, parce que c'est elle qui double à peu près tous les personnages féminins de Oui-Oui, par exemple, ou de Babar. Ouais. Et je pense qu'on est tous tombés à un moment ou à un autre sur ça. Et peut-être plus ta génération, Chris, parce que c'est un peu avant, c'est elle qui double Haraleigh dans Dr. Slump. Oui, oui. Ah, il y a eu une VF de Dr. Slump à l'époque, je savais pas. Ouais. Ouais, ça m'a surpris un peu aussi, mais voilà. Et après, bon, selon l'enfance que vous avez eue, vous avez peut-être entendu ça, c'est elle qui double Mamie Tétard dans Les Aventures de Carlos. Voilà. Oh. Il y a des pays qui ont les aventures de Jackie Chan en dessin animé, nous on a les aventures de Carlos. Et je crois qu'on l'entendait souvent dans les guignols aussi. Vous avez des voix off pour les guignols. Oui, je crois, effectivement. Mais elle a vraiment un CV, non seulement parce qu'elle est active depuis les années 60, mais elle est hyper active depuis les années 60, donc elle a un CV interminable. Ouais. Thomas Zane, un autre auteur dont on suit un peu la trace tout au long du jeu, est doublé en VO par James McCaffey, qui est la voix de Max Payne dans les trois jeux Max Payne. Ouais. Et c'est aussi une voix dans Control et celle d'Alex Kazé dans Alan Wake 2. Bah, où Zane n'apparaît pas. Alex Kazé, le fameux Max Payne de l'univers Remedy. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est très assumé dans le 2. Et c'est son dernier crédit, puisqu'il est décédé en 2023. Oh. Ah, je vous ai dit, il y a beaucoup de doubleurs de la VO qui sont morts. Et en VF, c'est Bertrand Libert, qui double surtout des acteurs de séries. Alors, pour le coup, je suis un peu paumé, parce que c'est des séries soit que j'ai vues peu, et dont je ne me rappelle pas, soit que j'ai pas vu, mais c'est lui qui double Lil Secor dans une série comme Homicide, William Mapother dans une série comme Lost, et Reggie Lee dans une série comme Prison Break. Mais là, pour le coup, je suis totalement paumé sur qui sont ces gens. J'en suis désolé. Pat Main, l'animateur radio qu'on entend surtout en off, parce qu'il y a plein de ces émissions de radio qu'on peut mettre tout au long du jeu, même si c'est aussi un personnage qu'on va voir. En VO, il est doublé par R.J. Allison. J'ai pas grand-chose sur lui, mis à part qu'il ne reprend pas son rôle dans Alan Wake 2, alors que le personnage est présent. Ah, oh. Je ne sais pas pourquoi. Et en VF, il est doublé par le grand Benoît Hallemann, à qui on peut rendre hommage parce qu'il est décédé en début d'année, le 5 janvier. Ouais. Qu'on connaît comme la voix de Morgan Freeman, je pense que c'est ce qui vient en premier en tête à tout le monde. Oui. Ouais, oui, oui. C'est, après, ouais, c'est d'autres trucs. Bah non, c'est qu'en fait, Morgan Freeman, ouais, il l'a doublé, mais il s'est partagé le rôle avec un autre comédien dont j'ai pas le nom d'ailleurs, mais qui est en fait. Il n'a pas été le seul à doubler Morgan Freeman, un peu comme Jack Black, c'était garde partagée. Oui. Mais vous le connaissez parce que c'est le tigre de Frosties, c'est plein de trucs qui sont liés à l'enfance aussi, c'est des voix de dessins animés. Ouais, Charlie Lecoq dans les Looney Tunes que j'ai noté. C'est la voix des bandes-annonces au début des VHS Disney. Voilà, ouais. Oui, c'est ça. Je pense que. Non, en même temps, il a une pure voix d'animateur radio. Je crois. Ah oui, ouais, clairement. Ouais, ouais, il a une très belle voix. Il a fait beaucoup de documentaires. Et c'est toujours des documentaires qui sont très agréables à regarder et à écouter, du coup. Ouais, ça fait partie de ces gens dont rien qu'entendre la voix est agréable. Ouais. Donc, ouais, il est très bien. Il est très bien dans ce rôle-là. Il est rassurant comme il doit être. T'es au milieu de la forêt. Il y a plein de trucs qui viennent de te sauter dessus. Tu trouves un poste radio, tu l'allumes. Et là, t'entends la voix de Benoît Hallemann qui te dit: hey, les amis, qu'est-ce qui se passe? On a entendu des coups de feu au loin dans la forêt. Et t'es là en mode: ah, il m'entend, ça veut dire que je suis pas seul. Il a pu reprendre son rôle dans Alan Wake 2. C'est donc une des dernières choses qu'il est. Trop bien. De sa vie. Et en réalité, il a fait énormément de jeux vidéo, lui aussi. J'ai noté, parce que j'aime bien noter ça, c'est lui qui double Sherlock Holmes dans Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. Ah, et qui est un excellent jeu d'enquête, un peu à l'ancienne, Avec du pur point and click. Ouais, c'est ça, point and click, avec un tout petit soupçon de jeu tel, avec quelques choix dans les dialogues, des trucs comme ça. C'est très bien. Je crois que j'ai fait au moins la moitié de celui-là, parce que je les teste tous un petit peu par curiosité, mais je me souvenais plus que c'était Benoît Hallemann qui faisait la voix. Faudrait que je le fasse. Ça fait un moment qu'on discutait de refaire un jeu Sherlock Holmes, d'ailleurs, avec Chris. Ouais. Il faudrait qu'on s'y mette. Allez, point and click, je trouve que ça marche bien quand t'es deux devant l'écran, parce que t'es deux cerveaux à essayer de réfléchir. Ouais. C'est le genre de jeu où t'as pas besoin de mode multijoueur. Oui, c'est ça. Et Benoît Hallemann, si vous voulez voir sa tête, il avait joué dans un court-métrage dont j'ai oublié le nom, de Jean-Baptiste Béroun, je crois que c'est ça, où il joue un psy. Et j'ai un bon souvenir du court-métrage, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Nightingale, l'agent du FBI un peu alcoolique sur les bords. Un peu. En VO et doublé par Timothy McCracken. J'ai noté qu'un truc, en 2015, il a joué dans un film qui s'appelle La pêche à poil. Vous en faites ce que vous voulez. Ok. Et en VO, il est doublé par Patrick Borg, Son Goku dans Dragon Ball Z et les films, évidemment pas dans Dragon Ball enfant. Qui double aussi l'acteur David Boreanaz, pardon, ouais. Qui est Angel dans Buffy et dans la série Angel. J'avoue, c'est ça que j'entends, moi. C'est la voix, j'entends vraiment la voix d'Angel, parce que je connais très peu Dragon Ball, mais Buffy et Angel, j'ai vraiment saigné. J'ai dû regarder plusieurs fois l'intégrale. Et du coup, quand Nightingale pop à l'écran et qu'il parle, j'entends Angel, moi. Tandis que moi, j'ai très très peu vu Buffy. Ouais, pareil. Soit en VO ou en VF, j'ai pas du tout regardé quasi. J'ai vu le film Immonde, mais bon, ça compte pas. Ah, je l'ai même ça, je l'ai pas vu, moi. Tu vois. Il fait aussi beaucoup de jeux vidéo, lui, et il reprend son rôle dans le deuxième épisode. Et le dernier personnage que j'ai noté, c'est Hartman, qui en VO est doublé par Mark Bloom, un acteur récurrent dans des rôles secondaires à la télé et au cinéma. On peut citer par exemple Mozart in the Jungle en série dans les années 2010, et lui aussi est décédé en 2020. Je vous disais, c'est un peu une hécatombe. Bah oui. Et en VF, Hartman est doublé par Pierre Durlens, qui double Patrick Stewart, alors pas tout le temps, en fait principalement Patrick Stewart dans les films X-Men, quand il joue Charles Xavier. Et il a pas mal doublé Alfred dans des films d'animation Batman des années 2010, et dans Arkham Knight, du coup. Okay. Il sort à l'époque où c'était lui le doubleur plus ou moins attitré d'Alfred, a priori. Ouais. Donc, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans ce rôle-là. Hartman, pour remettre, c'est le docteur, donc, qui a l'air un peu bizarre, lui aussi. On y reviendra. La musique du jeu est composée par Petri Alanko, qui, à partir d'Alan Wake, va devenir compositeur d'à peu près tous les jeux du studio, puisque c'est aussi lui qui a fait Control, Quantum Break et Alan Wake 2. On peut citer en dehors la BO du jeu Trials Fusions, et comme je l'ai dit, c'est lui qui a fait les arrangements orchestraux sur Imaginarium de Nightwish, et il a fait aussi quelques albums, pas pour des musiques à mettre sur des images, qui s'appelle Classical Translation, qui sont des adaptations orchestrales de classiques de la trance music. J'ai écouté, moi, j'ai pas adhéré, mais bon, en même temps, la trance music, je connais pas, donc ça a peut-être joué dans le fait que ça m'est pas particulièrement touché. Mais ces musiques sur Alan Wake, par contre, sont bien. En fait, tu le sens sur les grosses ambiances un peu action qui se déclenchent. Il y a des lignes de basse qui sont vraiment très très effectivement apparentées à ce que tu peux avoir sur de la musique trance. Oui. C'est vraiment très très léger, mais je vois totalement ce qu'il veut. Je saurais pas le décrire, mais oui, il y a des éléments de trance music dans la musique du jeu, c'est clair. Voilà. Elle est vraiment soignée, hein, la musique d'Alan Wake. Là aussi, elle fait très musique de film à plein de moments. Ouais, la BO est vraiment très très bien. Ouais, elle est très bien. Elle sait se mettre en retrait quand il faut pour les pistes où il faut entendre la forêt et faire ressentir l'isolement. Ouais. Voilà. Et donc, comme je disais, il y a le groupe Poets of the Falls avec trois chansons. Il y en a une qui n'a pas été composée pour le jeu, qui s'appelle War et qui sert de générique de fin à un des chapitres. Les deux qu'ils ont fait pour le jeu, en fait, ce sont les deux qui sont attribués au groupe du jeu Alan Wake, donc les All Gods of Asgard. Et les chansons s'appellent Children of the Elder God et The Poet and the Muse. Ils réécriront une chanson aussi pour American Nightmare. Ouais. Chaque chapitre, justement, se termine sur une chanson Donc il y en a qui existent d'avant et il y en a d'autres qui ont été composés pour le jeu, parce que dans le chapitre 1, c'est In Dreams de Roy Orbison, le chapitre 2, c'est Haunted de Paul, le troisième, c'est Up Jumped the Devil de Nick Cave and the Bad Seed, le quatrième, bah, c'est The Poet and the Muse, donc des All God of Asgard, donc de Poets of the Fall, War pour le chapitre suivant, Space Oddity de David Bowie pour le chapitre 6, qui depuis peu est remplacé sur la version PC par une piste orchestrale d'Alan Coe à cause de problèmes de droit. Ouais. Mm. Ce qui est dommage, parce que l'arrivée de Space Oddity à la fin du chapitre, en plus, elle a vraiment du sens. Bah oui, ouais. Et ça casse un petit truc, quoi. Ouais, c'est là où je vous recommanderais plutôt la version remastered sur Epic, qui lui a toujours Space Oddity. Voilà, c'est vraiment que sur la version PC qui est sortie avant 2020, quoi. Et qui est juste un portage des éditions consoles. Exactement, c'est ça. Bah, et puis le remplacement est assez récent, parce que moi je me rappelle que la première partie que j'avais fait, c'était bien Space Oddity. Ouais, je crois que c'était l'année dernière que ça a été changé. Hein. Ouais, c'est en fin octobre de l'année dernière, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Donc ça m'a fait bizarre aussi, d'autant que donc Alan Coe est un très bon compositeur, mais Space Oddity, c'est quand même dur à match, je trouve, comme chanson. Hein. Oui. Elle est vraiment incroyable. Et sur les deux chapitres supplémentaires, les deux chapitres bonus, c'est No I Don't Remember d'Anna Trenheim pour le premier et The Darkest Star de Depeche Mode sur le deuxième, qui n'est pas la meilleure chanson de Depeche Mode, mais j'aime bien le groupe quand même. Ouais, c'est cool. Et puis ça a du sens aussi avec, avec ce qui se passe dans l'histoire. Ouais. Globalement, en fait, ces chansons vont poser plusieurs fois des problèmes de droit, parce que, par exemple, tous les exemplaires en vente ont dû être retirés en mai 2017 à cause de l'épuisement des droits, avant qu'ils ne soient resécurisés en 2018, et que donc on puisse de nouveau commercialiser le jeu avec les chansons. Mais bah, c'est une bonne idée, ça rend bien, mais voilà, niveau droit, visiblement, c'est un peu le bordel, cette histoire, quand même. Ouais. Toby connaissait parfaitement cette odeur. C'était l'homme. L'homme gentil qui lui donnait toujours des friandises et ne se lassait jamais de jouer avec lui. Tout excité, Toby remua la queue et aboya joyeusement. Puis, il perçut une autre odeur. Une odeur désagréable et suffisamment étrange pour le figer sur place. Déconcerté, il se mit à grogner. L'odeur étrange émanait de l'homme gentil. Une terreur animale intense traversa le cerveau du chien, suivie l'instant d'après par le tranchant de la hache. Avant la série du jeu à titre promotionnel, il y a une mini-série qui sort sur le Xbox Store, qui s'appelle Bright Falls. Elle fait 6 épisodes qui durent entre 5 et 6 minutes à peu près. Elle est coécrite et réalisée par Philippe Van et elle permet de présenter la ville et des trucs du jeu à venir à travers les yeux d'un journaliste, Jake Fisher, interprété par Christopher Forsythe. Est-ce que vous l'avez vu la série ? J'en ai un souvenir lointain, personnellement. C'était une plutôt bonne introduction à l'univers d'Alan Wake et de ce qui allait nous attendre. Ouais. Mais vraiment, c'est très lointain comme souvenir. Il y a un clip de Poets of the Fall, je crois, qui réutilise les images de cette série aussi. Oui, exact. Mais à l'époque, c'était sorti sur le... Parce que bon, quand c'est sorti, Alan Wake, c'était une exclue 360. Ouais. Donc c'était le seul moyen d'avoir. Et les épisodes étaient sortis avant le jeu sur la plateforme Xbox Live. Mais dans mes souvenirs, il n'était pas sous-titré quand t'étais en Europe, donc t'avais pas de sous-titres français de disponibles. Ouais, c'était full anglais, ouais. Et c'était tout en anglais, ce qui fait que ça a pas aidé à ce que les gens s'y intéressent. Moi, je sais que j'avais regardé à l'époque, j'avais trouvé ça un peu longuet. C'était sympa, mais j'étais là en mode « Ok, mais donnez-moi le jeu, en fait, parce que là... » Oui, voilà, on est d'accord. Ouais, j'ai un peu le même retour, ouais. Ça m'a fait un peu la même impression, d'autant plus quand on la regarde après avoir fait le jeu. Où il n'y a même pas l'aspect découverte de la ville, ça marche moins bien. Ouais, voilà. Mais par contre, dans mes souvenirs, c'est la première fois qu'on voyait, entre guillemets, en vrai, Ilkavili, l'acteur qui prête ses traits à Alan. À Alan Wake. Voilà. Mmh. Donc pas la voix, juste vraiment le physique. Oui. On le voit très brièvement, ouais. Et c'était cool parce que Ilkavili, on le voit aussi dans les télés du jeu quand on voit Alan Wake écrire son manuscrit et tout. Enfin, il fait plusieurs apparitions dans le jeu. Il est encore plus présent dans American Nightmare. Ouais. Et puis bah là, je crois que dans Alan Wake 2, je crois qu'il se double toujours pas, mais qu'il est toujours, il fait la mocap dans les cinématiques, oui. Et tout quoi. Ouais. Ce qui est amusant avec le générique de Bright Falls, c'est que pour le coup, on sent beaucoup l'inspiration Twin Peaks. Il y a un petit très court riff de guitare et c'est vraiment les mêmes sons que la guitare du générique de Twin Peaks. Oui. C'est un peu flagrant. Ouais, là, un peu, ouais. Le jeu est publié donc en mai 2010, comme tu disais, sur Xbox 360 exclusivement. Il sort tout de même un peu en grande pompe. Hein. Il y a tout de suite une version collector qui est éditée, qui est celle que tu as, je crois, dans un boîtier qui ressemble à un livre avec tout à le fait. Jeu, les Alan Wake Files et la BO. Tout à fait, ouais, c'est ça. Très cool comme collector, qui ressemble en fait, quand tu enlèves le fourreau, et que tu le mets, la couverture, ça ressemble à une vieille couverture d'un bouquin de Stephen King, en fait, avec la couverture un peu recouverte de tissu, avec la grosse police d'écriture. Je pense que tu le mets dans ta collection à côté d'un bouquin de King. Voilà, ça tranche pas trop. Ouais, ça a l'air d'être un vraiment beau produit, bien pensé en tant que produit dérivé. Le premier chapitre bonus sort pas très longtemps après, il sort le 27 juillet 2010, il s'appelle The Signal, et le deuxième sortira le 12 octobre, donc ça permet quand même d'avoir un peu cette idée de format sériel que voulait Remedy. Il est conservé pour deux chapitres, assez important en termes de longueur, hein, j'ai été surpris en les faisant. Pour pouvoir développer la version PC, Remedy va devoir pas mal insister parce que Microsoft n'était pas particulièrement partant pour qu'il y en ait une. Le portage est assuré par Nitro Games et elle arrive en février 2012 avec directement les 8 chapitres pour le coup. Et apparemment, un des gros arguments pour pouvoir développer une version PC, ça a été la sortie proche d'American Nightmare où ils se sont dit ça peut être bien d'essayer d'attirer un nouveau public pour la sortie du nouveau petit jeu. Les critiques sont globalement positives. Actuellement, j'ai noté le score Metacritic, il est de 83 sur 100 pour les deux versions, pour Xbox comme PC. Si ça avait été un film, ça l'aurait placé 10e à égalité avec 22-11-63, la première saison de Monsieur Mercedes et Shining. Voilà, comme quoi ça veut rien dire, hein, des fois les classements. La critique presse la plus négative, c'est celle de Chris Kohler pour le magazine Wired, qui reproche au jeu d'avoir une fin trop faible, ce qui, pour moi, est le plus beau signe que c'est un vrai héritier de King. Et puis surtout, il l'avait critiqué, il manquait de chapitres, je crois. Il n'avait pas, il me semble. Bah du coup, oui, c'est les critiques presse d'époque sont sur les 6 chapitres. Ouais, c'est ça. Mais après, la fin est faible, mais moi, je trouve qu'il y a un bel effet de... Enfin, on en reparlera, mais il y a quand même un beau petit twist. Oui, pour moi, elle me pose pas particulièrement problème, hein, cette fin en 6 chapitres. C'est aussi ce que j'avais fait au départ, et les 2 chapitres bonus m'avaient pas manqué. Bah non, en fait, elle se suffit vraiment à lui-même, pour le coup. Ça ressemble plus à une fin de saison 1 qu'à une fin de film, effectivement. Oui, voilà, mais ça suffit à boucler des trucs. On sent que le but est que c'est une suite, mais ça suffit à boucler des trucs. Ça donne envie d'en savoir plus, quoi. Ouais. La dernière phrase ouvre complètement les portes qu'est-ce qui pourrait se passer après, quoi. Oui, carrément. Le début des ventes est pas terrible. Le jeu sort la même semaine que Red Dead Redemption. Ça aide pas tellement, parce que Red Dead Redemption va très bien se vendre. Paye ta concurrence, quoi. Les 2 premières semaines, a priori, il y aurait 145 000 exemplaires qui s'écoulent contre 1,5 million pour Red Dead. Ouais. À la fin de l'année, il est aux environs d'1,4 million d'exemplaires. Et en avril 2015, selon Polygon, le jeu aurait écoulé 3,5 millions d'exemplaires. La version PC, elle a fait du bien. Ouais, clairement. Et après un si long développement, c'est pas assez pour que ce soit considéré comme un gros succès. Et c'est pour ça, en fait, que la suite Alan Wake 2 va mettre tellement de temps à arriver. Par contre, il a tout de même un petit record. Ce serait a priori le jeu le plus piraté de 2010 sur Xbox, avec 1,1 million d'exemplaires. Une version piratée qui se signalait de manière amusante par le fait que Alan porte un cache-œil avec une tête de mort pirate dans la version piratée. C'est génial. Ça n'empêche pas du tout de jouer. Donc je trouve ça rigolo. Ah oui, c'est ça qui est génial. C'est ça qui fait la diff entre certains studios et d'autres, c'est que à la même époque, tu avais Batman Arkham. Oui. Qui avait ce truc de... les développeurs avaient prévu un petit truc si jamais tu piratais le jeu. Sauf que là, ça t'empêchait de finir le jeu, c'est-à-dire que Batman ne voulait plus sortir son grappin. Il disait non, je ne suis pas un voleur, je ne vais pas faire ça, tu vois, genre. Et Alan Wake, c'était juste un cache-œil et c'était en mode, bon, bah, fais le jeu quand même, quoi. Genre, bon, voilà, c'est une maigre punition, quoi. Après, bon, Bruce Wayne, ça reste un énorme bourgeois, hein, tu voilà. soutiens le vol. Ah, bon. C'est ça, hein. C'est exactement. Je pense ça serait jamais arrivé dans un jeu Spider-Man, ça. Ah bah, Alan Wake, il est auteur, hein, donc forcément... Ah bah oui, c'est ça. Il est habitué à pas avoir d'argent. Exactement. En mai 2011, est annoncé donc le développement de la suite qui s'appellera American Nightmare, qui sort finalement le 22 février 2012 sur Xbox et le 22 mai sur PC. Il y a encore une courte période d'exclusivité, mais beaucoup plus courte sur cette suite. Beaucoup plus orientée action. Il sort sans VF. Il n'y a pas de VF dans American Nightmare. Vraiment, ils ont... Oui, c'est vrai. Alors que même les deux chapitres supplémentaires, pour le coup, ont une VF. Mmh. Je ne sais pas pourquoi pas sur American Nightmare. Bah, parce que Microsoft avait déjà abandonné l'idée que Alan Wake allait être une licence. Tu vois, ça ne faisait pas autant que Halo et Gears of War, donc c'était pas intéressant, quoi. Oui, donc c'est une réduction des coûts, quoi. Exactement. Ouais. Mais bon, je me suis dit qu'ils auraient pu faire une VF dans la foulée de Alan Wake 2, qu'ils ont bien doublé. J'aurais pu redoubler vite fait American Nightmare. Après, est-ce que c'est utile de dépenser de l'argent pour doubler un jeu qu'à 10 ans Oui. Non, utile non, c'est sympathique, c'est tout. Ouais. Ouais, je sais pas si les studios de jeux vidéo sont vraiment sympas. Hein. alors on est sur de la take politique, là les studios de jeux vidéo ne sont peut-être pas très sympas. Et en tout cas, ils ont peut-être pas la possibilité d'être tous sympas autant qu'ils voudraient être sympas, je pense. Ouais, je pense. Bon, après Microsoft, je pense qu'ils auraient la possibilité, mais qu'ils veulent pas. Là, oui, voilà. Voilà, ouais. C'est ça. Ils peuvent le faire, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, ouais, ouais. Non. Mais après, j'étais un peu déçu, moi, à l'époque, hein, quand American Nightmare est sorti et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de VF. J'avais quand même gueulé, mais vu que j'étais tout seul, j'ai pas... Genre, j'avais envoyé le mail au Pierre Microsoft en mode c'est moi, il n'y a pas de VF dans ton jeu. Et je crois qu'il m'avait dit non, c'est pas prévu. Et à l'époque, ils avaient fait la même chose avec les DLC de Bioshock Infinite aussi. Les petits bâtards, tout le jeu qui est en français, les deux DLC à Rapture, ils étaient en VO. Et eux, par contre, ils ont fait redoubler le truc par la suite. La VF a été push, je crois, un an après sur les DLC. Donc, comme quoi, des fois, gueuler, ça marche. Voilà, si vous voulez votre truc en VF, gueuler un coup, des fois, ça peut marcher. C'est pas toujours. Et gueuler pas sur les doubleurs, hein, gueuler sur les producteurs. Oui, les studios. Hein. Oui, doubler toujours sur les studios. Oui, ouais, non, les doubleurs, ils y sont pour rien. Hein. Mais voilà, des fois, ça peut servir. Des fois, tu peux être 30 000. Comme ça a été le cas avec Kingdom Hearts 3. C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, la technique de la gueulante n'a pas marché avec Kingdom Hearts. On était littéralement 30 000 sur un Discord. Hein. Je sais, c'est moi qui ai créé le Discord en question. Donc, ouais. Le pire étant carrément les ressorties des premiers Kingdom Hearts qui, eux, avaient eu une VF. Pourquoi les avoir supprimées versions remaster? Incompréhensible. Ah non, mais vraiment. Après, on était 30 000 sur le Discord parce qu'on s'occupait aussi de militer pour les versions espagnoles et allemandes, qui avaient disparu aussi dans la foulée. Donc, en fait, toute l'Europe avait un peu réuni ses forces là-dessus. Ils nous ont même pas répondu, tu vois. Ils nous ont ghosté, mais alors d'une force. 30 000 personnes, ah non, je les vois pas. Genre, non, il y a personne. Mais sous quel prétexte le studio est énorme? Ah, c'est Square Enix, ouais, mais sous prétexte que c'est... Parce que justement, c'est Square Enix, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à battre. Oui, leur jeu se vend malgré ça. Voilà. Mais bon, ouais, en plus, puis... Elle est tellement extraordinaire, la VF des Kingdom Hearts. Bah ouais, elle est vachement bien, ouais. À l'époque, je crois qu'ils avaient fait sous-traiter ça à Ubi, qui éditait certains jeux Square Enix en France. Et je pense que ça a dû être Ubi qui a dû avoir un budget pour produire la VF. Ouais. Donc on a eu beaucoup de chance en fait. Je pense que c'est un alignement de planètes qui est arrivé deux fois et puis après l'alignement a changé donc ce sera plus jamais possible. Mais ouais, ça fait partie des VF de jeux vidéo qui sont mythiques. Square Enix qui pourtant se met maintenant à doubler même ces grosses sagas comme les Final Fantasy en VF, hein, le dernier l'est. Ah non, mais la même année que Kingdom Hearts 3, il y avait FF15 qui est doublé tout en VF. Ouais. Incompréhensible. Ouais, c'est très bizarre. J'ai toujours pas fait d'ailleurs Kingdom Hearts 3, mais... Tu rates rien, c'est pas le meilleur de oui, de il est... Ouais. Pas un mauvais jeu, mais il est pas à la hauteur non. des deux premiers épisodes. Et puis il est mal écrit par rapport au reste. Bah tu sens le côté rushé, quoi. Ouais. Ils sont peut-être trop perdus dans leur univers, ou dans... Déjà le deuxième, ça devenait un sacré bordel. Hein. Nomura se perdre ? Non. Ouais, Nomura, des fois, il sait plus ce qu'il fait, hein. Des fois... Je crois que lui-même a dit qu'il allait voir des vidéos de lore de Kingdom Hearts pour vérifier. Ah ouais, non, mais c'est... C'est ça, quand t'écris n'importe quoi en écriture automatique comme Alan Wake, tu vois, au bout d'un moment, tu sais plus où t'en es. Ouais, ça marche le temps d'un livre, mais pas tout le temps. Hein. Et encore le temps d'un livre, tu peux obtenir les Tommyknockers. Ça fait penser au même... il faut pas écrire n'importe quoi, hein. Ah bon ? Ah non, faut réfléchir avant. Dont j'ai découvert il y a pas si longtemps qu'il était Danouk Ricard, au moment de son prix à Angoulême. Oui, oui. En parallèle du jeu, ou un peu après, il y a d'autres produits dérivés qui vont sortir, notamment deux comic books d'un chapitre chacun, donc à peu près 22-24 pages chacun. Le premier, c'est Night Springs, qui est sur une histoire de Sam Lake et Miko Rotalati, même si c'est ce deuxième qui se charge du scénar lui-même, et illustré par Amin Amat et Jerry Kissel, que je ne connais pas du tout, pour le coup, aucun des deux. Ces deux auteurs très très... underground de la branche indépendante du comics books, donc fatalement. Disons que Amin Amat a fait beaucoup de séries qui revisitent, tu sais, tout ce qui est contes de Grimm, mais avec des personnages féminins fortement pulmonés, hein, pour un certain public, qui clairement n'est pas le nôtre, et dont forcément, du coup, la majorité des titres ne sort pas en France, quoi. Ça, c'est sûr que ça vend pas du rêve, ouais. Donc bon. Oui, c'est pas sorti en France, les comics Alan Wake, hein, je crois pas. Hein. Non, et puis même... Ah non, les comics Alan Wake non plus, non. Et puis même ce que fait l'auteur à côté de ça, quoi. Ouais. Donc, ouais. Sauf si tu as envie de lire une version du Livre de la Jungle où Mowgli est une femme avec des attributs fortement pulmonés, bon, voilà. Voilà. Est-ce que t'as vraiment envie de lire ça, quoi? Non, là, sur le coup, peu, mais... Ça dans le CV, auteur de comics Gronibar. Je vais continuer à lire Fable dans les réécritures de contes. Oui, voilà, ça sera très bien. Et donc, ce chapitre, Night Springs, il se passe en parallèle du chapitre 5 et il se penche sur le père de Sarah Breaker, qui s'appelle Frank Breaker, qui reçoit une demande d'aide de sa fille. Et donc, on apprend à cette occasion qu'il existe une sorte de groupe de protection de la ville qui contient plusieurs habitants, dont Pat Maine, d'ailleurs. Et à noter que toute la ville est au courant que le docteur Hartman est dangereux. Ah, ça c'est un truc... Ça a l'air d'être communément admis, hein, que Hartman est un danger public. D'accord, parce que c'est vraiment un truc, pour le coup, qu'on voit pas trop dans le jeu, ça c'est intéressant comme data. Ouais. Pour le coup, ce chapitre, il est plutôt pas mal, il est plutôt bien rythmé. Frank est un personnage assez simple de flic à la retraite, torturé, mais le il comics, marche le comics. Il marche le long de ce chapitre. Donc, c'est un bon moment. Oui, je suis d'accord. Je tentais de m'accrocher à Alice, mais elle s'effaçait. Je perdais les pédales. Le docteur Hartman se tenait à sa place. Je voulus le frapper, mais j'étais sans force. Il sourit. C'était un sourire apaisant, et je le détestais pour ça. J'ai dû vous donner un sédatif, ne résistez pas, vous venez de faire une autre crise. Pour l'instant, il est crucial que vous vous calmiez. Il ne faudrait pas déclencher une autre crise. Vous êtes un patient de ma clinique, et cela depuis un moment maintenant. L'autre est moins bien, l'autre comics bonus psycho-thriller, qui est par les mêmes auteurs, mais qui est illustré cette fois-ci par toujours Jerry Kissel, mais aussi J.C. Grande, que je ne connais pas non plus. Alors, est-ce que lui aussi, il fait des trucs avec des héroïnes de compte à forte poitrine ou... Alors, lui, je n'ai rien trouvé dessus, donc... D'accord. Voilà. Il a même pas ça à mettre en avant, alors. Et donc celui-là est centré sur le Dr. Hartman après la destruction de son asile, donc dans le chapitre 4 du coup. Et on constate sa survie et il se débrouille pour que son complice qui demandait une rançon sous forme de manuscrit à Alan Wake, qui s'appelle Mott, soit abattu alors qu'il est désormais possédé par les ombres. Oui. Globalement, je l'ai trouvé moins bien rythmé et puis Hartman est un connard, donc c'est pas forcément agréable de le suivre même pendant 20 pages. Bah, du coup, en fait, le seul fait marquant du comics, c'est la mort de Mott, mais vu qu'avant ça, t'es obligé de te taper 22 pages qui servent à rien, bon. Ouais, sachant qu'en plus Hartman il revient dans le DLC justement d'Alan Wake qui est dans Control, il est au centre de cette histoire là. Donc j'ai l'impression que c'est un personnage que Sam Lake aime bien parce qu'il il a quand même beaucoup de lore juste autour de lui, alors que c'est quand même un cliché de médecin de star qui profite un peu de l'argent et des faiblesses de personnalité, ouais, voilà, de ses patients pour se faire de la thune et vendre des bouquins derrière en plus, tu vois. Donc, ouais. Après, ce qui est sous-entendu dans ce chapitre bonus, dans cette BD bonus, pardon, c'est qu'il est au courant qu'il y a des trucs bizarres autour du lac. Donc, il sait qu'il joue avec des forces paranormales, Hartman. Il sait pas exactement lesquelles, ouais, mais il sait qu'il joue avec des forces paranormales. Bah, ça, c'est validé par aussi le DLC de Control, pour le coup. D'accord. Donc, le comic, c'est canon. Bon, de toute façon, vu que Sam Lake a supervisé, ça, je m'en doutais un peu qu'il ne serait pas en contradiction avec ses propres idées. Quoique, ça peut arriver. Ouais, ce serait pas la première fois qu'un auteur retconne un truc spin-off qu'il a fait pour de la promo, pour quand il fait sa suite, ou quand... Voilà, c'est cool, là. Au moins, tout se tient. Oui. Et il existe une novélisation du jeu qui a été écrite par Rick Burrows, qui n'a pas fait grand-chose d'autre à côté. J'ai pas eu le temps de la lire en entier. J'en ai lu une partie. C'est très plat stylistiquement, je trouve. Ouais, c'est descriptif au possible. Et ça suit le jeu vraiment. Il n'y a pas grand-chose de rajouter, à part la fin, qui est différente. Voilà. Ah. Bah, du coup, je te laisse nous dire quelle est la fin dans la novélisation, à moins que tu veuilles le garder pour plus tard. Non, je l'ai lu il y a longtemps. Dans mes souvenirs, c'est une fin. Il n'y a pas la truc dans le lac. Je crois que, alors, c'est une bad ending dans mes souvenirs. Je voudrais pas dire de bêtises parce que ça fait quand même un certain temps que je l'ai lu. Dans mes souvenirs, il retrouve sa femme, mais il n'arrive pas à remettre la main sur Jaeger. Et je crois qu'il se sacrifie et il reste dans les limbes pour faire sortir sa femme, en fait. Donc, il décide de devenir le pantin de Jaeger à la place de Thomas Zane pour que sa femme puisse remonter du lac. Et je crois que ça finit comme ça, sur une espèce de semi-bad ending. Je sais pas ce qu'il a voulu faire avec la fin. Pourquoi, peut-être qu'il n'avait pas accès aux deux derniers chapitres DLC, ou je sais pas, mais... Ce que j'allais dire, en fait, ça fait penser à la fin, mais sans les DLC. Ouais, c'est ça. Du coup, ça fait effectivement plus une bad ending. Voilà. Là, je suis sur le Wikipédia du truc. La fin est différente. Alice arrive sur le rivage et est retrouvée par Sarah Breaker. Ouais, c'est ça. Ce qu'on ne voit pas dans le jeu, qui semble l'attendre. Alice pleure en disant à Breaker qu'elle ne pense pas qu'Alan reviendra un jour, et elle pense l'entendre dire « ce n'est pas un lac, c'est un océan ». Donc ouais, ça correspond plus ou moins à la fin du chapitre 6, mais en plus définitif sur le destin d'Alan. Et avec même la fin, avec la phrase qui conclut le jeu sans les DLC, quoi. Ouais, ils ont repris... C'est ça, ouais. Mais le truc ajouté, ouais, c'est qu'on voit que sa femme est vivante, ce qu'on ne voit pas du tout dans le jeu. C'est totalement incertain sur le fait que est-ce que Alan a réussi à sauver sa femme ou pas, ou est-ce qu'il va juste la rejoindre. Enfin, là, pour le coup, on est beaucoup plus dans une expectative de qu'est-ce qui va se passer après, alors que là, c'est une fin de livre où il y a une conclusion, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est étonnant. Enfin, les DLC devaient déjà être écrits. Oui, au moins pensés, oui. Au moins au moment où il a fait son truc, donc c'est un peu surprenant. Et je crois que ce genre de... Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un produit dérivé plus qu'autre chose. Et je pense que c'est commandé par Microsoft, qui leur donne un exemplaire du jeu et qui disent « faites la novélisation, point », tu vois. Et Oui, donc s'ils n'ont pas le matériel qu'il y a derrière, bah... Voilà, c'est ça. Si le matériel n'est pas sorti ou s'il est encore en développement, il y a peu de chances pour qu'ils y aient accès. Faudrait demander aux gens qui bossent chez Milady et chez des éditeurs comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils font pas mal de produits de ce genre-là. Ouais. Oui, ils sortent pas mal de novelisations, oui. Ne serait-ce que les Assassin's Creed, je pense que c'est vraiment totalement sous-traité et que Ubisoft ne met pas un seul petit doigt là, dans cette affaire. Quoi. Mmh. Ouais. C'est du produit dérivé. Je sais pas s'ils sont bien, d'ailleurs. C'est la première fois que je lisais une novelisation de jeux vidéo, de toute façon. Ah mais j'avais lu les novelisations de... Comment il s'appelle ? Drew Karpyshyn, de Mass Effect. Parce que pour le coup, c'était un auteur Star Wars univers étendu à la base. Donc c'était intéressant. Et c'est lui qui avait écrit Mass Effect. Donc quand c'est l'auteur du jeu qui fait un... Et c'est même pas une novelisation d'ailleurs. C'est des romans qui se passent avant, après les jeux. Donc... qui raconte d'autres histoires. Ah oui, c'est encore un peu différent, ouais. Voilà, c'est encore un peu différent. Oui, ça développe vraiment l'univers. Voilà. Mais ouais, novelisation, je sais pas ce que ça peut avoir d'intéressant, en vrai, une novelisation de jeu vidéo. J'avais lu celle d'Alan Wake un peu en automatique, et parce qu'en plus, mon exemplaire était en anglais, j'avais pas beaucoup de bouquins en anglais, à l'époque, j'essayais d'améliorer mon anglais. Alors c'est cool, hein, pour le coup, pour moi c'était bien parce que ça partait pas trop dans des tournures de phrases compliquées, et c'était très lisible en VO, mais je sais pas vraiment c'est quoi l'intérêt du truc, quoi. Ouais. Tant que fan d'Alan Wake, j'y ai pas spécialement pris de plaisir. Tu vois, je me souviens m'être dit en le finissant, j'aurais peut-être dû lire un Stephen King en anglais plutôt que lire ce truc, quoi. Surtout quand c'est une novélisation qui t'apporte rien, quoi. Ouais. Bah, elle apporte 2-3 dialogues en plus, des scènes qui durent un peu plus longtemps, des descriptions, voilà, qui rajoutent quelques détails, mais c'est pas... Ouais, mais sans certitude que ça soit inclus dans le lore, au final. Oui, voilà. C'est, en plus, ouais. C'est presque une fanfiction voilà. sans le côté fan. C'est ça. Mais, ouais. Bah, écoute, si ça peut faire manger des auteurs qui vendent pas de bouquins, c'est bien, hein. Oui, voilà, c'est ça aussi, hein. Oui, après, oui, ça donne du boulot à des auteurs, hein, c'est toujours ça. Moi, je me souviens avoir lu quelques... Alors, c'était pas des adaptations, c'était vraiment des histoires originales de Resident Evil. Il y en a eu pas mal qui avaient été sorties chez nous, chez Fleuve Noir, à une époque, S.D. Perry, le nom de l'auteur, si je me trompe pas. J'en avais lu quelques-unes, c'était sympa, c'est de la petite littérature de gare sans prise de tête, quoi. Moi, je disais les novélisations d'épisodes d'X-Files, moi. Ah. Ouais, j'avais pas le droit de regarder X-Files, mais ma mère, elle voulait bien m'acheter les bouquins, alors je les lisais. Du coup, ça faisait encore plus peur que la série, vu que là, c'est l'imagination qui carbure. Voilà, c'est ça. C'est pas ce qu'elle a fait comme erreur. Par contre, du coup, on peut en profiter parce qu'on n'en a pas plus parlé que ça, mais pour évoquer les Alan Wake Files, qui sont assez chouettes. Mmh. Ouais. Pour le coup, je trouve. Donc, qui suivent un nouveau personnage, Clay Stewart, qu'on voit en fait dans Alan Wake, mais qu'on voit dans les rêves au tout début. Et il le reconnaît plus tard quand il le voit à la télé, et on suit un peu ce personnage qui va aller à Bright Fall pour enquêter sur ses propres rêves. Et il arrive à Bright Fall après les événements du jeu, et donc il va partir un peu dans un jeu de pistes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, notamment en trouvant dans un motel les notes de Nightingale, donc l'agent du FBI. Ouais. Et pour le coup, je trouve ça bien foutu, déjà pour les passages vraiment sur les notes de Nightingale elle-même, où il y a bien le côté du gars qui devient de plus en plus... de moins en moins clair au fur et à mesure, où c'est un mélange de l'alcool et de la présence des ombres oui, qui folie, le ouais. dévore petit à petit. Mm. Donc j'ai trouvé ça bien géré. Même les interviews qu'a mené Nightingale sont intéressantes parce que ça montre que il se comporte très différemment selon les personnes qui l'interrogent. Après, le plus intéressant, en fait, c'est peut-être les petites histoires de Wake qu'on va découvrir, où c'est des chapitres tirés de ses livres ou certaines de ses nouvelles, où ça permet de découvrir un peu le style de l'auteur autrement que par des pages éparses comme on les récolte dans le jeu. Mm. Du coup, ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, bah oui, je suis d'accord avec toi. Ça développe très bien l'univers et certains personnages. Ouais, j'avais adoré aussi. Quand t'avais l'édition collector sur 360, c'est ça le livre que t'avais en physique dedans. Et c'est particulièrement cool à feuilleter juste après avoir fini le jeu, où t'as vraiment l'impression que quelqu'un est sur les traces de ce que tu viens de faire dans le jeu. Il y a beaucoup de détails qui t'éclairent aussi sur notamment Nightingale qui est dans le jeu. Voilà, c'est juste un agent du FBI, un cow-boy, tu vois, mais oui. Ça lui rajoute un petit peu d'épaisseur, je trouve. Et puis ouais, pouvoir lire du Alan Wake, c'est toujours très cool. Je sais pas ce que vous avez pensé du style d'Alan Wake, de sa façon d'écrire. Bah moi, je le trouvais pas si mal. Ça fait très King de certaines périodes, je trouve. Ce qui est du coup pas surprenant. Oui, on est d'accord. Ouais, mais j'ai trouvé, c'est à la fois très simple et en même temps vraiment pas mauvais. Ça fait très King de la part des ténèbres. Ouais, peut-être de cette époque, effectivement. Ah, je pense que c'est une des plus grosses inspirations. Hein. Enfin, ça fait partie des plus grosses inspirations, quand même. Oui, bah attends, rien que le fait que la création prenne vie, clairement, c'est la part des célèbres. C'est ça, le côté schizophrénique de l'histoire. Ouais, je voulais vous demander ça, parce que je me demandais s'il y avait eu un travail de mimétisme sur le style d'Alan Wake, pour que ça colle un peu. Je pense que c'est un travail d'inspiration plus que de mimétisme, parce que c'est pas de l'imitation à proprement parler, mais oui, il y a un peu ça, ouais. Ah, on sent que Sam Lake, il a lu beaucoup de King, alors. Ah oui, oui, nettement, hein, je pense qu'il en a lu beaucoup. Et pour le coup, il y a une volonté aussi de faire une fin plus joyeuse à cette version, parce qu'il arrive à échapper aux démons et aux ombres, Clay, pour le coup, ouais. Et à retrouver une vie normale. Sur Nightingale, ça nous apprend notamment qu'il était déjà démis de ses fonctions, enfin a priori en tout cas, c'est possiblement il y a un mensonge de ses supérieurs, mais on peut quand même supposer que c'est vrai. Il était déjà démis de ses fonctions au moment d'aller à Bright Fall, et donc il enquêtait de manière relativement autonome, quoi. Oui. Ce qui explique peut-être son comportement. Mais voilà, ça c'est plutôt un bonus intéressant à lire, surtout qu'il change pas mal de forme, donc c'est assez amusant. Ça fait pas mal penser à du X-Files aussi, je trouve, comme supplément. Quand Barry vit l'ombre attaquer l'office du tourisme, il fut soudain convaincu. Les hommes qu'Al prétendait avoir tués n'étaient pas que des péquenauds camés. D'une façon ou d'une autre, le monde était soudain différent, comme si on avait changé de chaîne sans prévenir. On croit regarder une sitcom, alors qu'en fait on est devant un film d'horreur. Lorsque les oiseaux se mirent à attaquer le chalet, Barry ne fut pas surpris, simplement terrifié. Très bien, bon, c'était déjà bien long, et on en est déjà à un bon moment de podcast, mais nous allons enfin pouvoir passer, même si on a déjà un peu teasé, à nos avis sur le jeu. D'habitude, c'est toi, Chris, qui commence, mais là, je vais demander à notre invité. Oui, c'est normal. Punky, qu'as-tu pensé d'Alan Wake ? Alors à l'époque, j'ai adoré, mais en même temps, je l'attendais depuis tellement longtemps, et c'était tellement une première pour moi d'avoir un jeu qui se passait dans cet univers, comme tu l'as dit, à la croisée des chemins entre X-Files, Stephen King, Twin Peaks, tout ce que j'aimais, que vraiment, je pense que le jeu aurait pu être nul, je l'aurais quand même aimé. Mais à l'époque, j'ai pris un sacré plaisir, je me souviens que je l'avais fait en plus en faisant un chapitre par jour, parce que je voulais me le garder un petit peu, je réfrénais mes envies de le bourriner et de le finir en une nuit. Donc, il a vécu comme une série télé, quoi. Exactement, je l'ai consommé tel que l'auteur le voulait. et ça marche plutôt bien, en plus, parce que du coup, j'ai pas trop ressenti ce qui est beaucoup reproché au jeu, c'est-à-dire son aspect un peu répétitif, parce que concrètement, ça reste un jeu où tu tires sur des ennemis et voilà, il n'y a pas grand chose de plus, il y a quelques énigmes par-ci par-là, mais ça reste un jeu de tir principalement. Donc ça, je ne l'ai pas trop ressenti et ça ne m'avait pas choqué. Par contre, plus je le refais avec les années, plus je vois ses défauts. Et oui, c'est un jeu qui est clairement répétitif. C'est un jeu qui... Tu sens qu'il est un petit peu handicapé par le fait qu'il était beaucoup plus ambitieux à la base et que parfois, il y a... Voilà, y a deux cinématiques qui vont s'enchaîner et tu vas dire attends, là devait y avoir une séquence open world où je devais me déplacer chercher des trucs, c'est pas possible autrement parce que une cinématique il fait jour et la cinématique d'après il fait nuit et Alan il a fait 10 km en voiture. Il y a des trucs comme ça où tu le sens un peu plus que dans l'écriture ça a été raboté voilà. Mais alors, après ça c'est assez peu, mais les limitations de vitesse dans cette région sont énormes. Les voitures doivent se déplacer à 1 km/h, donc forcément. Mais ouais, en le refaisant avec les années, et même là quand j'y ai rejoué, je comprends les défauts et je comprends pas mal de gens qui ont qui n'ont pas accroché à Alan Wake, parce que c'est un jeu qui a quand même divisé aussi hein, à l'époque hein, au niveau des joueurs. La presse a été plutôt sympathique avec le jeu, mais les joueurs, le jeu s'est retrouvé très très vite en occasion, dans les bacs d'occasion, il y en avait beaucoup, parce que déjà c'est un jeu que tu fais une fois et qui n'a pas spécialement une énorme durée de vie après. Et pour un jeu qui coûte 60€, c'est quand même un gros défaut, je trouve. Et ouais, je comprends l'aspect répétitif, il est plus choqué. Je comprends que le fait que ce soit que des forêts, et que ça soit que du trekking, que le fait que Alan Wake soit asthmatique et que tu puisses pas tracer dans les niveaux, ça ait pu faire chier des gens. Voilà, et c'est que des trucs que Remedy a pris en compte quand ils ont fait Quantum Break et Control après. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le rythme, c'était important. Et c'est vrai que c'est un jeu, parfois, qui a des ventres mous. Qui a des épisodes où tu te dis, ouais, là, il y aurait quand même... toute cette partie-là, je l'aurais bien enlevée. Là, par exemple, la partie dans les mines, où tu vas rencontrer une deuxième fois le ravisseur. Ah, tu t'ennuies un peu, voilà. Tu dis, bon, quand est-ce qu'il commence à se passer quelque chose et tout. Donc, je serais plus aussi dithyrambique qu'à l'époque. À l'époque, j'avais fait un test du jeu qui était... 20 sur 20, 5 étoiles, indépendant 5 sur 5. Tu avais été payé combien ? Zéro, juste il fallait m'offrir le jeu, tu vois. Et encore à l'époque, je travaillais dans la presse et on me l'avait pas envoyé, j'avais dû aller l'acheter. Je m'étais acheté ma petite édition collector. C'est d'ailleurs un des derniers jeux en physique que j'ai acheté à Alan Wake. C'est un des derniers jeux neufs que j'ai acheté en physique. C'est Alan Wake, parce que déjà à l'époque, je me désintéressais du neuf pour m'intéresser au marché de l'occasion et tout. Ouais. Et donc, ce collector, il est resté très longtemps avec moi, mais avec les années, je sais pas que je revois la baisse, mais c'est que je comprends mieux ses défauts, je les ressens plus. J'ai hâte de faire Alan Wake 2, voir si tout ça a été corrigé. Très bien, maintenant à ton tour, Chris. Tout pareil. Et c'est marrant parce que j'ai vécu Alan Wake 1 à sa sortie exactement de la même façon. Je faisais un chapitre par jour. Ah, c'est cool. Également pour le faire durer et parce que je trouvais ça cool en fait de le faire vraiment façon série télé. Hop, tu consommes ton petit épisode, tu te le fais, t'es content. Et pareil, là, le refaire dernièrement et du coup de manière un peu plus pressée, entre guillemets, à faire deux chapitres par jour. Et bah oui, les défauts te sautent beaucoup plus à la gueule. La répétitivité, oui, tu la ressens, surtout à certains moments, où c'est vraiment très compliqué. Tu parlais des mines, moi je voudrais évoquer tous ces passages qui s'enchaînent, où t'as des objets possédés, tu fais « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Au bout d'un moment, calmez-vous. On est d'accord. Il y en a beaucoup trop, il faut s'arrêter. Quand c'est les véhicules et tout, ça marche, mais comment ça commence à être des tuyaux en métal, des bobines, c'est vraiment, on avait plus le temps de modéliser les ennemis, donc on a pris ce qu'on avait en stock. Il y a des moments où ça rend bien, les objets possédés, je pense, la grande pièce d'attente de l'hôpital, du centre d'Hartmann. Ou à un moment, t'as des canapés, oui. Des tables qui volent et tu peux allumer un projecteur à l'étage pour en faire disparaître certains. À ce moment-là, ça marche vraiment. Mais c'est vraiment les moments où t'es dans une pièce ou à l'extérieur toute vide et puis t'as plein d'objets qui s'animent et tu comprends pas trop pourquoi. C'est très étrange. Je pense que ça aurait mérité plus de variété parce qu'en plus, ces objets-là, à part t'attaquer et te foncer dessus, ne font rien. C'est-à-dire ils se réveillent, ils font rien et ils jouent même pas avec ça. C'est-à-dire que je sais pas, ils pourraient te faire un truc devant un bureau ou devant une fenêtre et puis d'un coup paf, les volets se ferment sur toi par surprise. Ouais. Un peu comme il y avait dans Prey, c'était Prey de Arkane où t'avais tous les objets qui en fait c'est un truc alien qui peut se transformer en n'importe quel objet. Ce qui fait que t'arrives dans une pièce, la tasse peut t'attaquer, le crayon peut t'attaquer. Et donc tu sais jamais trop à quoi te fier. Là non, c'est toujours un peu tout, c'est des bobines, des tuyaux, des grilles, et c'est un peu tout le temps les mêmes objets. Donc quand tu les vois, le passage du pont notamment. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, t'as tendance à passer ta lampe torche un peu trop facilement sur tout pour voir. Et c'est pareil, il y a un truc, c'est une bonne idée à la base, les espèces de matière noire que tu vois sur le sol et que si tu marches dessus, tu te prends des dégâts. Mais en fait, ils en font rien de ce truc. Bah oui, rien du tout même. C'est juste des petits pièges, quoi, et ça change rien. Pareil, les pièges possédés, quand il y a des pièges à ours dans la forêt, ils auraient pu en faire des trucs, c'est-à-dire bah toi, une fois que t'as enlevé la lumière, t'en resservir pour piéger des possédés ou des choses comme ça. Mais non, pas du tout. Ils, en fait, ils se servent pas assez de ce qu'ils ont. Et en fait, le seul truc qu'ils ont vraiment réussi à faire, c'est à jouer avec les trois éléments, donc la lumière, l'ombre et le fait que Alan doive éliminer les avec un flingue. Ces trucs-là, ils jouent un peu avec, c'est-à-dire que dès le deuxième, troisième chapitre, on dit « Ah bon, bah maintenant t'as plus de flingues, t'as juste des grenades. Ah bon, maintenant t'as juste des feux à main. Ah, maintenant que... » Et on... Tout ça, ça, tous ces passages-là rendent bien, oui. Ça, voilà, c'est malin parce que tu redécouvres tes outils sous un autre angle, tu réapprends à survivre d'une nouvelle manière avec, c'est très intéressant. Mais ça s'est limité à ça, ils ont pas appliqué ça aux ennemis. Les types d'ennemis sont pas assez nombreux aussi, je trouve. Oui. Ça se répète assez vite. Voilà, les oiseaux, c'est une très bonne idée, mais en fait, les oiseaux, une fois que t'as compris comment les battre, ils font tout le temps la même chose, et c'est juste qu'ils en rajoutent en termes de nombre, mais pas forcément en termes de ce que tu peux faire avec. Pareil pour tout ce que tu trouves en termes d'équipement lumineux dans la forêt, c'est un peu toujours la même chose, c'est toujours le même groupe électrogène, c'est toujours le même... et ça aurait mérité voilà, des séquences un peu uniques pour rendre chaque chapitre intéressant, et on aurait pu se dire, ah oui, alors là, c'est le chapitre où, tu dois utiliser tel truc pour battre tel machin. Il y a un peu ça vers la fin, quand t'es dans la centrale, ça marche un peu, mais ça dure la moitié d'un chapitre, tu vois, c'est... C'est trop peu, c'est... ouais. Oui, avec les pylônes électriques, où tu peux... C'est ça, avec les pylônes, t'as une petite énigme pour faire revenir l'électricité dans la centrale. Ouais. Il y a ça aussi avec les fours, quand tu dois éclairer les fours pour les faire exploser et tout. Ouais, mais c'est dans un des chapitres bonus, ça, justement. Ouais, c'est dans un des DLC, oui, c'est dans le premier DLC. Ouais, les DLC sont bien plus inventifs, d'ailleurs, les deux derniers chapitres, c'est une respiration, je pense, quand tu les fais d'un coup, quand tu fais tout le jeu. Parce que dans les deux derniers chapitres, ils mettent tout ce qu'ils ont, quoi. Et du coup... Ils sont un peu plus orientés action, par contre. Ouais. Enfin, surtout ouais. Le premier DLC. Ouais, c'est ça. Mais t'as des nouveaux concepts, et tu te sers de la lumière pour faire des nouvelles choses. T'as toute la séquence avec le décor qui tourne sur lui-même. Éclairer les mots pour faire popper des provisions, ce genre de choses, ça, c'est des bonnes idées, ouais. Tout ça, ça aurait mérité d'être dans le jeu principal, un peu plus délayé, je pense. Ça aurait peut-être aidé au rythme de l'aventure, quoi. Il y a un autre souci que je trouve, c'est que la présence des ennemis, en fait, enfin, comment dire, on sent qu'ils vont arriver, c'est prévisible. Parce que tu sais, t'as toujours une ambiance sonore qui devient sombre, t'as bah, forcément une espèce de fumée noire qui se met à t'entourer de partout. Ils popent pas par surprise, et ça c'est dommage, parce que du coup tu t'y attends à leur arrivée. Il y a ça plus le côté que vraiment des fois... Bah, c'est clairement des arènes de mobs, et ça se sent à des kilomètres à la ronde, tu les vois arriver, toutes ces arènes. Je serais un petit peu plus nuancé, parce que moi, justement, ce truc de l'ambiance sonore avec le vent qui se lève, le brouillard qui se met en place et tout, ça t'avertit effectivement des ennemis, sauf qu'il y a certains moments où ils jouent avec ça et où les ennemis arrivent sans te prévenir. Et ouais. je pense que l'idée, c'était ça, c'est de dire, eh tiens, t'as ce petit truc pour t'habituer, mais de temps en temps, on va te les lâcher d'un coup, et tu les vois pas venir. C'est pareil, là, t'as le fameux mouvement de caméra qui te montre d'où vient l'ennemi. Oui. Il y est pas toujours. Des fois, tu l'entends, mais tu sais pas où il est. Tu sais pas d'où il va venir. Donc... Oui, t'entends des bruits de pas. Je pense qu'à la base, c'est un système qu'ils ont mis en place pour justement essayer de jouer avec ça, essayer de te donner une habitude, puis de casser cette habitude. Mais c'est pas assez visible et clairement pas assez utilisé assez souvent. Du coup, ça rend beaucoup de combats très répétitifs. T'entends le vent se lever, tu sais qu'il va y avoir... un groupe de deux ou de trois ennemis. Tu sais que s'il y a trois ennemis, il y en a forcément un quatrième qui va arriver de derrière toi, parce que les ennemis ont tendance à tout le temps avoir le même comportement, c'est-à-dire essayer de passer dans ton dos, là où la caméra, voilà, en dehors du champ de vision de la caméra. Mais l'IA est un peu conne et très vite, t'arrives à t'en sortir et à savoir... tu sais que t'as juste à faire un 180, et va y avoir un ennemi derrière toi et tu mets le balle dans la tête et c'est fini, quoi. Donc je suis assez d'accord, mais d'un autre côté je comprends la raison pour laquelle ils ont essayé de le faire, et il y avait un début de bonne idée à la base. Ah oui, clairement, ça oui, tout à fait. Et toi Issam, du coup? Oui, non, moi je vous écoutais parler, il n'y a pas de souci. Moi j'ai bien aimé, alors je vais avoir un avis similaire au vôtre. Effectivement, le gameplay est parfois répétitif. Effectivement, c'est encore plus frustrant quand on fait les chapitres 7 et 8, les deux DLC, parce qu'ils sont remplis de super idées, que ce soit de gameplay ou même visuel, mais qui ne sont pas vraiment exploités dans le reste du jeu, alors que ça l'aurait mérité. Les problèmes de rythme, les problèmes peut-être avec l'asthme un peu trop présent, où il s'épuise vraiment trop vite, c'est un peu réglé, je trouve, dans American Nightmare. Mmh. Ouais. Qui est mieux rythmé, déjà. Mais, donc voilà, c'est un jeu répétitif, c'est un jeu qui a des défauts. En effet, les ennemis, bah, finalement, vu qu'ils n'ont pas de comportement très différent les uns des autres, c'est un peu toujours la même méthode, c'est-à-dire on les éclaire suffisamment longtemps et après on leur tire dessus. C'est un côté mécanique. Oui. Mais c'est un jeu que je trouve au final tout de même réussi. L'histoire a des longueurs et a des moments où au contraire on a l'impression que c'est un peu rushé parce qu'en effet il doit manquer des phases qui auraient dû être développées, mais elle reste intéressante dans ce qu'elle raconte, dans le personnage d'Alan, dans la manière dont il découvre le complot et l'univers de Cauldron Lake. Je trouve ça plutôt réussi. J'aime bien la manière dont ça joue avec la lumière, même si là aussi, en effet, ça aurait pu être enrichi, mais je trouve que ça permet de guider un peu quand même notre regard avec les pages blanches qui brillent beaucoup pour nous attirer, avec les lumières qu'on voit briller au loin, qui sont parfois ce qui nous attire quand un combat est trop difficile et qu'on se dit « bon, bah celui-là, je vais essayer de le fuir plutôt que de bourriner ». Ce qui surtout en mode difficile est un peu obligatoire des fois parce que de toute façon on n'a pas assez de munitions pour tout. Ouais. Il y a aussi des pièges qui sont un peu créés avec ça, avec des fois des lumières qui sont là mais qui se brisent au moment où tu arrives à proximité. Donc ça, je trouve que ça en joue un peu. En effet, les objets possédés, pour moi, je trouve que c'est l'enfer. C'est la mécanique que je trouve la plus pénible dans le jeu. Surtout dans les passages où t'es obligé de t'en faire plein et d'en éteindre, d'en éliminer 15 d'affilée, souvent t'en peux plus. Oui, oui, d'accord. Bah, y a une technique, mais... hein, c'est les grenades flash, ça marche très bien, mais faut les garder pour ça. Ouais, faut en avoir assez, quoi. Ouais. C'est ça. Et en mode cauchemardesque, t'es obligé de garder toutes tes grenades flash de tout le niveau juste pour les phases avec les objets possédés, quoi. C'est... Ouais, il y a un niveau où j'avais pas pensé à le faire et j'ai passé une heure pour passer le pont parce que je recommençais plein de fois et j'allais à deux à l'heure parce que sinon ça marchait pas. Ah voilà. À l'enfer. Le pont, t'as les objets possédés, t'as les grilles du pont qui s'écroulent, alors y a rien qui va. Ouais. Il est infernal ce passage. Non, le passage mais sous voilà. Le pont ferroviaire, il est horrible. Hein. Mais le jeu est cool quand même, mais j'aime bien ce qu'il raconte. Je trouve pour le coup qu'il y a une certaine intelligence dans la manière de mêler le gameplay autour de la lumière et le récit aussi très autour de la lumière et de l'ombre. À ce niveau-là, c'est plutôt intelligent. Effectivement, ça aurait mérité aussi... les deux idées que j'aurais aimé voir plus développées, c'est ce qui concerne les objets que tu peux créer ou activer avec ta lampe torche, comme il y a beaucoup, notamment dans le premier DLC. Et une plus grande variété d'ennemis, comme il y en a un peu dans American Nightmare ouais. Où il y a quelques ennemis supplémentaires qui s'ajoutent, que ce soit certains qui sont des énormes sacs à PV, les ennemis qui se divisent, ou ceux qui se transforment en oiseaux. Ouais. C'est intéressant, et on aurait aimé les voir dans le jeu principal avec encore plus de diversité même. Il y avait vraiment de quoi développer des trucs cools, je pense, autour de l'ombre. Ouais. Mais du coup, cette variété des ennemis dans American Nightmare, je trouve, fonctionne, parce qu'American Nightmare est beaucoup plus pensé et orienté vers l'action avec un plus gros lot d'armes et tout ça. C'est vrai, mais ça aurait été utilisable quand même dans un jeu orienté survie. Oui. Oui, mais de toute manière, American Nightmare, c'est vraiment l'étape entre Alan Wake et Control. Enfin, tu vois que Control, c'est l'aboutissement de oui. Tout ce qui a été reproché à Alan Wake, puis à Quantum Break, en fait. Pareil, Control, il y a un nombre de types d'ennemis différents, de variétés dans les ennemis qui est assez impressionnant. Ils ont tous une façon d'être combattus. Donc t'as un peu ce truc de la philosophie à la Doom, c'est-à-dire une arme pour chaque ennemi, tu vois. Et ça marche très bien sur un jeu d'action, c'est ce qu'il faut faire. Et peut-être que là, sur le premier Alan Wake, ils avaient encore le cul entre deux chaises, entre est-ce qu'on fait un survival horror ou est-ce qu'on fait un jeu d'action. Et peut-être que c'était aussi source de conflit, parce qu'il y a eu pas mal pendant le développement de conflits avec Microsoft, hein, ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'ils voulaient faire. Hein. Et ça se sent peut-être, c'est peut-être ça qu'on ressent dans les fautes de rythme, dans le côté cul entre deux chaises. Quoi. Est-ce que le cahier des charges imposé par Microsoft n'était pas un peu trop pesant quoi? Bah, je pense qu'ils ont surtout trop pressé niveau temps, peut-être. Ouais, temps, mais je pense... ils n'étaient pas d'accord sur la vision. Microsoft voulait un survival horror, ils voulaient un Silent Hill, je pense, Microsoft, ou un Resident Evil. Ils voulaient leur licence horrifique. Ouais, c'est ça. Surtout qu'il n'y avait que ça qui cartonnait à l'époque. T'avais du Dead Rising, t'avais les Resident Evil 5 et tout. Donc, je pense qu'ils n'étaient vraiment pas d'accord sur, sur quoi faire, quoi. Il y avait probablement un mélange à trouver, hein. C'est juste qu'il y a des trucs, comme tu dis, qui ont été trop rushés. C'est vrai que, par exemple, la diversité des armes, enfin, il n'y en a pas 150, mais il y a quand même plusieurs armes différentes dans le jeu, mais elles reviennent toutes plus ou moins au même. Ça change un peu le nombre de balles à mettre par ennemi et le nombre de munitions, mais au final, il n'y a pas de différence de gameplay majeure selon que tu aies le fusil à pompe ou autre chose, ou le fusil de chasse. Ouais, puis par exemple, on te fait upgrader les lampes torches de plus en plus grosses. Bah, ça aurait été bien, je sais pas, de tomber un moment sur une lampe frontale, ce qui te laisse une deuxième main pour prendre deux armes, par exemple. Oui. Ça devient un film de John Woo. Ou un feu à main et une arme. Non, mais voilà, ça, quand on connaît les origines très jeu de tir de Remedy, on se demande comment ils ont fait pour faire un jeu où ton arme principale, c'est un 6 coups super lent. Oui, c'est ça. Alors, il y a des super bonnes idées. Par exemple, le fait de tapoter le bouton pour mettre les balles plus vite dans le barillet. Ça, je trouve ça génial, parce qu'en termes de sensation, t'as vraiment l'impression de claquer vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas exploité plus que ça. Et il y aura eu de quoi te faire tomber. Alors oui, c'est pas un FPS militaire. Tu vas pas trouver une AK, voilà. Mais t'as littéralement un ravisseur, un kidnappeur dans l'histoire. Pourquoi il a pas une arme vraiment plus élaborée que le fusil de chasse ou le revolver à papa, quoi? Oui, voilà, c'est ça. On demande pas à avoir un lance-roquette, quoi. American Nightmare avait réglé aussi ce problème, hein, en mettant plus d'armes différentes. T'avais le fusil à clous, par exemple, qui était une très bonne idée. Enfin, le pistolet à clous, ça marchait très bien. Qui est plutôt une bonne arme, en plus. Ouais, qui est une super arme, qui est une arme très puissante dans le jeu. D'ailleurs, il l'a sur la cover du jeu, je crois. Ouais. Mais en soi, American Nightmare, même dans sa structure, est plus ouvert, puisque bah, c'est à chaque fois, c'est une grande zone que tu vas visiter avec plusieurs points d'intérêt et tout. Donc tu sens qu'ils essayent de retester aussi ce que ça peut donner en monde ouvert. Et Control, c'est l'aboutissement de ça, parce que c'est un Metroidvania gigantesque, en fait. Donc, ouais, t'es dans un bâtiment, c'est ça? Ouais, t'es dans un bâtiment, donc c'est très vertical. Donc t'as ce qu'ils voulaient essayer de faire déjà avec les montagnes. Et les chemins de trek dans l'open world Alan Wake tel qu'il était envisagé à la base. Donc non, en vrai, tu vois que c'est un bon studio dans le sens où tout ce qu'on est en train de citer comme défaut d'Alan Wake, c'est des trucs qu'ils ont corrigés dans leur jeu d'après, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui rend d'autant plus curieux de faire Alan Wake 2... Ou Control, hein. Pour voir si... Ou Control, effectivement, oui. Déjà, le DLC Alan Wake de Control est vraiment très bien. Ça fait plaisir quand t'as fait le premier Alan Wake après toutes ces années de... Voilà, de rentendre parler de Brightfall, de rentendre la voix d'Alan et tout. Ouais. Ouais, c'est un petit quelque chose. Et puis, j'attends... Malheureusement, j'ai pas de PS5 ni rien pour faire Alan Wake 2. J'ai pas le PC pour... J'essaie de le faire tourner sur mon PC, mais il tourne à 10 images secondes. Alors, j'ai déjà fait Max Payne comme ça à l'époque, merci. Hein, je veux pas me réimposer ça. Donc, voilà. Tu te l'es pris quand même, pour le coup, par contre. Ouais, je l'ai pris parce que... Ouais, je l'ai acheté parce que bah, je voulais soutenir le studio aussi. Parce que la dernière fois j'ai acheté Alan Wake, ça a pas suffi à avoir un 2 rapidement. Bon bah là, apparemment Alan Wake 2 c'est pas beaucoup plus vendu que le premier. Il aurait fallu que t'en achètes 50 000 exemplaires. Ah voilà, j'en ai acheté un. C'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fait mon job, mais je l'ai toujours pas fait parce que j'ai pas le matos pour y jouer quoi. J'attends d'avoir un PC un peu plus puissant. Et comme je suis youtubeur indépendant, n'est-ce pas, va falloir attendre un petit peu. N'hésitez pas à aller soutenir Punky. Exactement. Voilà, le temps que nous on fasse notre Patreon, peut-être à l'épisode 200 j'aurais fait Alan Wake 2. Écoute, on s'y retrouvera. Oui, on s'y retrouvera. Peut-être qu'il sortira sur Switch 2. C'est peut-être ma meilleure chance. On parlera de Control et de Alan Wake 2 cette fois-ci. Ouais, carrément. Non mais oui, vraiment un grand jeu. On a parlé là, clairement, on a mis plus en avant là les dernières minutes, les défauts. C'est quand même un jeu qui est aussi blindé de qualité. Typiquement, ouais. Son travail sur le son, je trouve, qui est incroyable. Quoi. Les passages où t'es en forêt, le bruit des feuilles, les bruits du vent qui claquent dans les feuilles, c'est vraiment incroyable. Hein. Le travail sonore, les ennemis qui t'approchent dans le dos, t'entends les bruits des pas dans l'herbe. Ah ouais. Il y a vraiment un énorme travail sonore qui est fait sur le jeu. Ah, les cris des possédés oui. sont, et le bruit oui. qu'ils font quand tu commences à les brûler, enfin même tout le visuel, les effets de particules sur les ennemis, voilà, j'ai dit que l'IA elle était con, mais elle est assez intelligente parfois pour te foutre un peu les miquettes quoi, quand tu connais pas bien le jeu, donc je pense que visuellement c'est un jeu qui est encore très valable aujourd'hui hein, quand t'es ah oui. dans les chapitres. Alors deux jours c'est un peu plus voyant que voilà, c'est un jeu qui est de 2010 oui. c'est ça avec son âge voilà, mais quand tu te balades dans la forêt la nuit avec les effets de vent, de brouillard, de la lumière de la lune, les lumières au loin, tout les silhouettes des arbres en fait hein. Mmh. C'est vraiment, ils ont un moteur pour générer des silhouettes d'arbres quand t'es un peu loin qui sont voilà, c'est, je pense que c'est très quali à ce niveau-là, et ça n'a pas bougé, c'est encore impressionnant aujourd'hui. Alan Wake 2, de ce que j'ai vu, est très beau aussi, mais là, c'est un jeu qui n'a pas besoin d'être tout le temps réaliste à mort, juste par son ambiance, ses couleurs, voilà, sa colorimétrie, c'est brillant, quoi, ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un travail d'orfèvre, et ça se voit qu'ils avaient une très belle vision des univers qu'ils avaient envie de porter sur console, quoi. Oui, c'est ça. Ça se voit, ils savaient dans quelle direction ils allaient, et c'est pour ça que c'est maîtrisé. Salut. Ça va ? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas ! On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur ? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Qui t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Par rapport à l'IA, j'ai du mal à me rendre compte. Elle est con vue aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est aussi un peu con pour une IA de 2011 ? Il y avait des IA plus cons en 2011, hein, clairement. Il y avait des IA qui étaient très cons. Mais là, en fait, c'est une IA qui fait bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire essayer de te surprendre en te tapant derrière l'épaule, tu vois. Voilà, elle est peut-être un peu mécanique, mais je trouve qu'elle s'en sort pas voilà. si mal au global. Et puis en termes de combat, à part contourner, elle est bête, elle sait rien faire à part attaquer oui. plein fouet, te lancer des trucs. Oui. Il y a une esquive qui est intéressante, il y a un jeu avec l'esquive qui est très intéressant et qui est très gratifiant quand tu le réussis parce que t'as un petit slow motion et tout. Mais en dehors de ça, elle est intelligente en groupe parce qu'elles essayent de t'encercler, tu sais, de se resserrer comme un étau sur toi ouais. pour que tu puisses plus bouger. Donc elle est intelligente dans ce qu'elle fait. Après, le truc, c'est comme on a dit, quand tu la connais, l'IA, tu sais exactement, tu peux faire du crowd control, tu vois. Et d'ailleurs, Alan Wake American Nightmare, le mode arcade, c'est que ça. C'est faire du crowd control avec l'IA con d'Alan Wake qui essaye juste de t'entourer. Et toi, tu vas juste essayer de jamais te laisser prendre dans le filet, en fait. Tout le temps en reculant, en faisant quelques mètres en courant, pour prendre un peu de distance, etc. Donc, t'es vraiment face à une IA de zombie. Mais une bonne IA de zombie, quoi. Mmh. C'est déjà le cas dans... Dans le mode normal d'American Nightmare, qui est de base beaucoup plus orienté action et où c'est plus dur de fuir. Ouais. Donc on est obligé de faire un peu du crowd control. Mais c'est pas parce que l'IA est con que c'est un défaut, tu vois. Je veux dire, non, clairement pas. Moi, un de mes FPS de cœur, c'est Serious Sam. Il n'y a pas plus con que l'IA de Serious ah, Sam. Ah oui, hein. On est d'accord. Des ennemis voilà. Qui te foncent dessus littéralement en gueulant, effectivement, on peut pas faire plus con. Ah ouais, ouais, mais même les scorpions, tu sautes, ils savent pas quoi faire en fait, ils savent pas lever la tête en fait. Donc, mais c'est une IA qui est très dans l'ADN, je dirais, proche de Doom en fait, ce genre d'IA, c'est des IA qui sont purement fonctionnelles. T'as déjà un petit peu ce truc de, bah, il y a certains ennemis un peu plus gros, tu vas plutôt utiliser ton fusil de chasse dessus. Il y a une localisation des dégâts, tu peux tirer dans la tête et c'est beaucoup plus efficace. Ouais. Il y a aussi de la ragdoll, c'est-à-dire que quand tu les tues, pendant qu'ils se désintègrent, ils ragdollisent. T'as vraiment des mécaniques qui sont classiques des jeux de ces années-là, qui sont aussi héritiers de Doom en termes de... Voilà, de classement de type d'ennemis, on va dire. Et c'est propre, quoi, mais c'est pas l'IA qui va... L'IA aurait été plus intelligente, je pense que ça aurait pas amélioré le jeu pour autant. Ça aurait été peut-être même trop... Je pense que des fois, quand tu développes un jeu, c'est essentiel même de rendre l'IA plus bête que tu peux la faire, en fait. Oui. Parce que pour la compréhension... Oui, pour qu'elle fasse la bonne chose, ouais. Ouais, et puis même pour la compréhension du joueur... Justement, c'est ça qui est aussi jouissif en mode cauchemardesque, c'est que quand t'as compris les routines de sound design qui annoncent les ennemis, quand tu as compris que, bah tiens, s'il y a un ennemi qui sort d'un buisson, ça veut dire qu'il y en a deux autres derrière moi, etc. Et en fait, ça t'aide, et il y a une certaine satisfaction à masteriser ça aussi, et c'est pour ça qu'on aimait jouer à Max Payne aussi, hein. C'est la satisfaction de vider une salle proprement, en ayant esquivé toutes les balles, voilà, il y a un peu de ça dans Alan Wake aussi. C'est ça, en sautant partout. Ouais. Bon, Alan Wake, lui, il s'est moins sauté. Par contre, le saut, c'est vraiment le... Ils ont raté ce bouton. Voilà, vous aviez trois boutons de bon sur les quatre, mais le bouton de saut, c'est raté, les mecs. Hein. C'est... Ah oui, c'est autant ne pas... Autant, en fait, ne pas en mer. Ah ouais, bah, en fait, je pense que... On va dire que c'est parce qu'il est pas habile. C'est un auteur, il sort pas beaucoup de chien. C'est un bouton de... C'est vraiment un bouton pour te sortir de la petite marche qui t'empêche de passer, mais c'est pas un vrai bouton de saut. Hein. Tu fais pas de la plateforme avec ça. Hein. Ah non, bah oui, puis heureusement qu'il y en a pas d'ailleurs. Parce que... Et il y en a pas, ils sont vraiment conscients que... voilà. Ils ont bien compris. Par contre, moi j'adore, c'est le bruit quand tu tombes d'un peu haut et que tu prends un peu de dégâts, c'est le bruit des talons sur le sol où tu sens que vraiment, Alan il s'est éclaté les chevilles, tu vois, vraiment... Ah, il a pas des chevilles en acier, hein. Non, mais même les douleurs, voilà, les douleurs ressenties font très terre à terre dans le jeu, donc ça tu restes dans ce truc de bah je suis un putain de gars en tweed perdu au milieu de la forêt, quoi. Ah, puis quand il prend un coup dans la gueule, tu le sens, quoi. T'as un petit effet sur l'écran, le travail sonore, ouais. Encore une fois, oui, tu sens vraiment l'impact des coups, tout comme tu sens l'impact des tirs qui touchent les ennemis. Puis la respiration d'Alan quand il commence vraiment à plus pouvoir sprinter. Il a vraiment des... Tu sens qu'il y a un passif de fumeur ou d'alcoolique, tu vois. Genre, il est vraiment en mode... tu souffres pour lui, quoi. Et, pour le coup, là-dessus, c'est très réussi. On l'apprend hein, au fur et à mesure du jeu que, bon, niveau santé et hygiène, surtout. Hygiène de vie, ouais, il est pas ouf. Il est pas au top, hein. Ouais, ouais. Il vient de passer une semaine entière à ne faire qu'écrire aussi, ça n'aide pas. Ah, c'est ça, hein. C'est un vrai héros de Stephen King. La gestion des fois de l'absence, enfin du fait que nos batteries de lumière arrivent à plat ou que nos balles arrivent à plat, ça donne des passages assez tendus des fois, qui marchent plutôt bien. Il y a vraiment des moments où c'est volontaire de te laisser quasiment sans batterie dans ta lampe, par exemple. Et où tu dois temporiser. Ouais. Ouais. Ou fuir. Tu dois temporiser un maximum ou fuir. Effectivement. Ou fuir, des fois, c'est vraiment nécessaire de fuir, ouais. Et pour le coup, c'est ça que j'apprécie, par contre, dans Alan Wake, c'est-à-dire il y a énormément de jeux, que ce soit avant ou encore aujourd'hui, où tu vas te retrouver sans armes, et au fond de toi, tu sais qu'en fait, ça va être une phase, du coup, où il n'y aura pas d'ennemis. Ouais. Dans Alan Wake 2, dans Alan Wake, ça n'existe pas. Tu vas te retrouver un peu désarmé, bah, t'inquiète pas, t'auras quand même des ennemis. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que... C'est vraiment calme, mais ça joue bien des deux, tu sais jamais à quoi t'attendre, voilà. À ce niveau-là. Et puis ça te décrit une nouvelle façon d'utiliser encore une fois les outils que t'as à ta disposition. La lampe torche ne sert plus qu'à enlever la matière noire, elle sert aussi à repousser les ennemis, leur faire un pas en arrière. Les feux à main c'est pareil, c'est pas que pour lancer vers un groupe d'ennemis. Non, en fait tu peux marcher avec ou la laisser derrière toi quand t'es en train de fuir pour mettre quelque chose dans le passage des possédés qui sont à ta poursuite. Il y a une vraie intelligence hein, là-dessus, et je pense que ça, c'était... Il a autant de qualités que de défauts, ce jeu, je pense. Il a même des qualités qui sont plus impressionnantes que ses défauts, qui sont des défauts classiques de jeux vidéo de cette époque-là, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Exactement ça. Oui, qui sont liés à des bonnes idées sous-exploitées, mais il y a quand même la bonne idée de base. Donc, c'est ça. On peut parler du coup du fait qu'on va passer une bonne partie du jeu à récolter des pages de manuscrits, et ça, je trouve que c'est intelligemment géré, parce que les pages de manuscrits vont... on les récolte pas dans l'ordre de l'histoire, et elles vont être de différents types. Il y en a qui nous annoncent des événements futurs, mais qui des fois arrivent un bon moment après. Ouais. Des fois, elles annoncent juste des trucs qui arrivent à d'autres personnages à peu près simultanément, et donc ça nous permet de suivre Barry, de suivre Sarah pendant que nous, on est tout seul dans la forêt. Ça nous annonce la fin de certains personnages aussi, par moment. Ouais, ouais, ouais, la mort de personnages. C'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, selon si tu fais le jeu, en prenant le temps d'écouter... Parce qu'en plus, c'est Alan Wake qui lit les pages, donc t'es même pas obligé de prendre le temps de les lire, tu peux juste les écouter. Et en fait, quand tu fais le jeu... Moi, la première fois que je l'ai fait, j'ai tout écouté et tout. Et je me souviens que ça avait créé des moments d'attente presque sur des trucs qu'on t'annonce. Genre le bulldozer, qu'on t'annonce quand même très longtemps à l'avance. Au point que tu l'oublies, en fait, et que quand il repop, enfin quand il pop pour la première fois, tu fais « Ah mais oui, on me l'avait dit et je me suis fait quand même avoir », tu vois. Et j'aime bien comment il joue avec ça en termes d'écriture, je trouve ça très malin et très ludique. Ouais, d'accord. Ça peut créer de l'inquiétude pour les personnages secondaires, justement, quand ça nous annonce qu'ils sont dans une situation un peu difficile et qu'on les revoit pas avant un petit moment. Ouais. Oui, notamment le moment où on laisse Barry au commissariat et où tu suis un peu ses aventures, mais via les manuscrits, oui. Ouais. Donc oui, ça c'est une très bonne idée. Encore une fois, évidemment, c'est aussi lié à ce que raconte le jeu, à l'histoire du jeu, mais c'est une très chouette mécanique pour créer de l'attention. Oui. Ouais, j'espère que c'est conservé dans le 2, ça. Je ne sais pas, pour le coup, effectivement. Ouais. J'ai hâte de voir, pour le coup, je me suis pas renseigné là-dessus, mais c'est un des trucs d'Alan Wake, pour moi, qui fait partie de l'identité du jeu. D'avoir... Ouais, pour moi aussi. C'est presque un roman jouable, avec différents paramètres à certains moments, tu vois, enfin, c'est très particulier, mais ça rend le jeu assez unique. Et, ouais. Et je pense que en ne prenant pas le temps... au moins d'en lire quelques-uns, alors pas tous, mais au moins d'en parcourir quelques-uns quand on les trouve, on se prive d'une couche, en fait, d'une surcouche. Ah bah oui, clairement. Oui, clairement. Et ouais, mais faut quand même l'avertir pour les gens qui voudraient le faire, parce que maintenant, des collectifs comme ça, avec de la lecture, on en a des... Enfin, tous les jeux le font, et on les lit plus, tu vois. Si on n'a pas le magnétophone qu'on peut avoir pendant qu'on joue, c'est-à-dire la lecture de l'audiologue se fait pendant qu'on continue notre partie, on passe zéro temps dessus, quoi. On va pas lire les mails. C'est vrai que les audiologues n'étaient pas encore à la mode, encore, à ce moment-là. Ça arrivait. Enfin, c'est BioShock qui les a mis, mais donc c'était un an avant, ouais... c'est clair que ça fait partie de ses premiers jeux qui a utilisé ce collectif comme étant... de la narration, quoi. De la narration, de la vraie narration, et pas juste du lore supplémentaire, pas obligatoire. Mais vu comment on consomme ces audiologues maintenant dans nos jeux vidéo, je préfère toujours avertir que dans Alan Wake, ils ont, une vraie importance, quoi. En fait, au même titre que BioShock, pour citer celui que tu as cité avant, ça fait partie de ces jeux qui nécessitent quand même, pour le joueur, de s'investir vraiment. S'il veut connaître vraiment tous les aboutissements de tout ce qui se passe dans le lore, quoi. C'est pas le jeu qui te crache toutes les informations de lui-même et où t'as rien à faire. Ouais, il y a des choses que tu comprends pas forcément au premier run. Et d'ailleurs, il y a des pages de manuscrits qui sont accessibles uniquement dans le mode le plus difficile. Donc il y a un petit intérêt à refaire le mode le plus difficile ou à commencer par celui-là. Déjà, je pense que le jeu est réglé pour ce mode. Vraiment, l'IA des ennemis, elle est vraiment réglée pour ce mode aussi. Les manuscrits, si vous faites le jeu sans, ça va être un jeu de tir intéressant, avec un scénario pas mal, mais vous n'allez pas tout comprendre et vous n'allez pas avoir certaines subtilités. Vraiment, le découvrir avec les manuscrits, c'est sans doute la meilleure façon de le faire. Ouais. Ah, typiquement, tu ne lis pas les manuscrits Bah, tu ne sais même pas qui est Thomas Zane. Majoritairement, c'est via les manuscrits. Oui, c'est vrai que Zane est un personnage assez obscur sans les manuscrits, oui. Ouais. Ah, tu le rencontres que 3-4 fois dans le jeu et tu peux ne pas faire le lien. Bah oui, voilà. Entre le scaphandrier et... Il est beaucoup évoqué par Cynthia, quoi. Ouais, voilà. Et même, comme tu dis, quand on laisse Barry au commissariat, tout ce qui lui arrive est presque aussi intéressant, voire plus intéressant que ce que toi, tu fais dans ton propre coin de forêt à côté, quoi. Ça incite pas mal à fouiller les niveaux et donc à rencontrer plus d'ennemis parce que pour les pages de manuscrits comme pour les thermos de café, c'est assez régulier qu'il y ait des ennemis à proximité. Et que donc finalement, tu sais que ça va t'attirer dans un piège d'aller récupérer la page de manuscrits, mais en même temps, ça te dévoilera un peu du lore et c'est important. Bah oui. Sarah faisait confiance à son instinct qui lui disait que Nightingale était un salopard. Il pue Elvis. Et pas seulement la vieille vinasse, c'était la façon dont il montrait son insigne, essayant d'en imposer, son regard lorsqu'il attendait des réponses. Où était Alan Wake? C'était quoi cette histoire d'accident? Où était sa femme? Et surtout, pourquoi avait-elle laissé partir Wake? Il n'avait pas voulu répondre à ces questions. Mission fédérale, c'est tout ce qu'il avait dit. D'ailleurs, les passages en forêt, je pense que c'est dans les passages en forêt que j'ai loupé le plus de collectibles, notamment les thermos de café, parce que dès qu'il n'y avait pas une lumière pour m'orienter, j'avais quand même tendance à bien me perdre, moi, hein, on va pas se mentir. En même temps, ton sens de l'orientation... les arbres, ça se ressemble. Le gros plaisir, je pense, c'est de se faire une seconde run thermos, et en fait, plutôt que de suivre l'objectif, tu vas faire que sortir des sentiers battus, et en fait, tu vas visiter les forêts, tu vois, que t'as traversées. Et là, il y a une vraie tension. Parce que des fois, comme tu dis, t'as des thermos autour, il y a des ennemis. Mais des fois, il y a des endroits où il y a juste des ennemis, il n'y a pas de thermos. Oui, t'as rien. Donc, quand t'avances dans cette forêt, déjà, le sound design, dès que tu sors des sentiers, le sound design, il s'intensifie à mort au niveau du vent, au niveau des feuilles et tout. La luminosité baisse parce que t'as plus aucune source de lumière et tout. Et t'as la triche de monter la luminosité de ta télé, hein, ça marche. mais généralement, t'avances à la lampe torche, vraiment, tu pêches à la lampe des bouts de page et des bouts de thermos. Et franchement, c'est une expérience qui est agréable en soi, sans, en dehors de toute considération scénaristique ou quoi, juste en termes d'ambiance et de t'immerger dans un jeu. Et c'est aussi c'est là où tu regrettes un peu le côté peut-être open world, hein. C'est que il y a des jeux où juste se balader c'est agréable, et je pense que si Alan Wake avait été open world, ça aurait été de ces jeux où juste tu le lances pour te promener, tu vois. Juste pour l'ambiance, ouais. T'as aussi ce plaisir de la découverte, hein, des fois, de tomber sur un petit cabanon abandonné avec des trucs dedans. Un petit peu de narration environnementale, quoi. Ça fait jamais de mal. Oui. Avec les tags jaunes qu'on trouve un peu partout. Oui. Il y a ça, il y a les comment on appelle ça, les watchtowers là, les espèces de tours de guet dans lesquelles tu peux monter. T'as toujours un petit lit, une radio, parfois des piles pour ta lampe. Tu sens que il y a un vrai travail aussi dans les intérieurs et tout, les chalets, le trailer park avec tous les mobilhomes et tout, le lodge avec le grand ours. Enfin, tu vois, il y a tout ce folklore américain qui est vraiment très bien décrit, très bien mis, en termes d'immersion, vraiment, c'est parfait, quoi. Bah, rien que le premier lieu que tu visites quand t'arrives dans le café avec... Le dîner. Avec les deux vieux du groupe, le jukebox dans le fond, ça fait typiquement... C'est celui Twin Peaks, hein, clairement. C'est ça. Oui. Non, là-dessus, c'est du sans faute, hein. C'est clair. La ville, on aurait aimé d'ailleurs plus la visiter, je trouve. Oui, limite. Hein, on passe du temps aux environs, il y a la mine, il y a le camping, il y a des trucs comme ça, mais dans la ville elle-même, il n'y a que le chapitre 5 où on est avec Sarah qui s'y déroule. Et majoritairement, on la voit de nuit. Ouais. Oui. J'aurais bien voulu l'explorer de jour avec des passants, voir les gens, et voilà. Oh bah les moments d'exploration, on la voit que de nuit même, on n'explore jamais de jour la ville. Ouais, on en explore un gros bout vers la fin du jeu, et on passe dans l'église et tout, on voit le fameux carrefour qu'on voyait dans tous les trailers et qu'on voit dans l'intro avec le char, avec le, l'énorme l'énorme cerf dessus. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé la, la station service aussi qui est dans le premier chapitre. Quand tu, le premier objectif c'est de rejoindre une station service depuis la forêt et tu la vois pendant tout le chapitre briller au loin. Et quand tu y arrives, il y a une espèce de waouh, de la vie, tu vois. Ça de, y est, et puis t'as le côté ça y est, j'y suis arrivé quoi. C'est ça, et en fait tu rentres dedans, il y a personne, et on te met un épisode de la zone X. Ah oui. Donc t'es encore plus en flip, tu te dis oh là là, je suis encore moins rassuré que quand j'étais dans la forêt. Ah, c'est la conclusion du chapitre 1, oui. Ouais, ouais, le chapitre 1, pour le coup, il est sans faute. Là-dessus, ils ont bien géré leur rythme. C'est à partir du 2, 3, 4 que... Et après, à partir du 5 et les chapitres suivants, ça va. Mais c'est vrai que chapitre 2, 3, 4, c'est... Ah, le 4, je le trouve plutôt solide aussi. Ouais, après, oui, on peut revenir un peu plus sur chaque chapitre, brièvement, mais individuellement. Le chapitre 1, donc, c'est celui où on rencontre un peu la ville... où on se fait piéger, du coup, c'est pas la bonne personne qui nous donne les clés du chalet où on devait aller, et c'est pour ça, c'est ça le piège initial, on se retrouve dans amené, un chalet qui n'existe pas, en réalité, sur le lac. Oui, ça aussi c'est bien amené, c'est le cliffhanger du chapitre 1. Ouais. C'est ça. Et du coup, Alice disparaît dans le lac, Alan plonge pour essayer de la récupérer, et se réveille dans la voiture accidentée, et il y a tout ce chapitre, en effet, où il y a la tension, déjà, depuis combien de temps est passé, comment on s'est retrouvé dans cette voiture qu'est-ce qui s'est passé? Il est très réussi à ce niveau-là, en effet. Parce que tu te poses mille questions, quoi. Ouais. Et puis, tu découvres la forêt. Il y a un chapitre introductif au début du jeu qui est un cauchemar d'Alan Wake avec l'autostoppeur et le phare. Oui. Qui est déjà une note d'intention sur les thématiques du jeu. Mais dans ce chapitre, il n'y a pas de forêt. Tu commences à avoir des forces, tu vois un possédé et tu vois le vent la tornade qui ravage tout sur son chemin, mais il n'y a pas de forêt. Et quand tu te réveilles dans la voiture, c'est le début des séquences de rando où tu vas être vraiment tout seul avec ta lampe torche dans la forêt et juste perdu à essayer de retrouver un point lumineux au loin, quoi. Et... moi, je sais que quand j'étais petit, je me suis déjà perdu dans des forêts. Je sais pas, quand t'es petit, enfin pas dans une forêt, mais dans un bois, quoi. J'ai déjà eu ce truc de me perdre et de devoir être retrouvé par mes parents à crier « Je suis là !» Tu vois, genre. Et ça ramène à ces peurs-là, je trouve, dans le jeu, très très rapidement, la perte de repères. Justement, il y a des ennemis, on en a parlé, elle fait un coup de filet autour de toi, mais c'est aussi pour que toi, tu sois obligé tout le temps de tourner sur toi-même pour passer d'un ennemi à l'autre, et donc ça te désoriente. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et tu reviens souvent sur tes pas, en fait, dans Alan Wake, sans le vouloir. Et là où dans beaucoup de jeux, c'est chiant, là, ça aide à l'immersion de dire « Ah putain, non, là, je suis en train... Vraiment, je suis déjà passé ici, il fait chier, j'ai l'impression de tourner en rond. » Là, pour le coup, le chapitre 1, ça marche très... C'est un des chapitres où ça marche le mieux, la forêt, je trouve. Après, moi, le truc, c'est que vraiment, j'ai un tellement mauvais sens de l'orientation que même dans... Il y a des chapitres où, littéralement, c'est une route et tu peux aller à droite ou à gauche et je me suis perdu. Issam, j'ai réussi ça. Issam, tu te perdrais dans un escalier en colimaçon. Donc, tu n'es pas un bon exemple. Ça tourne, c'est compliqué. Attends, il faut monter ou descendre, je ne sais plus. Issam, t'es au dernier étage. Ah merde. Mais du coup, j'ai un sentiment ambigu avec le fait de me perdre, c'est que ça me fait moyennement peur, vu que ça m'arrive c'est tellement quotidien. Souvent qu'au bout d'un an, je peux pas en avoir peur tout le temps, tu vois. C'est... le prologue, il sert un peu de tuto en réalité. Oui. Il t'apprend comment tu utilises la lampe, il t'apprend tout ça. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool, tout en posant des mystères futurs. Mais oui, c'est le chapitre 1 où vraiment t'es lâché là-dedans. Qui est assez difficile directement par moment. Enfin, je sais pas si c'est parce que je suis pas super bon en jeu de tir, mais j'ai trouvé que dès le chapitre 1, il y avait des moments pas évidents, même si ça se renforcera par la suite. Après, tu l'as fait en cauchemar direct ? Non, je l'avais fait en normal la D'accord. première fois. C'est seulement à cette partie que je l'ai fait en cauchemardesque. Ouais, même en normal. Hein. Le jeu, parfois, il peut être un peu... Oui, il y a des moments assez corsés, oui. Ouais, je pense que c'est aussi, surtout dans le chapitre 1, c'est aussi une manière de dire, essaye de fuir. Enfin, genre, oui, il veut t'apprendre ça, oui. Il veut t'apprendre que si tu vois une douche de lumière pas loin, ça sert à rien de taper sur les ennemis, vraiment va là-bas, économise tes munitions. Et buter tout le monde n'est pas nécessaire. Et puis après, un peu plus tard dans le jeu, tu fais ça, et puis en fait, la douche de lumière, quand t'arrives en dessous, elle s'éteint. Oui, ça joue des mauvais tours, effectivement. Voilà, et il y a pas mal de petits setup payoff comme ça, avec des mécaniques où ils vont un peu briser leurs propres règles. Je trouve ça malin. Il y a pas mal de références à King direct dans ce premier chapitre. Oui. Ouais. Bah, y a évidemment la citation qui est utilisée dès l'introduction du jeu. C'est vraiment les premiers mots. Mm. C'est vraiment une note d'intention. Apparemment, ils ont demandé à King son autorisation pour l'utiliser. Il était totalement OK. Après, c'est le seul contact qu'il ait eu avec le jeu. Parce que oui, bon, bah, j'imaginais pas King, plus de 60 ans, se faire une petite partie d'Alan Wake. Bah, pourquoi pas. Pour faire la review sur Twitter. Ça ferait une bonne vidéo, de breakdown YouTube. Stephen King review les œuvres inspirées par ses livres. Oui. Alors autant Alan Wake, ça ira. Autant si on lui fait voir tous les films et tester tous les autres jeux, il va passer un sale moment. Il y a beaucoup de mimiques en fait de son style d'écriture ou de ses styles de personnages qui apparaissent dès le début. Oui. Les archétypes. Bah déjà, on peut parler d'Alan lui-même, hein, qui est un pur personnage de King, d'écrivain qui n'a pas, qui a perdu l'inspiration, et c'est quand même très très régulier les artistes qui ont plus l'inspiration chez King. Mm. Évidemment, Jack Torrance. Qui va s'isoler dans le main pour qui va s'isoler dans le main pour écrire. Donc c'est vraiment. Alors avec un personnage qui s'appelle Pat Maine. Voilà, c'est ça. Je l'ai noté aussi. T'as le personnage de Cynthia Weaver. C'est un classique de chez King, le personnage que tout le monde pense fou, alors qu'en fait, il sait tout. Il détient la vérité, la vérité, c'est effectivement. Alan est à un passé d'alcoolique, en tout cas, ce qui est aussi le cas d'énormément de personnages de King, et de King lui-même, d'ailleurs. Oui. Voilà. Bah, y a la fan un peu trop fan, la serveuse qui clairement pourrait sortir de Misery. Qui est pas loin de sortir, hein, je suis votre plus grande fan. Effectivement, j'ai un accident de voiture, je veux pas la voir. Hein. En fait, il y a plein d'archétypes des bouquins de King qui se retrouvent dans le jeu, et c'est agréable parce que, en fait, quand tu commences à Bright Falls, que t'es sur le ferry, que t'arrives, t'as toute la séquence dans le café, t'as l'impression d'être à la maison, en fait. Oui, c'est ça. Bah, autre rappel de Misery, d'ailleurs, il y a le fait que Alan vient de mettre fin à une série de romans mettant en scène un personnage populaire. Oui, j'avais pas fait le lien, tiens. Alex Casey, et qu'il a tué. Oui. Ouais. A priori, dans The Sudden Stop, Alex Casey meurt, on n'a pas tous les détails, mais voilà. Et du coup, ça rappelle énormément la situation de Paul Sheldon dans Misery, qui vient de tuer Misery. Oui. Ouais. Alors, ça peut être une référence à plein de trucs, mais le fait qu'on arrive en ferry et qui permet d'isoler aussi la ville du reste du monde, c'est un truc qui est très très présent dans un King que t'as pas encore lu, Chris, mais qui est Dolores Claiborne. D'accord. Qui est vraiment celui sur lequel je suis le plus impatient de tomber. Hein. Et puis, dès le tuto, il cite l'autostoppeur, il dit qu'il pourrait sortir de Shining. Oui. Oui. D'ailleurs, il y a un plan similaire avec sa hache où il fracasse une porte. Oui, et c'est là qu'il dit qu'il veut fracasser la porte comme Nicholson dans Shining. Oui, c'est mentionné, ouais. Et clairement, dès le premier... en fait, s'ils se cachent pas, ils mettent vraiment beaucoup, beaucoup de références à King dans le premier chapitre. Presque plus que dans tout le reste du jeu. Oui, je pense qu'il y en a plus dans le premier chapitre. Voilà, le phare aussi. Le phare, il me semble qu'il y a des Stephen King où c'est une figure régulière. Je me demande, c'était pas dans Pearl que j'avais lu ça. C'est pas mal présent dans La Tempête du siècle. Oui, ce que j'allais dire. La Tempête du siècle, c'est un symbole très important dedans. Ouais. Donc voilà, on est clairement le premier chapitre, il donne tout, mais un peu pour dire « Eh, on va pas faire comme si vous saviez pas que c'était ce qu'on voulait faire. » Voilà, comme tu dis, c'est note d'intention, quoi. Dans le reste du jeu, oui, ça sera plus discret, parce que ça sera plus des archétypes qui seront présents. Ouais. Le diner, moi, ça m'a aussi beaucoup rappelé Twin Peaks, mais c'est peut-être parce que j'associe David Lynch au café. Cynthia Weaver, c'est aussi la dame à la bûche, hein, clairement. Oui, complètement, effectivement, oui. Je pense que c'est la garde partagée Twin Peaks, Stephen King. Hein, oui, clairement. Mec, hein, c'est, pour le coup, en fait, tu peux lier un peu tout, hein, l'agent du FBI aussi, qui débarque dans une ville comme ça, c'est très Twin Peaks... Ouais, même s'ils sont peut-être un peu plus... Enfin, dans Twin Peaks, on a dans le personnage principal un agent du FBI qui est plus positif, quoi. Oui, bien sûr, là... mais le côté, voilà, le gars qui se retrouve au milieu de tout ça, ça marche aussi. Et puis quand tu regardes la vie d'Alan Wake, parce que t'as des petites séquences de flashback, je crois que c'est dans le chapitre 2 à New York. Ouais, ça ouvre le chapitre 2. Ouais, c'est oui. Ça. Bah, pareil, ça c'est très King, l'appartement new-yorkais, l'hiver avec la tempête de neige et tout. Il y a déjà un truc glauque. Le lendemain de cuite. Voilà. Des gens de la ville bien sous tout rapport qui vont déménager à la campagne, dans une maison, avec un cimetière. Il n'y a pas de chat. Ça manque de chat, peut-être. C'est vrai. C'est vrai que ça manque de... On a les oiseaux, mais j'aurais bien aimé quelques autres animaux, des petits sangliers des sangliers avec des yeux rouges. Oui, dans une des animaux de la forêt, il y aurait eu de quoi faire, largement, ouais. Oui. Ouais, même quelques loups, voilà. Un peu de coup de jo avec des animaux à long croc. Bah, ou même des chiens, parce que c'est évoqué à un moment dans une émission de Pat Mayne qu'il y a un chien qui est devenu enragé, alors en réalité possédé par les ténèbres, mais c'est pas trop réutilisé. Non. Mais c'est évoqué que les ténèbres peuvent posséder les chiens. Je suis curieux qu'on ne croise jamais ce chien en tant qu'ennemi. Ça aurait été une très bonne idée, même en tant qu'ennemi unique comme ça, pour te surprendre. Ouais. Surtout que dans l'émission, c'est jamais vraiment très résolu, c'est-à-dire qu'il perd son chien et puis après on n'en parle plus vraiment. Et c'est dommage qu'il l'ait pas utilisé dans le jeu, ça. Pour les personnages archétypaux, alors qu'ils n'apparaissent pas trop dans le chapitre 1, mais au final, d'utiliser le Nightingale, c'est aussi un personnage qu'on retrouve beaucoup chez King, ouais. Cette idée de l'agent du gouvernement qui clairement trempe dans des trucs pas clairs. Mm. Et à côté de ça, il y a la flic de comté, qui est Sarah, qui est aussi un personnage assez présent chez King. Le fait que les flics de petite ville sont beaucoup plus souvent des personnages pas forcément très compétents, pas forcément très capables face à la menace qu'ils affrontent, mais qui veulent bien faire. Ça peut rappeler des Alan Pangborn et compagnie. Oui, plus empathique. Oui, c'est surtout qu'ils n'ont pas les moyens de lutter. Ouais. Oui, c'est ça. Plus que les compétences, j'entends. Ouais. Bah, et puis c'est des problèmes qui les dépassent largement à un moment. On peut comprendre qu'on soit pas compétent face à des êtres démoniaques. Ah oui, effectivement, oui. Et la dernière grosse inspiration que je voulais discuter un peu, qui est évoquée dès ce chapitre et qui pour le coup est omniprésente, c'est la métaphore du lac comme lieu d'inspiration. Alors pour moi, ça mélange deux choses, parce qu'il y a l'idée que ça crée vraiment les œuvres, que ça peut donner vie aux œuvres, et ça, tu l'évoquais, c'est très la part des ténèbres. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à Bag of Bones, personnellement, la maison sur le lac. Oui, totalement. Oui, il y a ça aussi, effectivement, où on ne sait pas trop ce qui sort du lac, on ne sait pas trop jusqu'à quel point c'est venu de l'esprit du protagoniste, de Mike lui-même. Et ça fait énormément penser, je trouve, aussi à Histoire de Lisée, où il y a complètement un univers qui sert de source d'inspiration à tous les auteurs, tous les créateurs plus ou moins, et qui est un lac. Oui. Et Histoire de Lisée étant sorti quelques années avant, je pense que c'est potentiellement un truc qui avait été lu par Sam Lake. C'est fort possible. Il l'a inspiré. Surtout que clairement, le lac de Alan Wake sert aussi de portail vers quelque chose d'autre, quoi. Ouais. Ouais, j'allais dire, t'as parlé de la part des ténèbres, mais moi, ça m'avait pensé... Alors, vous allez peut-être me dire ça, mais c'était, je crois, Jardin Secret, quelque chose comme ça, avec... oui, qui était une nouvelle dans Minuit. Oui, Vue imprenable sur Jardin Secret, le nom de la nouvelle. C'est ça. Où t'avais déjà un truc avec un auteur qui se dissocie... Oui, effectivement, ouais. Même si, au final, il n'y a pas de dimension fantastique dans cette histoire-là. Oui, c'est vraiment plus psychologique, ouais. C'était plus psychologique, mais ça m'avait fait penser à ce truc-là, parce que le recueil Minuit 2, là, je l'avais quand même pas mal poncé dans ma jeunesse. Parce que c'était, c'était un des qui, même en termes de forme de bouquin, c'est la vieille édition, là, le gros pavé, c'était très attirant en tant qu'objet, du coup... ça fait partie des premiers que j'ai lus, et quand j'ai joué à Alan Wake, j'ai pensé à cette histoire de l'écrivain qui croit que quelqu'un... il croit que quelqu'un en veut à sa famille, et en fait, c'est lui tout seul qui fait tout. Ouais, il croit que quelqu'un lui fait du chantage et l'accuse de plagiat, c'est ça. T'as un peu ça avec le ravisseur dans le chapitre 2 et 3, là, où tu te demandes si le ravisseur, ce serait pas... Ce qui est rigolo, c'est que tu le vois sur le ferry, le ravisseur, au début du jeu. Du coup, il arrive en même temps qu'Alan dans la ville. Du coup, tu peux te demander si c'est pas une création de son esprit, au final. Et ça m'a rappelé un petit peu ça. C'est vraiment un recueil solide, Minuit 2, Minuit 4. Ouais, moi j'avais adoré. En fait, même quand t'es jeune, c'est des nouvelles, donc c'est pas très long. C'est en termes d'investissement, ça se lit tout seul, quoi. Et y avait un petit peu ce côté conte de la crypte, quoi. Oui. Même si l'Angolia, en réalité, c'est un petit pavé, hein, quand même. Oui, bah c'est des on cours, y pense pas, mais... voilà, c'est des romans courts, quoi. Mais quand, ouais. Moi j'aimais bien jeune parce que je faisais partie de ces jeunes qui, bon, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, mais parce que ça m'avait passionné tout de suite, mais j'avais pas lu grand chose d'autre, tu vois. Je lisais pas les bouquins qu'on me filait à l'école, je détestais ça. Je le faisais pas non plus alors que j'aimais lire, hein, t'inquiète. Ah oui. Ouais, voilà, mais parce que on ne conseille pas les bons trucs, mais quand je suis tombé là-dessus, je me souviens, le Minuit 2 et Minuit 4, les avoir relus plusieurs fois, et c'est ça qui m'a introduit à Edgar Allan Poe aussi, je pense, à l'époque, les nouvelles extraordinaires et tout, parce que c'est un format qui est super agréable quand t'es jeune. Ouais, je suis assez d'accord. C'est l'équivalent d'une bonne série, en fait, en bouquin. Mais donc oui, voilà, on a un premier chapitre qui balance nettement toutes ces inspirations, qui les admet, et je trouve ça cool, effectivement, que ça soit aussi clair sur ce à quoi ça veut rendre hommage, mais ce qui a l'air d'être un peu constant dans les jeux du studio, parce que déjà, j'ai l'impression que Max Payne ne se cache pas particulièrement de ses inspirations. Non, clairement pas. Ouais, c'est... Ah, le cinéma hongkongais, John Woo... Alors Matrix, ils disent non, parce que apparemment le jeu était développé pendant que Matrix était... et tourné, les romans graphiques, c'est Sin City aussi, beaucoup, les romans noirs, tout ça, donc. Par contre, j'ai l'impression qu'ils le font beaucoup moins maintenant, s'inspirer d'univers cinématographique. Control, c'est très très original, et en termes d'inspiration, ou alors j'ai pas les refs, mais... C'est quand même relativement nouveau. Quantum Break, bon, à part peut-être Retour vers le futur et des films de voyage dans le temps un peu comme ça, ou de paradoxe temporel, j'aurais fait Papillon, ce genre de choses. Mais pas tant dans le visuel que plutôt dans les tournures scénaristiques et les routines de scénario de ce genre-là. Mais visuellement, j'ai l'impression que ça y est, ils veulent faire des trucs qui n'appartiennent qu'à eux. Même Alan Wake 2 ressemble beaucoup moins dans les trailers et à quelque chose d'inspiré de Stephen King que n'était clairement affiché Alan Wake 1 dès le départ, quoi. Ouais. Ouais, bah, ils ont peut-être trouvé leur univers. Du coup, maintenant, ils veulent développer dans leur propre direction. À la limite, Control, tu l'évoquais, pourrait peut-être s'inspirer plus des nouvelles narrations et notamment tout ce qui est creepypasta du net. Ouais, c'est l'univers SCP, Backroom, tout ça, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Mais je pense aussi que le jeu vidéo, maintenant, t'es plus obligé de t'appuyer sur autre chose pour créer un univers qui attire aussi. Parce qu'on a dépassé ce stade où le jeu vidéo essaye d'être la réalité, essaye d'être des films, essaye d'être de l'animation. Maintenant, on est dans un média qui est son propre truc et... C'est peut-être plus facile de proposer des univers originaux et nouveaux que c'était en 2010, quoi. Oui, tout en étant dans une époque où c'est très dur de créer une nouvelle licence, j'ai l'impression, mais oui, je te rejoins. Ici Batman et vous écoutez KBF FM. Les amis, je tiens à m'excuser de vous avoir laissé avec de la musique en boucle la nuit dernière, mais j'étais retenu. Vous voyez, je suis tombé sur un cow-boy du FBI à la gâchette facile qui mériterait une leçon de politesse et un bon coup de pied au cul. Pas forcément dans cet ordre, d'ailleurs. Je sais, les amis, que ce que je dis ne vous éclaire pas beaucoup, et j'en suis navré. Je ferais mieux de garder ça pour moi. Mais ça me met hors de moi de voir des gens pareils porter un insigne. Et je suis bien content que notre shérif Breaker ait été là pour régler tout ça. Et si la personne que j'ai vue hier soir m'écoute en ce moment... Je tiens à m'excuser si jamais mes paroles vous ont mis dans le pétrin. Je suis sûr que vous n'êtes qu'une victime dans tout ça. Courage, mon gars. J'espère que vous savez ce que vous faites. Bon, À part ça, le docteur Nelson sera avec nous toute la matinée. Et d'abord, un peu de musique. Pour l'histoire, pour faire rapidement, parce qu'effectivement, les chapitres 2 et 3, je suis d'accord avec vous, ils ont des soucis de rythme, notamment le 3. Donc le chapitre 2, il commence au commissariat et après, il va mener à la découverte, à une première confrontation avec le ravisseur, notamment. Ouais. Je trouve que le plus intéressant dans ce chapitre, c'est effectivement le personnage de Barry, parce que ça nous l'introduit, et c'est Barry qui est confronté pour les premières fois aux ombres et qui est encore plus paumé qu'Alan. Je trouve que c'est la dimension la plus intéressante du chapitre 2, moi. Ouais. Ouais, bah de toute manière, tout le plot avec le ravisseur, je trouve qu'il est un peu trop étiré, parce que dès le départ, t'y crois pas trop. Enfin, même moi, ma première run, j'étais là en mode... Bon, soit c'est dans sa tête... Soit c'est bidon. Ouais. Soit c'est vraiment quelqu'un qui essaye de profiter de la situation... Mais y a rien de vrai, Alice est pas avec lui quoi. Clairement, alors on te fait comprendre que oui, il bosse pour Barbara Yeager, mais que voilà, il en sait pas plus sur ce qui se passe quoi. Donc ouais. Je trouve que c'est un peu étiré, surtout que il y a une deuxième rencontre dans le chapitre d'après où tu vas le rencontrer à la mine, et donc on passe beaucoup de temps sur ce ravisseur, alors qu'au final on n'a même pas vraiment son nom, je crois. Mott. Pas dans le jeu principal, je crois. Je me demande si on n'a pas le jeu seulement dans la BD, le nom seulement dans la BD. Si, il me semble que Mott s'est cité. Ah ouais ? Bah, il me semble. C'est peut-être un peu rapide ou ça doit être dans un manuscrit. Et, ouais. Et du coup, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment la ligne scénaristique que je trouve la moins intéressante, le ravisseur, par rapport à tout le reste. Et ça dure un peu trop longtemps. Ouais, comme elle est aussi assez importante dans le chapitre 3, qui permet d'introduire tout de même pas mal Nightingale, qui, alors qu'on voyait déjà un peu dans le 2, mais qui arrive vraiment en fanfare dans le chapitre 3, avec tout le passage dans les caravanes. Oui, et la course-poursuite qui s'ensuit avec les forces de l'ordre. Ouais, la fuite... Tu les entends se faire, détruire les uns après les autres par l'entité noire. Ah, tu vois la forêt bouger là et les voitures de flics voler, c'est génial. Ça, vraiment, voir les arbres transbahuter, c'est tellement Lost par contre pour le coup. Ouais. Une espèce de fumée noire qui se balade et t'as les arbres qui subissent l'onde de choc, c'est vraiment Lost quoi pour le coup. Ouais, ça marche très bien. Tandis que voir des flics en prendre plein la gueule, ça donne presque envie d'être un peu du côté des ténèbres pour une fois. C'est un peu rigolo parce que justement Nightingale, il est détestable. Donc oui. Quand il se rend compte que tout ça est vrai et que tu vois les voitures de police voler, d'un côté, quand t'es du côté d'Alan, tu te dis « Bon bah là il va peut-être me croire, il va peut-être arrêter de me faire chier, il va peut-être se concentrer sur autre chose. » Alors qu'en fait non. Par contre Nightingale, j'adore cette mimique de dès qu'il croise Alan, il l'appelle mais par le nom d'un écrivain. Oui, il l'appelle Hemingway dans le chapitre. Oui, il fait plein d'écrivains, mais en plus sans aucun rapport les uns avec les autres. Ah oui, parce que il l'appelle Hemingway, Alan Poe, Lovecraft, King à un moment. Oui, il y a King. C'est tellement fun, quoi. Nightingale, ça veut dire rossignol d'ailleurs en anglais, et du coup encore une référence aux oiseaux. Ouais, exact. Mais oui, c'est un bon perso pour le coup, Nightingale. Il fait un bon antagoniste intermédiaire. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ouais. Après le chapitre 3, je crois que c'est dans le chapitre 3 qu'il y a la scène du pont d'ailleurs. Ouais. C'est quand tu vas à la gare, à l'ancienne gare ferroviaire et tout. C'est dommage parce qu'à côté de ça, le décor des mines, je le trouve pas mal, mais ouais, il y a des grosses longueurs dans ce chapitre. Ouais, et justement, c'est là où t'as une coupure où justement tu sors de la phase dans la gare ferroviaire, tu trouves une voiture et paf, il fait jour et tu vas à la mine. Et tu fais ah oui, d'accord, là en fait il manque un morceau du jeu là, les gars. Ouais. Et le passage dans la mine, le décor est cool, le problème c'est que t'as le même objectif que le chapitre précédent qui est le rendez-vous avec le ravisseur. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça, c'est un défaut d'écriture. Il aurait fallu trouver autre chose, une meilleure carotte pour nous faire avancer, quoi. Ouais. C'est aussi le seul chapitre où on rencontre directement Pat Maine. Oui. Brièvement, parce qu'il y a Nightingale qui débarque juste après, mais c'est le seul chapitre où on le voit en face et où on a confirmation que oui, lui, c'est quelqu'un de sympathique. Bah non, parce qu'on le voit sur le ferry. On le voit sur le ferry, ouais, au début. On prend la photo. En arrivant. Ah oui, sur le ferry, j'avais oublié, oui. j'avais oublié, mais... Par contre, on voit la station de radio oui, voilà. Au milieu de nulle part, et il y a vraiment une petite ambiance de « Ah oui, donc c'est vraiment une petite voix dans la nuit, quoi. C'est assez génial. » Et puis, il confirme qu'il n'est pas méchant, parce qu'après, plus tard, on l'entendra à la radio s'excuser auprès d'Alan en disant « Je suis pas responsable pour le fou qui a débarqué et qui a commencé à tirer sur tout le monde. » Oui, bah, et puis en plus, on l'entend un petit peu retenir Nightingale, justement. Ouais. Oui, comme Sarah d'ailleurs, on l'entend déjà retenir Nightingale dans ce chapitre, ce qui laisse supposer que elle, ce sera une potentielle alliée plus tard. Mm. Donc oui, au niveau des personnages secondaires, à nouveau, c'est un chapitre intéressant, mais en effet, son objectif est pas ouf. Par contre, j'aime bien le chapitre 4, moi. Alors, le chapitre 4... Qui est celui qui commence à l'asile et qui finit dans la ferme. Et ouais. Je trouve les deux parties plutôt intéressantes, et le chemin entre les deux pas non plus trop interminable. Oui. Donc je trouve que le chapitre 4, il passe vraiment pas mal. La petite générosité à la fin du combat sur scène, avec la musique et tout. Il est super cool, celui-là. Ah ouais, c'est vraiment un fight génial, quoi. C'est une bonne carotte, une bonne récompense à la fin. En tant que joueur, tu te sens un peu gratifié d'un truc, parce que la scène est vraiment badass, Barry est marrant, t'es dans un endroit qui est assez vaste, assez plat, donc tu peux vraiment te défouler sur les possédés. C'est vraiment très... Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé cette scène, et c'est une bonne récompense quand t'as marché dans la boue pendant trois chapitres avant, de te filer un petit bonbon en disant « Allez, vas-y, amuse-toi un peu, on t'envoie les feux d'artifice, on envoie la totale. » Ouais. C'est très agréable, surtout que ça intervient après une grosse scène purement narrative où, pour le coup, le début du chapitre dans l'asile, enfin dans le centre de réhabilitation, là, c'est beaucoup de « écoute les personnages parler, regarde les environnements, il se passe pas grand-chose et tout ». Beaucoup de narratifs sans gameplay. Oui, ça pose beaucoup d'univers, oui. Voilà, c'est ça. Et le fait qu'à la fin, on te gratifie de beaucoup, beaucoup de gameplay, et du gameplay très fun, très ludique, très gratifiant, je trouve que c'est une bonne idée. C'est un chapitre qui est bien équilibré, malgré que t'aies une grosse scène de narration où il se passe pas grand-chose au début, où juste tu vas écouter des personnages parler, suivez-moi ici, allez là-bas. Ils ont bien réussi à rééquilibrer ça avec une belle scène à la fin. Mais qui pose une bonne ambiance paranoïaque aussi, quand même, cette partie à l'asile. Tout le monde doute de notre santé mentale, on peut presque venir à en douter nous-mêmes, on se demande si Alan croit encore à tout ce qui se passe. Je trouve que c'est pas mal géré avant que justement la fin du chapitre ne nous conforte dans le fait que il y a bien un truc. Ah mais il y a ce truc classique, mais c'est Sarah Connor dans Terminator 2, quoi, où tu sais que c'est vrai, et en fait... personne ne croit à ton personnage, mais toi, en tant que spectateur, tu sais que ton personnage a raison. Oui. Tu sais que c'est injuste et horrible. Tu vois, genre, ça, j'aime beaucoup dans cette séquence-là. C'est ça. Et puis, progressivement, on t'envoie des indices que, en fait, c'est peut-être pas si vrai que ça. Oui. Et puis, surtout, Hartman lui-même est au courant, en fait, de ce qui se passe, quoi. Ouais. Oui, mais il est plutôt convaincant pour faire celui qui nous considère comme fou. Mais ouais. c'est ça qui fait de lui un bon méchant, parce que dans des récits comme ça, souvent, tu vas avoir, le psy qui va penser que le personnage principal est fou, mais qui va être persuadé que le personnage principal est fou. Alors que lui, Hartman, est au courant de ce qui se passe. Ouais. Il sait que c'est vrai, tout ça. Ce chapitre-là, c'est un des plus réussis, je pense, avec le dernier aussi. Mais en effet, on aurait aimé voir plus de passages, comme celui du concert, plus de passages qui utilisent d'une nouvelle manière un peu les lumières. Ouais. Pour aller à la ferme, t'as pas mal de passages en véhicule où, du coup, tu peux foncer... sur les possédés, c'est plutôt fun, ça aussi. Ouais. Le truc, c'est que je suis nul dans les trucs qui impliquent d'utiliser un véhicule. Donc, c'était galère. Hein. Je crois que vraiment, heureusement qu'il essaie régulièrement des véhicules, parce que je saccageais une voiture toutes les 50 mètres. Et puis, si tu fais le chapitre entier... Si ce chapitre-là, tu le fais entièrement à pied, bah, t'en as pour 3 plombes. Ouais, ouais. Parce que les distances sont vraiment longues. Mais tu peux le faire à pied. Oui. Et quand tu fais les thermos, vaut mieux le faire à pied, parce qu'il y en a qui sont bien cachés, hein. Au final, c'est aussi les signes d'un bon jeu, c'est de te laisser le choix de le faire à pied ou en véhicule. Oui, effectivement, selon c'est à clair. Quel point tu veux explorer. Du coup, on en apprend de plus en plus, au final, sur Cauldron Lake et la présence dans le lac, donc qui s'est symbolisée sous la forme de la femme de Zane, qui a permis de manipuler Thomas Zane et qui est en train de manipuler Alan Wake pour tenter de revivre via leur page. Mm-hmm. Le chapitre 5, pour moi, c'est peut-être le 5 le meilleur, puisque c'est celui qui démarre dans la ville. Ouais. Avec déjà la disparition de Nightingale qui est assez surprenante oui. Quand il se fait vraiment emporter par l'ombre d'un coup. Ah, tu t'y attends pas, ouais. Oh, c'est décidé. Je boirai plus une seule goutte d'alcool de ma vie. Oh. Je dois parler à Weaver. C'est la femme de la chanson, la dame à la lumière. Quoi, la vieille folle ? Si tu le dis, Al, mais on est coincé ici. Vous avez même pas interrogé Wake. J'avais un peu de lecture à faire d'abord, shérif. Et croyez-moi, c'était très instructif. Alors, j'ai fini par te coincer, Raymond Chandler. Tout est là, toutes les preuves, dont un complot visant à assassiner un agent fédéral. Pas question que tu sortes d'ici. Tu m'entends, Brett Easton Ellis, hein ? Agent Nightingale, je veux parler à votre supérieur. On veut tous quelque chose, shérif. Vous les mains. Écoutez, c'est pas possible dans l'immédiat. Agent Nightingale, j'insiste. Wake, ça va pas ? Dites, vous êtes stupide ! C'est un piège ! Ça crève les yeux, pourtant ! Ok, j'en ai marre de vos conneries, Wake ! Je vous fais confiance cette fois-ci ! Vous rigolez ! Agent Nightingale, votre opinion aurait plus d'impact si vous étiez sobre et si j'avais la conviction que vous êtes ici en mission officielle. Oh ! Attends ! Retourne dans ta cellule, Stephen King. Ton seul moyen de sortir d'ici, c'est de me passer. Une petite minute. Je connais... Oh mon Dieu! Et toute la partie avec Sarah et Barry dans la ville, je la trouve vraiment très très très cool. C'est... ouais, c'est bah pareil, c'est là où le jeu devient assume un peu plus son côté action. Là, on est sur quasi du buddy cop movie parce que on a Breaker qui aide Alan et Barry à rejoindre un hélicoptère si je me souviens bien. Ouais, c'est, ouais, ça. C'est ça. Et ouais, là pour le coup, c'est une poursuite vers l'avant avec tout le temps voilà, une porte à ouvrir, il faut défendre, voilà, un truc, il faut attendre que l'hélicoptère arrive, il faut descendre la zone, défendre la zone d'atterrissage et tout. Il y a des moments, en fait, il y a des petits morceaux de bravoure, il y a un peu d'humour dans les dialogues, ça parle un peu tout le temps, donc... Surtout avec Barry, oui. Ouais, oui. Voilà. Et puis non, mais même le trio marche bien, Breaker, Barry, oui. Alan, il y a un très bon équilibre dans les dialogues. Vraiment, le côté action et avec un poil de comédie en plus marche très bien à ce moment-là. Ça te permet de respirer un peu, quoi. Mm. D'ailleurs, je sais pas si t'as noté, Chris, mais Barry qui se met la guirlande du coup partout pour repousser l'ombre, c'est un truc qui était dans The Boogeyman, le film, mais du coup qui est postérieur, oui, à Alan Wake. Oui, voilà. Mais la petite fille, elle le fait dans The Boogeyman. Du coup, des guirlandes, oui, pour éloigner. Les ténèbres, il y a aussi ça dans Stranger Things un petit peu. Ah, j'ai pas dû assez regarder, tiens. Guirlande que la mère met sur le mur qui permet de communiquer avec... Ah oui. C'est comment déjà le monde du dessous, je sais plus comment il s'appelle l'autre monde dans Stranger Things. Ah oui, c'était monde inversé, je crois, un truc oui, comme ça. Oui, c'est ça, la traduction française est un peu dégueulasse. Ouais. On sait plus exactement. Et c'est ce chapitre aussi où on va rencontrer donc vraiment Cynthia Weaver qui va expliquer ce qui s'est passé avec Zane, oui, qui a donc le lac a profité du deuil qu'il avait de sa femme Barbara pour le manipuler. Bon, bah là encore une fois, la thématique du deuil, là on peut vraiment penser à Sackdoss pour le coup. Oui, clairement. On en apprend plus sur le rupteur aussi à ce, ouais, moment-là, il me semble. Ouais, effectivement, sur son utilité, notamment sur le fait qu'il peut permettre d'amener la lumière au milieu de l'ombre. Il avait déjà été évoqué dans un chapitre précédent, mais pas plus, oui, que ça, quoi. Et du coup, le rupteur introduit Mr. Scratch, qui est l'alter ego, on va dire, maléfique. Ouais, effectivement, ouais. Et le doppelganger. Voilà, c'est ça. On reverra surtout dans les bonus ensuite. Ouais, qui est dans American Nightmare, qui est quasi un jeu sur Mr. Scratch. Oui, c'est ça. Oui. C'est l'affrontement contre Mr. Scratch. Monsieur Grincement. Oui, parce que quand en français on dit Mr. Scratch, on dirait un rappeur pas ouf, comme nom, je trouve. Et surtout, c'est même pas Mr. Scratch, c'est Mr. avec un SFX de bruit de radio. Oui. Oui. Ce qui a pas été repris en français. Ils l'ont juste appelé Monsieur Grincement, mais. Mais ouais, en VO, Mr. Scratch, à chaque fois que son nom est prononcé, il y a un son de radio, oui, c'est ça, distordu. Oui, comme si son nom était pas possible à dire. C'est ça, c'est ça. Du coup, nous, joueurs français, on s'en a rendu compte avec American Nightmare, quoi. Parce que dans le premier, c'était pas le cas. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est des trucs qui m'a fait faire Alan Wake 1 en refaire Alan Wake 1 en VO. Malheureusement, c'est con, ça aurait pu être adapté, mais ils ont pas, je pense que... Bah, surtout que rajouter un bruitage de radio qui juste zappe à chaque fois que son nom est prononcé, je pense pas que ce soit immensément difficile. Oui, c'était largement faisable. Et ils ont payé un doublage, hein, pas un bruitage. Non mais c'est souvent ça, hein, c'est quand Microsoft envoie l'adaptation et le machin, ils sous-traitent et ils regardent pas dans les détails. Hein, et si dans l'adaptation le texte disait Mr. Scratch, bon bah ils l'ont traduit, point. Et après oui, ils ont voilà. pas vérifié. Ce qui s'est passé en post-prod après, ils s'en foutent quoi. Ouais ouais, s'ils ont pas la data que attention le nom de ce personnage c'est un sound effect. Oui. Voilà, si c'est pas précisé en marge, bah et que Microsoft a pas fait le boulot correctement en amont, malheureusement. Voilà. Ouais. Mais donc oui là le but après c'est d'aller chercher le fameux rupteur. Ouais. Bah qu'on récupère dans la pièce éclairée, je crois. Ouais. Ouais, dans la centrale. Ouais. Rupteur qui lui aussi, hein, c'est clairement du King tout craché. Hein, le petit objet innocent qui vient de l'enfance et qui permet d'éloigner les ténèbres. C'est typiquement tous les objets qu'ont les gamins dans ça. Pour éloigner Pennywise. Ouais, ça. Alors moi, peut-être parce qu'on l'a lu il y a pas longtemps, mais ça m'a énormément fait penser à la fin de Bazar. Oui, aussi. Ah bah oui, oui, oui, clairement. Ça marche bien, moi, ce truc du clicker. Ouais, j'aime bien cette idée de jouer sur la croyance dans un objet de l'enfance. Je trouve ça sympa, ce que ça représente. Et c'est vrai que c'est vraiment croyance, parce que quand Alan l'utilise et qu'il sort de l'espèce de bunker, il dit, il fait jour, c'est peut-être en appuyant sur le clicker. Il est pas sûr. Nous, on a la confirmation en ayant lu le comics avec le père de Sarah. Oui. Mais dans le jeu, on n'a pas la confirmation que le jour est venu parce qu'il a appuyé sur le clicker. Oui, effectivement. Et alors le clicker, il était là depuis le tout début du développement en 2005, quand ils avaient l'idée des cycles jour-nuit. Et dans l'open world, il aurait servi à faire apparaître le soleil, en fait. Ah. Oui, ce qui aurait permis de ne pas, des fois, avoir 2 heures qui passent sans rien faire en attendant la nuit, oui. Exactement. Donc c'était un objet qui devait être là, qui était écrit dès le départ, quoi. D'accord. Qui était vraiment pensé en termes de gameplay, quoi. C'est ça. Pas uniquement narratif comme c'est maintenant. Et d'ailleurs, je crois que c'est ça qui lui permet dans les 2 chapitres suivants de faire beaucoup plus de choses, de manier les mots, les sources de lumière, etc. Mm. Mm. Bah, et le fait qu'il se retrouve dans un autre monde littéralement aussi, finalement, oui. dans les chapitres oui. bonus. Dans le monde inversé. Voilà. Après le départ de Zen, je me retrouvais seul dans le rêve vacillant qu'était l'entre-noir. Je devais trouver un moyen d'atteindre le chalet. J'avais écrit le chemin menant à cet endroit dans le manuscrit. J'avais suivi l'idée d'un chemin. J'avais écrit que je traversais l'océan qui bloquait ma route et grâce à ça, il y avait un pont menant à l'île au-delà. L'idée d'un chalet tremblota dans les ténèbres sous-marines. Je souhaitais que le chalet soit réel. Et il l'était. Le chapitre 6, moi, en somme, je le trouve un peu inférieur par rapport aux 4 et 5, parce qu'il est pas mal orienté action. Il y a pas mal de séquences en voiture qui sont donc pas mes préférées. Il y a une nouvelle séquence avec que des objets. Ah du coup, ouais. Le chemin vers Cauldron Lake, des fois, je le trouve un peu plat, d'autant que scénaristiquement, finalement, c'est juste faire la route vers Cauldron Lake. Il est moins... Oui. Les personnages secondaires sont écartés parce que Alan doit y aller seul. Et donc, je le trouve moins intéressant, au final. Oui, là, c'est juste une course vers l'avant avec l'ombre qui t'attaque, quoi, qui te balance tout ce qu'elle a pour t'arrêter. Et vraiment tout ouais. ce qu'elle a, quoi. C'est dans celui-là où t'as pas mal de phases avec la tempête qui te poursuit aussi. Oui. Oui. Comme dans le premier chapitre. J'aime bien que ça fasse un rappel au début du jeu et à la tempête. Oui. Et que t'aies des phases comme ça. Mais ouais, c'est clair que malheureusement, il fait partie de ces chapitres où ça y est, en fait, t'as compris comment le jeu il marche. T'as juste à suivre les lumières et... contrairement au chapitre précédent, t'as pas 2 ou 3 personnages qui parlent constamment pour faire avancer l'action, t'as pas de séquences très particulières, ça reste du trekking en forêt, et voilà, t'en as déjà fait au moins 3 chapitres avant de ça, donc... Oui, voilà, c'est ça. En fait, il aurait fallu que certaines des nouveautés des chapitres bonus apparaissent dans ce chapitre 6 pour le rendre plus intéressant. Ou alors le faire durer moins longtemps. Ouais. Oui, mais ça aurait peut-être fait un final un peu court, pour le coup. Ouais, je pense qu'ils se sont retrouvés un peu comme, comme des cons quand Microsoft leur a demandé de mettre deux chapitres en DLC. Oui. Je pense qu'ils ont Ça a pu jouer, ouais. Et voilà, ils ont dû faire une fin au jeu pour ceux qui achèteraient pas les DLC, en plus de prévoir pour qu'il y ait des nouveautés quand même dans les DLC, que les gens achètent les DLC. Ouais. Donc, à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Il y avait certains trucs qui auraient dû apparaître à ce moment-là, qui sont disponibles que dans les chapitres d'après. J'imagine que, par exemple, tout le délire avec la pièce qui tourne, là, avec la gravité qui change et tout, ça, à mon avis, ils auraient très bien pu le mettre en grand final dans ce chapitre-là. Oui, parce que là, c'est vrai que c'est qu'un micro-passage dans le chapitre, quoi. Ouais. Donc, ça aurait pu servir beaucoup plus. C'est clair. Mais c'est une bonne idée, le moment où on le voit. Mais par contre, scénaristiquement, la toute fin est satisfaisante. Effectivement, elle fait fin ouverte, fin de saison. Mais j'aime bien cette idée donc, qu'il s'enferme dans le lac pour libérer Alice, qu'il comprenne qu'il peut changer l'avenir via ses romans et que ce qu'il écrit n'est pas obligé d'être super sombre. Parce que finalement, tout le jeu est une métaphore du combat entre son envie d'écrire des trucs très sombres et dépressifs et une part de lumière qui continue à vouloir s'écrire dans ses livres. Ouais. Du coup, une grosse métaphore de la psychologie de l'auteur. Et je trouve que c'est bien mené à la fin. Et j'aime bien cette réplique finale, ce n'est pas un lac, c'est un océan, du coup. Pour ça, en fait, j'aime bien tout ce qu'elle permet de supposer. Parce qu'il y a du côté, évidemment, l'idée que si c'est pas un lac et que c'est un océan, c'est 10 fois plus grand. Donc ça fait une zone encore plus inquiétante, encore plus dangereuse à explorer. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est aussi Alan qui se laisse une ouverture, parce que contrairement à un lac, un océan, c'est ouvert, normalement. Oui. Donc pour moi, c'est qu'il se ménage aussi une porte de sortie via cette dernière phrase. Moi, je trouve que c'est une phrase qui résonne pas mal avec le DLC Alan Wake dans Control aussi. Justement, quand on t'explique que ce qui se passe à Brightfall, c'est un événement bizarre, mais qu'il y en a plein qui sont possiblement liés entre eux. C'est ça aussi qui est intéressant dans Control, c'est qu'ils lient ces phénomènes entre eux, ils essayent de les classer, d'y trouver une certaine logique en fait, de les étudier un peu comme une science. Et du coup, ça prend vraiment beaucoup de sens quand tu te rends compte que des Brightfalls, il y en a des tonnes, en fait. C'est un océan de Bright Falls et un océan de phénomènes comme ça, et que il t'en reste encore beaucoup à découvrir. Il y a beaucoup d'horreur dans ce nouveau monde, quoi. Ouais. En tout cas, c'est une promesse pour moi. Quand je l'ai vécu un peu comme une promesse de l'échelle de l'histoire qu'on est en train de te raconter va s'agrandir. Je leur souhaite, en tout cas, dans leur jeu suivant. C'est peut-être déjà le cas dans Alan Wake 2, encore une fois, on peut pas trop savoir. Alan Wake 2, ouais, est très lié à Control. Hein. De ce que j'ai compris, c'est quasi un spin-off de Control. C'est devenu un spin-off de Control. C'est-à-dire que déjà, tu joues pas que Alan Wake, tu joues aussi un agent du FBI, qui est amené là apparemment par le bureau de Control. Ouais, ça j'avais vu effectivement que t'avais deux personnages jouables. Donc, je pense que c'était leur volonté dès le départ de faire un espèce d'univers étendu autour d'Alan Wake, et même que de faire un jeu, de faire du fantastique, et, parce qu'il y a quand même beaucoup de fantastique, c'est pas que de l'horreur psychologique, il y a aussi du fantastique, comme dans Stephen King, il y a du fantastique, et tout leur univers, Remedy, il joue pas mal sur le fantastique, sur différents aspects du fantastique. Je pense que cette dernière phrase, il y avait une petite note d'intention aussi pour le futur de la part de Remedy. Ouais, pour leur studio en général, ouais. Ouais. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit des jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé « Departure ». Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse, pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Ah ! n'étais pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Et effectivement, bah, on va faire rapidement aussi les deux bonus qui sont l'errance en fait d'Alan Wake dans le monde du lac pour jusqu'à ce qu'il arrive à dominer un peu sa part sombre pour commencer un nouveau roman. Les deux chapitres pour le coup se suivent vraiment. Ouais. Il n'y a pas trop d'arrêt entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Et bah, comme on disait, c'est plein d'idées intéressantes avec le fait qu'on peut faire apparaître beaucoup de trucs grâce à la lumière. Que la promenade devient de plus en plus surréaliste avec des décors qui ont de moins en moins de sens, notamment toute la partie aussi qui est sur la machine à écrire devenue géante. Mmh. Ah ouais. Les oiseaux qui sont devenus des romans d'Alan Wake. Ouais, des attaque. Pages de livres, ouais. Il y a plein d'idées visuelles, ouais. C'est un peu le terrier d'Alice. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles dans ces deux DLC-là. Oui, c'est pas faux. L'autre côté du miroir. Ouais, même en effet, le truc tournoyant, la pièce qui tournoie, ça peut faire penser un peu à du Alice, je vois le lien, ouais. Mmh. Et ouais, il y a plein de passages de gameplay que je trouve très cool. Dans le deuxième, il y a celui avec le phare qui est réutilisé et sa lumière qui tourne et qui ouais. permet d'éliminer les ennemis qui sont sinon 10 fois trop nombreux pour toi. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Ça aurait mérité des trucs comme ça dans le jeu principal. Hein. C'est ça que j'attendais, au moins une bonne idée comme ça par chapitre. Et il y a quelques chapitres qui en ont, mais tout de suite on a relevé, hein, les chapitres qu'en ont pas, ils souffrent de longueur, quoi. Ouais, et puis oui, vraiment, on l'a mentionné déjà, le passage avec les chaudières dans le sous-sol, il est vraiment très très cool, ce passage-là. Ouais. Surtout qu'il est un peu labyrinthique, enfin il marche vraiment chouette. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de faire péter toutes les chaudières, parce que vraiment, alors, moi, j'ai non. déjà fait une fois. Ah, toi, t'avais envie. Et ça donne quoi? Ça débloque un que succès dalle. Ou pas? Que dalle. Quoique si, il y a peut-être un succès sur 360, mais vraiment, ça doit être 5G, quoi. vraiment pas plus. Mais c'est satisfaisant. Voilà, oui, c'est toujours satisfaisant de faire péter des trucs, hein, de toute façon. C'est nettoyer un niveau, moi, ça me... voilà, c'était mon Power Wash Simulator de l'époque, quoi. Vraiment. Mais non, c'est rigolo, et puis... Tu laisses volontairement les ennemis avancer devant les fours juste pour les faire péter, alors que t'as largement les munitions de leur mettre une balle dans la tête, mais juste pour le plaisir. Ouais, quoi. Mais c'est plus drôle de le faire comme ça. C'est ça. Ouais, mais c'est le genre de face que je trouve très généreux, de dire bah vas-y, amuse-toi avec notre moteur. Donc ouais, ça montrait bien la direction dans laquelle ça pouvait aller, les améliorations qui commencent déjà à apporter... très vite finalement dans leur jeu, et qui se confirmeront pour une partie dans American Nightmare, qui lui aussi, je trouve, tente des nouvelles choses par rapport à Alan Wake, dont cette très très bonne idée qui aurait pu être encore plus présente d'ailleurs, du fait qu'on doit adapter certains décors aux pages de livres d'Alan Wake pour que les événements puissent arriver. Ouais, ça c'est une super idée. Ça aurait pu être encore plus exploité, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, clairement. Et puis c'est un jeu qui scénaristiquement est un peu différent d'Alan Wake, parce qu'il se concentre donc sur Mr. Scratch et sur la relation d'Alan avec les femmes. Tous les personnages que tu rencontres dans American Nightmare sont des femmes. Ouais, trois archétypes différents, oui. C'est ça, et donc je trouve ça assez intéressant d'avoir pris cet aspect. Niveau gameplay, ça se tient toujours, et justement le petit ajout des petits open world, je trouve, marche très bien. Mmh. Ils ont réglé plein de problèmes sur les combats et tout. Et ça se passe dans un épisode de la zone X, de Night Spring, écrit par Alan Wake. Oui, voilà, c'est ça le truc. Donc il est toujours dans une de ses œuvres, mais cette fois, d'un médium différent. On n'est plus sur un livre, mais sur une série télé. Mmh. Donc ça change aussi pas mal de choses. Et donc c'est des scénarios qu'il écrit et bah, quand t'écris un scénario, faut que tous les acteurs soient en place avant de pouvoir dire moteur, action. Et c'est un peu ça, il faut que tu mettes tous les éléments de décor en place, que les gens soient aux bons endroits et tout. Et puis, non, j'aime beaucoup. Et puis, tu le vois aussi avec le décor du drive-in, que c'est... là, on part sur presque... Ça parle d'adaptation, en fait, American Nightmare. Parce que... Oui. C'est Alan Wake qui adapte son écriture à celle d'une série. C'est ça, un autre média, oui. Et puis oui, qui doit apprendre aussi à ne pas se concentrer que sur lui-même et à aussi penser à sauver les gens autour de lui. Bah oui. Notamment via la... la machiniste, enfin la garagiste du premier chapitre. Que, ouais. Dans les deux premiers cycles, on néglige totalement. Oui. C'est clair. Et puis au-delà de ça, ça continue à développer le lore avec ce qui se passe pour les personnages qui, eux, continuent leur vie. Parce que Alan, lui, est coincé dans le Royaume des Ombres, mais Alice et Barry, eux, continuent à exister dans, ouais. dans la vraie vie véritable. Alice a réalisé un documentaire ouais. Sur Alan, et Barry est devenu le manager des Old Gods of Asgard. Oui, c'est extraordinaire, ça. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est très drôle. Le jeu commence sur Barry, d'ailleurs, dans mes souvenirs. Oui, oui. Dans sa chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel. Où on voit son badge de manager, justement. Ouais. Oui. Et on comprend que Monsieur Scratch... lui aussi est dans notre monde et qu'il est un petit peu tourné serial killer, le garçon. Oui. Oui, qu'il a plus ou moins pris la place d'Alan Wake, qui est devenu son doppelganger. Enfin, il n'a pas totalement pris sa place, c'est son but. Mais pendant le jeu, oui. Il est là, il observe Alice de loin et il tue des gens un petit peu aléatoirement comme ça, quoi. Faut bien occuper ses soirées. Hein. Voilà, c'est ça. Sont tapés des délires un peu Tarantino sur les bords pour les petites scènes avec Mr. Scratch. Ouais, avec la télé. Ouais, avec la télé, où il tue des gens dans les chambres d'hôtel et tout. Là, il joue avec les codes de ce qu'ils adaptent. C'est, là, il y a un petit côté cinéma de drive-in aussi, anthologie, quatrième dimension. Oui, tout à fait. Donc, ouais, ça se finit littéralement dans un drive-in, oui. D'ailleurs. Avec la diffusion d'un film. Oui. C'est ça. Comme Salem, mais en mieux. Le dernier Salem en date. Gary Doberman, ouais. Et puis ouais, le côté Colorado aussi, je trouve ça change un peu et ça reste dans la culture américaine. Ah, totalement, oui. Voilà, il a plus sa veste en tweed, là, il a une chemise à carreaux. Ouais, c'est... tu vois, je suis presque déçu qu'Alan Wake 2 se passe à Bryce Falls. J'aurais bien aimé peut-être une troisième vision un peu de cet univers-là, l'univers fantastique américain, quoi. Ouais, de changer un peu d'endroit, oui. Et puis renforcer du coup le côté, ce n'est pas un lac, c'est un océan. Et donc, voilà, c'est ça. Continuer à aller ailleurs. Après, j'ai l'impression que ça se passe pas que à Bright Falls, à Alan Wake 2, mais... Oui, il y a l'air d'y avoir plus en partie, de... en tout cas, ouais. Ouais, ouais. Il y a l'air d'y avoir plus de lieux, notamment dans le trailer, on voyait une ville qui a l'air d'être une ville de dans les limbes. Ouais. Qui ressemble à plein de trucs, donc... Globalement, j'ai l'impression que ça joue beaucoup plus sur les limbes, sur les différents mondes. Il faudra vraiment qu'on le fasse pour qu'on puisse en reparler un jour. Pour l'épisode 200. Voilà. Ouais. Bon, il reste quand même quelques... va falloir que quelques films sortent pour faire 200 épisodes. Bon, du coup, pour l'épisode 150, alors. Ou alors, on lance un projet de série anthologique Les Enfants du Maïs. On demande à plein de réalisateurs de réaliser leur adaptation des Démons du Maïs. Non, mais après, vous pouvez faire sur des fan-films. Les fan-films. Ah oui, c'est vrai. Mais le truc, c'est que j'ai déjà cherché notamment les Dollar Babies, et à part certains, ils sont vraiment introuvables, en fait. Ah, c'est dommage. Dès que je tombe sur un, je me débrouille pour le sauvegarder sur le PC, parce que ça reste jamais disponible longtemps, et je le rajoute. Mais c'est très très rare de tomber dessus. Mmh. Parce que très souvent, c'est des projets étudiants, donc il n'y a même pas... Ouais, où il y a des questions de droit un peu particulières, voilà. Dessus. Très souvent, il n'y a même pas de commercialisation à proprement parler, ça passe même pas par le circuit officiel, quoi. Ouais, ou au pire, dans des festivals un peu obscurs. Oui, voilà. Mais oui. Bah voilà, sur Alan Wake, je pense qu'on a fait le tour, à oui. moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi, personnellement, je pense que j'ai tout dit. Oui. Je pense qu'on a fait un bon gros tour. Ouais, on a bien été dans le détail et je pense qu'on n'aura rien oublié, c'est bien. Ouais, là je pense qu'on a été bien bien précis. C'était dit qu'on pouvait en profiter pour parler rapidement d'autres jeux inspirés ou adaptés de King. Yes. Donc, on peut faire ça. Il y en a quelques-uns, et bon, dans l'ensemble, on va pas se mentir, Alan Wake est plus une exception que la règle, parce que les autres sont pas exactement des chefs-d'œuvre. Bah, surtout ceux qui adaptent vraiment, quoi, pour le coup. Ouais. Donc, évoquons-le. Ceux qui adaptent vraiment, on a réussi à trouver donc un jeu, La Part des Ténèbres. Souvent, ils sont liés à la sortie d'un film. Ouais. En réalité, un film adapté de King, et donc il y a un jeu adapté du film qui sort, et ça en fait un jeu adapté de King. Mais donc, il y a La Part des Ténèbres qui est sorti sur MS-DOS en 92, développé par Sintus et édité par Capstone Software. Est-ce que vous l'avez fait ? Alors non, parce que tu as posté rapidement ton avis et du coup ça m'a vacciné, j'ai pas eu envie. D'accord. J'ai touché, non, je touche pas à ça. Mais bah merci les gars. J'ai regardé un long play, enfin des parties d'un long play. Oui, j'ai regardé un peu à quoi ça ressemblait aussi. Déjà je constate que ça sort en 92 et que c'est vraiment pas beau, hein, parce que deux ans avant il y a eu le premier Monkey Island et Loom qui sont sortis. Non, mais c'est... budget, hein. C'est petit budget. Ah oui. À la limite, s'il y avait que le fait que c'était pas beau, ça j'aurais pu passer outre parce que voilà, charme désuet. Ouais, mais même etc. En termes de gameplay, là, le jeu La Part des Ténèbres, il utilise encore un système de verbe et tout, alors que ben, déjà en 92, on était passé à autre chose. Ouais mais scams, ça, on verra parce que Thimbleweed Park, dont on parlera, utilise aussi un système de verbe. Oui, mais lui, il le fait bien. À la limite, c'est voulu. Pourquoi ? Oui, c'est ça. Là, en fait, le principal souci, c'est que oui, déjà, ça rend ça très rigide comme jeu, et surtout que, en fait, il est normalement un bon point and click. Tu te retrouves pas complètement bloqué ou avec un game over injuste. S'il y a un truc que t'as pas fait au bon moment, normalement, t'as la possibilité de le refaire et de pas te retrouver bloqué. Au pire, tu galéreras 3 heures pour le trouver. Mais c'est toujours faisable. Le souci de La Part des Ténèbres, en fait, c'est qu'il y a plein de moments où, si tu connais pas le roman et encore ou le film, tu vas te retrouver avec un game over pour des raisons vraiment injustes, enfin qui tiennent pas très bien la route. Genre, par exemple, t'es obligé de ramasser quand tu trouves le cadavre du journaliste qui te poursuit à un moment et il a son appareil photo sur lui et si tu ramasses pas l'appareil photo, tu te retrouves bloqué par la suite. Mais sauf que ramasser un appareil photo sur un cadavre, ça paraît quand même pas une super idée, quoi, quand t'es déjà recherché par les flics. Et il y a plein de trucs comme ça où c'est juste pas logique et du coup, tu te retrouves bloqué pour des raisons très frustrantes. Et du coup, non, c'est pas bien. D'accord. Voilà. Bon, après, les énigmes pas logiques dans les point and click, bon, il y en a eu plein, mais disons que quand c'est dans un univers qui se veut crédible comme La Part des Ténèbres, bon, forcément, ça choque. Ouais, et puis même, normalement, si t'as des énigmes pas logiques, encore une fois, tu peux rattraper le coup, tu peux les faire longtemps après. Elles sont pas ultra punitives si tu les résous pas pile au moment où tu les rencontres. Oui, voilà. Donc voilà. Sinon, on peut évoquer le jeu Le Cobaye sur Super NES, celui qui est développé par The Sales Curve, plusieurs distributeurs selon la région du monde. Ça, c'est la version jeu d'action du Cobaye. J'avoue que j'ai tenu à peu près 20 minutes. Hein. C'est la version qui n'a rien à voir avec le film, hein, comme ni avec la nouvelle, comme le film n'a rien à voir avec la nouvelle aussi. Elle a peut-être un peu plus à voir avec le film que le film n'a de rapport avec la nouvelle, quand même. C'est un shooting platforming avec des passages en 3D. Ouais. Il y a des choses qu'il faut au mieux pas déterrer. Hein. Vraiment, et c'est horriblement dur, du coup, j'ai lâché le morceau, parce que c'est dur et c'est pas bien. Donc. Lui, je l'ai un peu tâté, oui. Effectivement, c'est d'une difficulté atroce. Et pourtant, j'ai utilisé un émulateur, donc je faisais vraiment une sauvegarde limite à chaque ennemi tué, mais non. Même comme ça, c'est insupportable. Le Cobaye existe aussi dans une version Genesis et Sega CD que je n'ai pas testé. Développé par les mêmes et distribué par Time Warner Interactive. Là, c'est un film interactif. J'ai regardé vite fait sur YouTube. Si vous aimez les esthétiques un peu surréalistes en pixel art, peut-être que visuellement, ça peut vous satisfaire, mais sinon, ça n'a pas l'air ouf. Ouais. J'ai pas pu tester non plus le jeu Running Man. Non, mais il y a des vidéos... Il y a des gameplays complets de 20 minutes. Oui, j'en ai regardé un peu, YouTube. Oui. Dur, bah, c'est pas très beau. Après, c'est peut-être 20 très bonnes minutes. Pas très beau, ça a pas l'air palpitant. Bon, après, c'est de l'Amiga. Ouais, il y a eu plusieurs consoles, ça a été sorti sur pas mal de consoles. Alors après, le gameplay est toujours le même, mais les graphismes sont plus ou moins bien d'une fois sur l'autre. Ouais, c'est une version Amiga sur laquelle je suis tombé. Bah, c'était pas je crois que c'est une des pires. Ouais. Surtout que sur Amiga, il y avait Smash TV qui était déjà un peu Running Man. Oui, c'est vrai. Et finalement, on peut évoquer directement lié à King, Stephen King F13, Stephen King F13, développé par Presto Studio, distribué par Blue Byte, c'est sorti en 2000. Voilà, vraiment. Et c'est une arnaque. Incompréhension. Non. J'ai galéré à le trouver en plus. Hein. C'est pas vrai, c'est le jeu vidéo de Stephen King. Ouais, super. Alors, j'ai pas trouvé le prix que ça coûtait à l'époque, mais si vous en voulez des versions physiques, il y en a pour à peine 60€ de disponibles sur des sites d'occasion. Vous pourrez lire la nouvelle Tout est fatal, qui est dispo dans le recueil Tout est fatal pour 6 fois moins cher, avec d'autres nouvelles. Ouais, mais t'as pas des wallpapers dans la nouvelle Tout est fatal. Ouais, y a pas de wallpaper moche, y a pas les mini-jeux, tout pourri surtout. Alors, 3 mini-jeux, hein, vraiment, je me disais, j'ai dû en louper, en débloquer. Non, y a 3 mini-jeux, dont un qui n'est même pas un jeu, tu lâches juste des animaux à des poissons qui les dévorent. Il y a pas un quiz, il y a pas, c'était pas dans celui-là où il y avait un quiz. Si, il y a un quiz, que pas très bien. Mais est-ce qu'il est vraiment impliqué dans un projet comme ça ? Non, je pense qu'il a juste mis son nom. Franchement, je pense que c'est au niveau des époques, c'était l'époque où il était probablement shooté aux antidouleurs. Ouais, donc ça, à mon avis. Il s'est fait scam. Il s'est fait scammer au téléphone. C'est ça. À mon avis, ça s'appelle de l'abus de faiblesse, hein, ça. Parce que tu vois, c'est pas comme Kitano qui a fait son propre jeu sur NES, quoi. Mais il a fait volontairement un jeu imbitable. Oui, il a voulu faire un jeu détestable, Kitano. Voilà. Mais c'était une démarche, ça devient une démarche artistique à c'est ce stade. C'est ça, c'est pas le même délire, là, du coup. Non, là, je pense que King n'était pas du tout impliqué. Ils ont récupéré 3 vieux jeux. 3 vieux jeux sur Internet. En flash. En flash, ouais. Et voilà, ils se sont dit... Il a pris son chèque, puis basta. Vraiment une grosse arnaque. Il a pris son chèque, il a été s'acheter un petit paquet de farine, et puis voilà. Non, il avait arrêté, normalement, à l'époque. Ah, ça va, alors. C'est... Non, non. Et il y a 2 autres jeux qu'on avait relevés qui sont inspirés un peu de l'univers de King par moment, mais qui ne sont pas des adaptations du tout. Donc là, j'avais noté que j'ai fait il y a pas longtemps Face the Unholy Trinity, développé par Herdoff Games, édité pour la version complète par New Blood Interactive. Sinon, c'est sorti en 3 épisodes entre 2017 et 2022, qui est un jeu qui reprend une esthétique pareil, très vieille console et qui en joue beaucoup dans sa manière de développer l'horreur. Et comme ça s'inspire de plein de folklore et de récits horrifiques, bah, ça passe entre autres par King, notamment dans le 2e chapitre où il y a une scène où on cherche des enfants dans un champ de maïs. Oui, c'est assez parlant. Voilà. Et il y a tout un passage dans les égouts, alors c'est un code récurrent de l'horreur, mais on y passe un moment et visiblement il y a toute une réputation dans la ville, comme quoi il y a des tueurs qui seraient cachés dans les égouts. Enfin, ça fait quand même nettement penser à ça. D'accord. Et l'autre jeu, ça c'est toi Punky qui nous l'avait évoqué, c'était Thimbleweed Park. Bon, je te laisse en parler un peu. Moi j'y ai joué, j'en ai fait à peu près la moitié, j'en suis à mi-parcours je pense. Bon, il est toujours sur ma liste. Alors, je l'ai pas fait, pour le coup t'en sauras plus que moi, mais quand il est sorti, quand j'avais lu les tests, j'avais relevé pas mal de références à King qui étaient notées par les testeurs. Ouais. Donc pour le coup t'en sauras peut-être un peu plus que moi sur les références qu'il y a dedans, mais déjà de base l'univers ça avait l'air de tourner un peu pareil, King, Twin Peaks, tout ça. Quoi. Un peu X-Files aussi pour l'audio de personnages. Ouais, un peu X-Files aussi. Oui, ouais. les personnages, c'est complètement Mulder et Scully. Même physiquement, il y a une nette ressemblance, je trouve. Mm. Bah, en fait, ça évoque King surtout dans le côté petite ville. C'est bah, toujours ces petites villes où il y a littéralement 80 habitants. Il y a une pancarte qui annonce le nombre. Et petite ville qui est en train de tomber en ruine, avec un mystère à résoudre. C'est plus, encore une fois, l'ambiance qui évoque King, avec un personnage de clown, mais alors qui est pas un clown maléfique, c'est juste un connard, mais qui a été victime d'une malédiction par une vieille capable de lancer des sorts, visiblement, qui fait qu'il peut plus enlever son maquillage. Donc lui, il évoque ça, et effectivement, l'intrigue peut évoquer aussi la peau sur les os. Donc il y a pas mal de petits refs, mais encore une fois, je pense que c'est plus l'univers au global qui évoque King. Ça se passe en 87, ce qui n'est pas l'année de ça. J'ai revérifié parce que je me disais que c'était dans ces eaux-là, mais que ça, c'est publié en 86, et l'intrigue de la partie la plus moderne se passe en 84-85. Mais bon, c'est peut-être pas une date choisie au hasard quand même. Ouais, faut que je le fasse. Mais c'est plutôt chouette pour le coup. J'avais relevé un autre jeu aussi, que je t'avais pas mis, mais il y a Deadly Premonition. Qui a aussi cette ambiance de petite ville. Oui. Alors pour le coup, je pense que là l'inspiration c'est beaucoup plus Twin Peaks, Mais il y a quand même du King dedans, parce que dans les archétypes des habitants, tu vas retrouver toute la ribambelle d'habitants. Et pareil, la petite ville est isolée, il y a une série de meurtres avec un côté paranormal. Donc non, en vrai, Deadly Premonition, qui est un jeu cassé, mais qui est vraiment très bien. Sorti sur Xbox 360 à l'époque. Ouais. PS3 ensuite, et maintenant ça doit être disponible sur PC, je crois qu'il est même sur Switch, donc voilà. Oui, donc c'est un jeu qui est très cassé, qui ressemble à un jeu PS2, qui se joue comme un jeu PS2, qui a des trucs très bizarres de japonais, parce que c'est un jeu japonais, mais voilà, c'est encore une vision un peu particulière. En fait, ça a été... c'est du Stephen King et du Twin Peaks qui ont été redigérés par un créateur japonais un peu foufou, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment un jeu fait avec un tout petit budget, en plus. Ouais. Ce qui est un peu ce qui manque, je trouve, les adaptations qui ne soient pas faites par des Américains. Alors, Alan Wake, c'est pas fait par des Américains, du coup. Mais je trouve ça intéressant, justement, de voir ces univers-là revisités par d'autres cultures. Ouais. Avec la réappropriation que ça implique. C'est ce que j'aimerais voir plus... chez King au cinéma comme chez King en jeu vidéo. Ouais. Ça apporte un regard nouveau. J'avais entendu le poème en rêve pour la première fois, récité par un ovni lumineux. Je l'avais relu dans le chalet, dans un livre de Thomas Zen, car il ne savait pas qu'au-delà du lac, qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. Ses ports m'ont accueilli. Oui, selon vous, quel bouquin de King ferait la meilleure adaptation en jeu vidéo ? Oh, très bonne question, tiens. Ah, je m'étais pas posé la question. Moi j'ai déjà réfléchi et je peux vous donner ma réponse le temps que vous réfléchissiez. Ah bah oui, à ce moment-là, commence. Je pense que Chambre 1408, ça ferait un très bon jeu de huis clos, un peu indé, tu sais, genre Walking Simulator. Ouais. Oui. Tu vois, par exemple, la démo de Pity par Kojima et Guillermo del Toro, je trouve qu'il y avait un petit côté Chambre 1408 parce que t'es tout le temps dans la même pièce, dans le même couloir, et tu le fais un peu en boucle et il se passe des choses différentes et tout. Un jeu d'horreur comme ça, à la Amnesia ou à la voilà, Pity sur Chambre 1408, je pense que ça marcherait bien. Ouais, clairement. Et ça pourrait être carrément une suite au bouquin où on te propose toi-même d'aller visiter la Chambre 1408 avec un nouveau personnage. Effectivement. Toi, t'en as un qui te vient, Chris ? Le fléau, typiquement, pourrait faire un jeu de survie. Oui. Avec de la recherche de ressources et devoir se protéger des autres survivants. Ça pourrait. Mais je pense que les œuvres de King se porteraient bien, finalement, au point and click. Ouais. Bah, c'est ça, mais le souci, c'est comment on gère le fait. Comment on gère ça pour les personnes qui ont déjà lu le livre ? C'est vrai que. Faut rester assez nouveau. Après, ce qui marche bien, c'est dans ce genre d'adaptation, c'est de prendre des points de vue alternatifs. Oui, à la limite. Voilà. Oui. C'est-à-dire, tu fais un point and click The Mist à la Walking Dead, tu sais, avec des choix, avec machin retiendra ci, machin retiendra ça. Mais tu vois les héros de l'extérieur, quoi. Ouais. Et toi, tu joues un autre personnage qui a ses propres enjeux. Mais voilà, aussi comment tu fais quand tu connais déjà la fin. Aussi, tu vois, c'est toujours cellulaire un peu compliqué. Ferait un chouette jeu de zombies aussi. Oui, c'est vrai. Oui, clairement. Non, moi, sinon, là, j'en ai deux qui me viennent en tête. Alors, soit pour un jeu orienté action, je dirais bien les régulateurs. Mm-hmm. Parce que il a en plus un chouette... en fait, il a un chouette principe qui permet d'avoir un bestiaire assez fou, je pense. Et il se passe quasiment entièrement dans une rue, mais où pareil, on peut jouer sur la forme de la rue, enfin on peut jouer sur plein de trucs dans les régulateurs, gérer plusieurs personnages, enfin il y a de quoi faire. Et en jeu survie un peu horreur, je dirais la petite fille qui aimait Tom Gordon. Ouais. Qui est juste une fille perdue dans une forêt. Voilà. Et je me dis, il y a des trucs à faire autour de ça. En vrai, ouais. Running Man pourrait faire un vrai jeu d'épreuves rigolo en multi. Un battle royale. Ouais, une espèce de Fall Guys, en plus violent, quoi. Ouais. Plus une adaptation du livre que du film, du coup, parce que... Plus une adaptation du film que du livre, parce que le livre n'est pas bien joyeux. Hein. Et là, qui vient de me sauter au visage. Un walking simulator totalement narratif, marche ou crève. Ah oui. Clairement, il préfère des trucs très intéressants aussi, là, oui. Ouais, c'est clair. Ça, là, du coup, tu peux vraiment jouer un autre personnage qui participe à la marche. Ouais. Oui, ou une autre année de la marche, ouais, là, il y a complètement de quoi faire, ouais. Ah, ça pourrait être intéressant, ouais. Donc, comme quoi, le walking simulator est plutôt, depuis sa création, en vogue. En tout cas, il y a de l'espoir pour des bonnes adaptations de Stephen King en jeu vidéo. C'est dommage que personne n'ait trop tenté d'obtenir des droits et d'essayer des trucs avec ça. Hein. C'est ça. Globalement, j'ai l'impression que les adaptations de livres en jeu vidéo, c'est pas super répandu quand même. Il faut qu'ils soient passés par la case ciné, quoi. Ouais, oui, c'est ça, mais du coup, c'est des adaptations de films. Ah, oui. Ça marche avec Stephen King, ouais, je pense, parce qu'il a beaucoup été adapté au cinéma, à la télé, en série. Donc. Forcément, on a déjà un univers visuel qui est un peu forgé là-dessus. Même quand tu lis un bouquin de King, bah moi, c'est aussi ça que j'aimais, c'est que la moitié du travail était fait parce que les ambiances, je les avais déjà vues dans des films, je les avais déjà ressenties un peu mieux. Donc c'est un peu plus agréable à lire et juste de rajouter du détail sur cette première couche d'univers que t'as déjà en fait intégré. Et ça marcherait pas avec tous les auteurs, effectivement. Je pense que King, ça s'y prête bien. Bah après, ce serait à réfléchir, justement, comme question. Comment est-ce qu'on adapte un roman aux vidéos ludiques ? Juste que la question s'est pas posée, mais il y a probablement des trucs à faire. Ouais, bah tous les exemples que j'ai, c'est passé par la case film. Je pense au Point & Click Blade Runner. Ouais, je pense à des trucs comme ça, c'est passé par des films. Après, Cyberpunk 2077, à quel moment tu considères que c'est un peu une adaptation de Neuromancien ? Oui. Je pense que t'as toujours... Mais, je t'interromps, mais on oublie une évidence, The Witcher. Par contre, The Witcher, oui, effectivement. C'est peut-être l'exemple qui fait la règle. Ouais, oui, c'est ça. Ah bah, du coup, j'en ai un autre, Metro 2033. Et Metro aussi, ouais. D'accord, je savais pas. Qui est également une série de romans russes. Ok. Mais oui, c'est peut-être un champ à explorer pour l'adaptation de livres en général, c'est peut-être un champ à explorer pour le jeu vidéo. Il y a des comics qui ont été adaptés en jeu vidéo, je pense The Darkness, des trucs comme ça. Donc c'est... Comics beaucoup plus, ouais, mais parce qu'il y a déjà aussi un univers visuel qui est posé. C'est ça, il y avait 13 en comics qui marchaient bien, justement avec cet univers visuel, mais c'est vrai que les romans... Il y a eu Tintin, l'infogramme... En fait, dès que t'adaptes un roman, de toute manière, que ce soit au cinéma ou en quoi que ce soit, t'es obligé de prendre un parti pris visuel. Et je pense que c'est ça peut-être qui fait peur, c'est qu'en termes de jeux vidéo, les partis pris visuels, pour l'instant, c'est faire du réalisme. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis pas contre... Effectivement, il faut changer le mode narratif, parce que le mode narratif d'un roman ne marche pas en jeu vidéo. Mais... Moi, je suis pas contre un jeu Cujo où tu joues Cujo. Hein. Ah ouais, tu poursuis tout le monde. Dans la vague d'un man-eater où tu joues le requin des dents de la mer. Bon, du coup, à la fin, t'es obligé d'y passer. Mais... Sauf s'ils font une fin alternative. un burn-out like où tu joues Christine, quoi. C'est incroyable. Ou un jeu cimetière où tu joues le chat. Hein, c'est pas oui, aussi. Oui, parce que si tu joues le cimetière, c'est pas très intéressant. Moi, je veux un SimCity. Non, c'est un peu statique. Je veux un SimCity où tu gères une ville sous un dôme. Ah oui, ah bah tiens. Ah, mais en plus, c'est vrai qu'il y a des quoi faire avec Dôme. Hein. Ah oui, je l'ai parlé depuis une éternité. Un jeu de gestion. Je l'ai eu qu'à sa sortie, Dôme. Mais oui. Ouais, un petit jeu de gestion où tu dois gérer la ville. Ça peut être sympa. Tu peux faire une simulation de vie avec 22-11-63 aussi. Hein. Ouais. Oui, même un jeu d'aventure, hein. C'est très clairement un truc qui ferait un très bon jeu d'aventure épisodique à la L.A. Noire. Clairement. Non, mais il y a de quoi faire, c'est vraiment un terrain à conquérir. Allez-y, les développeurs. Les développeurs français, là, qui faites des bons jeux, là, on vous voit. Voilà. Des trucs. Bon, pas Microhits, par contre, s'il vous plaît. Non, vous, on vous parle pas, vous. S'il vous plaît, Ils ont fait quoi, Microids Dernièrement, que de la merde. Oh, pardon. Le remake de 13 et les suites nulles des Astérix XXL, ils ont tout raté. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils prennent une licence... Les suites XXL. Ah non, elles sont pas bien, et le remake de 13, il est pas bien. Et ils ont fait aussi Black Sad, qui est pas terrible. Ouais, c'est vrai. C'est pas non plus une daube absolue, mais... En fait, c'est les nouveaux infogrammes, ils se spécialisent dans l'adaptation de BD. Clairement. Ils ont pas fait un flash... C'est eux, Flashback 2, je crois. Ouais, ils ont fait des jeux des schtroumpfs, enfin... Non, faut pas leur parler. Bon bah, ne leur parlons pas. Des fois, ils y arrivent. Apparemment, ils avaient sorti un jeu de plateforme Marsupilami qui était pas trop dégueulasse. Alors, à destination, bien sûr, des plus jeunes, hein. Je pense que tout dépend du studio qu'ils envoient faire ça, mais oui, clairement. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, ils payent pas assez le studio. Donc dans tous les cas, ça sera dépendant de est-ce que les gens du studio ont envie de se crever sans EO pour faire un bon jeu, ou est-ce qu'ils vont juste faire leur jeu de commande, le finir vite, prendre l'argent et faire un autre bon jeu derrière avec cet argent, quoi. Ouais, et puis bon, est-ce qu'on a très envie de soutenir, même sur un bon jeu, des gens qui payent pas assez leur studio Non. Ouais, non. Voilà. Déjà que c'est un milieu où les gens sont clairement pas assez payés au niveau des techos. Donc bon. On va pas encourager ça. Pardon, on a introduit de la politique dans le podcast. Ouais, on s'excuse platement, voilà. Oupsie. Oh. C'était pas vraiment de la politique. On adore Emmanuel Macron. Allez, en échange, pour récompenser. C'est faux, mais... Ah la vache, putain. Voilà. Oh mais soutenez-moi un peu, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas aller sur ce terrain-là. Non, non. Ça, tu assumes tout seul. Voilà. Ça sera découpé de l'épisode et isolé. Et gardé dans un coffre-fort. Voilà, en tant que preuve. Ouais, vous le garderez pour plus tard. Voilà. Le jour où je trahirai la cause, vous pourrez dire qu'il y avait les signes avant-coureurs. Ah, voilà, c'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait un très bon tour de tout ça. Hein. Ça nous aura pris un bon moment. Ouais. Ouais, c'était cool. Ça fait plaisir de se replonger dedans des années après. Là. Bah ouais, et puis c'était sympa de refaire le jeu et d'en parler. Très bon épisode 100. Ouais. Ouais. Je vous souhaite 100 autres épisodes, parce que, bah... Moi, je suis un peu dégoûté, parce que celui-là, je vais pas pouvoir l'écouter. Ah, t'aimes pas réécouter ta voix, hein. Non, puis moi, je viens pour écouter et prendre les infos croustillantes et tout, voilà. Donc, et les avis éclairés, donc, bon... Voilà, tant pis, ce sera pour le prochain. Non, bah, encore merci, hein, voilà, en tout cas. Voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Je pense qu'on peut remercier Punky de nous avoir rejoint pour ce 100e épisode. Et en tant qu'auditeur, merci pour les 100 épisodes qui sont tous très cool. Bon, c'est avec plaisir. Et merci d'avoir mis 1408 aussi haut. Ah oui, mérite. Bah, et puis du coup, merci Chris pour me suivre depuis aussi longtemps dans ce truc-là, alors que on ne savait pas dans quoi on se lançait au départ, je pense. C'est vrai. Mais merci à toi de me l'avoir proposé déjà aussi. Ouais, bah de rien. On a d'autres projets derrière encore. Bah... Ouais. Pour quand celui-là touchera à sa fin. Mais on espère le plus tard possible. C'est ça. Et puis, bah, remerciements aussi à tous les éditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis tout ce temps. Mm-hmm. Ça fait vraiment très plaisir. Oui. Je pensais pas qu'on atteindrait 100 épisodes, mais. Non, moi non plus. J'étais même pas sûr qu'il y en aurait 120 au départ d'adaptation, mais voilà. Bravo à vous. Merci. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, Punky, sur YouTube ? Alors, sur YouTube, en podcast, alors les podcasts, la case rétro, bientôt je vais arrêter, et Some Stoner Stuff, bah, il y a un épisode tous les ans, parce que, bah, vous savez, c'est, c'est le problème, hein, quand on regarde des films de Stoner, c'est qu'après, on finit dans le même état qu'eux, et on met du temps à enregistrer les épisodes. Et puis non, sinon YouTube, et tous les mercredis à 13h30 dans Mercredi c'est Punky, où on regarde des séries animées et des séries télé des années 2000. Voilà, vaste programme, de la nostalgie. Voilà, on regarde à 90-2000 là en ce moment, on se regarde des Demain à la Une, voilà, des séries comme ça, petites séries animées de Spider-Man et tout, donc passe du bon temps tous les mercredis après-midi sur Twitch, et bah, évidemment. N'hésitez pas aussi à soutenir du coup Punky sur c'est sur Patreon que t'es, toi. Tout à fait, ouais. Je suis sur Patreon et YouTube et Twitch. D'accord, bah, n'hésitez pas à soutenir. Chris, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut me retrouver? Bah, plus sur Twitter depuis un petit moment, n'est-ce pas? Parce que financer le parti nazi, ça m'intéresse pas. Du coup, plutôt sur Blue Sky, à Chris tiré du c'est les actions qui Lost montent. Tales. Et toi aussi, d'ailleurs, on te retrouve plus là-bas, hein. Tu as quitté l'antre du démon. Maintenant, on te retrouve également sur Blue Sky, cinéma archiviste. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, toujours archiviste du cinéma, avec des vidéos surtout sur le ciné asiatique. Et pareil, sur Twitch, c'est un peu irrégulier en ce moment, mais c'est le soir quasiment toujours, moi, pour le coup, vers les 20h-21h. Bah voilà, on espère que tout ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode. Yes! Et bah pour Chris et moi, on vous retrouve pour l'épisode 101